Salut les bourrinos et bienvenue pour ce nouveau numéro de VHS et Canapé, le numéro 13. Oh là là, est-ce que ça va porter malheur? On n'en sait rien, mystère et boule de gomme. Et aujourd'hui on a un programme hyper chargé puisqu'on va parler de séquelles, et je peux vous dire qu'on en a bouffé et bouffé et rebouffé des séquelles, au point que peut-être nous en avons aussi, nous, des séquelles. Elle est bonne. Et je suis aujourd'hui accompagné de toute l'équipe de VHS et Canapé, n'est-ce pas formidable? Je vais déjà saluer par le premier comparse qui était avec moi au tout début de l'aventure VHS, c'est bien sûr Bilou. Salut Bilou. Salut Creepers, ça gaz? Ça va plutôt bien, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler de plein de films cette fois. Ouais, c'est clair, je pense qu'on a pas mal de choses à faire, j'espère que tout le monde s'est bien installé parce que... Bah, j'espère que vous avez tous préparé vos bières. Moi, j'ai opté plutôt pour une Pietra. Voilà, une petite Pietra, bien fraîche, voilà. Plutôt tranquille. Et vous avez déjà entendu sa belle voix. C'est un peu un rappeur, voilà, de temps en temps. Quand il fait des pauses entre deux enregistrements, monsieur aussi fait du rap. C'est Rhône. Mais ouais, comment ça va? J'espère qu'on va avoir de la suite dans les idées pour cette émission. Et moi, j'ai opté pour une. Alors, c'est quoi? C'est une Leffe Nectar. Voilà, une Leffe Nectar. Ça se laisse boire. En tout cas, ça sonne plutôt bien. Et enfin, pour terminer, celui qui nous a rejoint au fur et à mesure des émissions dans l'année, eh bien, c'est Rano. Salut Rano. Salut, alors je sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais bon, en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Salut à tous. Et puis, je reste basique, hein. Je suis sur une bonne vieille Heineken. Basique. Bah, c'est parfait, voilà. T'as raison, il faut partir sur les choses simples, sur les valeurs sûres, et surtout, donc j'espère que vous aussi, chez vous, vous êtes plutôt bien installés, parce que ça va être une émission qui, je pense, va attirer le débat. C'est possible. Voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu que je chahute mes collègues, il va falloir que je les calme un petit peu, parce que ça risque de partir un petit peu dans tous les sens, et vous savez qu'on aime bien partir dans tous les sens, dans VHS et Canapé, donc préparez-vous un marathon d'environ 12 heures, voilà, j'ai préparé de quoi survivre autour de moi, ça va être assez long, on va essayer de se canaliser un petit peu, même si c'est pas évident, d'autant plus qu'il fait très chaud dans ma pièce, donc sinon je vais me dessécher complètement, heureusement que j'ai prévu plein de bières. On va est-ce que vous êtes nu? Écoute, au moins tu sais comment garder nos auditeurs jusqu'au bout de l'émission, on va peut-être se défeuiller au fur et à mesure de l'émission. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, à commencer à discuter tous ensemble des séquelles dans le cinéma? Eh ben, tout à discuter, fait. Oui, mais autre chose, non, je suis pas prêt. Non, t'es pas prêt pour te défeuiller, toi, Bilou? Bon, moi, c'est surtout pour vous voir vous défeuiller. Ah, mais t'inquiète pas, c'est une émission radiophonique. on est loin. On va devoir mimer... Avec le son, les feuillages, ça va pas être facile. Ouais, c'est un peu nul. On va oublier cette partie-là, Ron, si ça ne te dérange pas. On va se limiter à la bière, aux vannes et surtout au film aujourd'hui. Et donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des suites. Vous savez, ce sujet un peu tabou, parce que dans le cinéma, les suites, ça a quand même mauvaise réputation. Hein. C'est souvent des suites qu'on appelle faites pour l'argent, faites pour les mauvaises raisons. Mais on va voir au fur et à mesure qu'il y a aussi des bonnes surprises. Et oui, ça arrive. Et d'ailleurs, on va commencer par les bonnes séquelles. Et oui, car il y en a. Et d'ailleurs, on vous a demandé aussi sur Twitter, et vous avez été nombreux à réagir, on pensait pas que vous seriez autant. J'ai découvert un peu le nombre de réponses pendant ma pause déjeuner, j'ai essayé de répondre un peu à tout le monde et de voir un peu ce qui se passait, donc on parlera un petit peu de ce que vous avez choisi au fur et à mesure de l'émission. Mais donc on va commencer par les bonnes séquelles. Alors déjà, messieurs, je vais vous demander ce qui pour vous définit une bonne séquelle, et je vais demander à Bilou de commencer. Pour toi, Bilou, qu'est-ce qui fait qu'une suite de films est bonne? Déjà, c'est que tu te fais pas chier en le regardant, c'est déjà un bon point. Un bon départ. Alors, ce qui marche en plus pour tous les films, ça c'est plutôt... voilà, c'est formidable. C'est une bonne chose. Donc déjà, que ce soit un bon film tout court. Ouais. Ça dépend des gens. Il y en a qui aiment bien rester dans leurs petites pantoufles, et il y en a qui aiment bien qu'on les surprenne. Moi personnellement, j'aime bien rester un peu dans ce qui est connu, retrouver des personnages, trouver une ambiance que j'ai appréciée dans le premier ou les premiers films. Principalement, c'est ça. Après, je suis pas forcément très exigeant sur d'autres choses. Voilà, je demande pas forcément que ça reste exactement les mêmes clous, sinon il y a pas d'intérêt. Hein, c'est une redite. Ça vaut pas forcément le coup. Donc pour moi, voilà, que le film soit agréable, qu'il reste dans la bonne ambiance du premier, dans les bons jalons. Ah, il faut qu'il reste quand même dans une vraie continuité par rapport. Oui, voilà. Je veux dire, faut pas non plus que ça change du tout au tout. Alors que bon, des fois ça peut bien surprendre. Des fois, voilà, il y a des films qui vont totalement changer. On le verra. Et finalement, on est plutôt des fois bien surpris ou on passe exemple, un bon moment. Bruce Willis avec des cheveux, après Bruce Willis sans cheveux, pour toi c'est pas gênant, non ? C'est... c'est une franchise. C'est pas vraiment ce qui me perturbe le plus chez Bruce Willis maintenant. Quoi. D'accord, mais, très bien. Mais non, voilà, moi je suis pas forcément compliqué là-dessus, ce genre de choses me suffit, quoi. Rhône ? Bah, c'est un exercice qui est relativement périlleux. Pour avoir le droit de s'appeler une suite, il faut avoir forcément des points communs avec le film d'origine. Alors ça peut être très varié, hein. Ça peut être les personnages, ça peut être l'environnement, on peut imaginer même que c'est l'ambiance, mais il faut vraiment qu'on retrouve cette continuité, une filiation avec le film d'origine, et dans le même temps, ça reste un nouveau film, et dans un nouveau film, il y a un mot important, c'est « nouveau ». Bon, il y a « film » aussi comme mot important, faut pas déconner, mais... Il y a vraiment nouveau. C'est-à-dire que la suite, si elle veut être réussie, il faut qu'elle apporte quelque chose, qu'on ait quand même un petit bonus, qu'on ait quelque chose en plus que le film original. Sinon, j'ai envie de dire, eh ben, il suffit de relancer la VHS et puis ça fait tout à fait l'affaire, quoi. Est-ce que Rano est d'accord avec cette définition d'une bonne séquelle ? Oui, je suis assez d'accord, mais pour moi, la séquelle, avant tout, je rejoins Bilou en disant que il faut que ça soit avant tout un bon film et qu'il y a une histoire de chronologie qui doit être respectée. Une suite, comme son nom l'indique, c'est censé se passer après. Avant, c'est une préquelle. Donc, moi, peu importe qu'on change d'univers, qu'on change de personnage ou qu'on change autre chose, il faut vraiment qu'il y ait un lien avec le film précédent, effectivement, mais que ça se déroule après. Voilà. T'es sûr de toi, un truc comme Mad Max par exemple. Je titille un tout petit de peu, suite. Toi. Paf, il attaque. Je titille un petit peu. Voilà. Là, je pense parce que ça me fait penser à Mad Max. On a clairement quatre films qui pourraient ne pas du tout, qui sont même quasiment pas liés les uns avec les autres. Il y a même certaines théories qui disent que chaque Mad Max est différent et que le personnage en fait est radicalement différent d'un film à l'autre. Mais du coup, un Mad Max Fury Road, c'est clairement le quatrième opus de la saga, mais on n'a pas les mêmes acteurs, on a le même univers, mais on n'a pas du tout les mêmes composants quasiment. Alors Mad Max, ça pourrait être comme peut-être certains films dont on va parler après, ça pourrait presque être un remake ou une suite, on ne sait pas trop, il y a l'unité de temps, elle est un petit peu floue, mais par exemple, il y a des petits indices qui peuvent dire entre justement Mad Max 1, le 2 et le 3, qui sont justement des suites. Je pense notamment à la blessure de Max à la jambe, qu'il a à la fin du 1 et qu'on va retrouver dans le 2. Le 3, c'est encore un petit peu plus flou, mais c'est un point qu'on pourra aborder un petit peu plus tard, mais je reste quand même sur mon idée de chronologie et c'est un truc qu'on pourra débattre quand même un petit peu après. Parce qu'à noter quand même que Mad Max Fury Road ne s'appelle pas Mad Max 4. Hein. Exactement. Voilà, exactement, oui. Comme Terminator Genesis. qu'on peut donc oublier. Voilà. On en parlera peut-être plus tard. Alors maintenant qu'on a défini un petit peu tout ça, on a fait une sélection de films, justement, et comme on commence avec les bonnes séquelles, on a Rhône a soigneusement, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César, il a préparé cette émission, et donc il a séparé en plusieurs parties le choix des bonnes séquelles. Donc nous avons la séquelle meilleure que l'original, et donc clairement, tout est dans le titre. Alors, comment, pour vous, une suite peut être supérieure à l'original ? Je vais donner la parole à Rhône, justement. Donc là, on va commencer à dévoiler un petit peu nos films, et même tu pourras même parler de ton film, justement, pour pouvoir appuyer ce que tu vas dire. Donc comment, pour toi, une suite, une séquelle peut détrôner le premier film ? Bah, je vais revenir déjà sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce qu'est une bonne séquelle, c'est-à-dire que sur cette suite, on doit retrouver des éléments du premier, et pour que ce soit meilleur que le premier, je pense qu'il faut que ça emmène le film plus loin que le film d'origine. C'est-à-dire qu'un petit peu comme si, rétrospectivement, on avait l'impression que le premier film était un brouillon du deuxième. D'accord. Et c'est pour ça que le film que j'ai sélectionné dans cette catégorie, bon bah, ça ne va pas être une grosse surprise, c'est Evil Dead 2. Je connais pas. C'est quoi ça ? Voilà, c'est une vague histoire avec une cabane, un livre maudit, des trucs comme ça. 4 ans plus tôt, dans cette forêt tranquille, à l'intérieur de cette cabane, quelque chose d'inexplicable est arrivé. Quelque chose d'effrayant. Quelque chose qui frôle la mort. Quelque chose de diabolique. Prions pour que cela n'arrive plus jamais. Cette nuit, les âmes des morts surgissent. Evil Dead 2. Et Evil Dead 2, surtout quand on le voit après le premier, ce qui est quand même fortement conseillé, c'est là où finalement tout se dessine complètement. Vous connaissez tous le H, hein, qui dans le premier film était un joyeux, un petit peu, c'était pas vraiment un crétin encore, c'était un pleutre. Ça s'est affiné dans le deuxième. Les intentions de Sam Raimi se sont affinées aussi. Le premier est beaucoup plus un film. Il y a quand même pas mal de scènes de flip. Dans ouais, le deuxième, c'est d'ailleurs, j'en débat beaucoup avec des amis des fois quand je parle d'Evil Dead 1, où je dis clairement pour moi que c'est un vrai film d'horreur qui a moins de gaudriole. Il y a pas mal de personnes qui sont pas du tout d'accord avec moi en fait, et pourtant je le trouve plus dans l'horreur qu'Evil Dead 2. Bah moi aussi, hein, carrément. Et donc dans le deuxième, il y a le doute n'est plus permis. On est clairement dans une comédie horrifique, et c'est un sillon qu'il a commencé à tracer vraiment avec le 2 et qu'on va voir continuer avec le troisième film plus tard et avec la série télé encore plus tard. Absolument. Et c'est assez fréquent dans les sagas de films que le numéro 2 est un petit peu béni des dieux. Comme si le premier film servait finalement à poser les bases d'un univers, à présenter les personnages, à présenter des thématiques. Et le deuxième, une fois que ça c'est fait, ne s'embarrasse plus de ces questions et se permet d'emmener le matériau un petit peu plus loin pour présenter autre chose qui va être finalement plus approfondie. Alors moi je pense on aurait presque pu faire une émission entière sur les numéros 2 dans les films. Je vais en citer 2-3 autres en faisant bien attention, hein, de ne pas grignoter sur ce que vous racontez mes comparses. Mais il y a le deuxième Indiana Jones, le deuxième Spider-Man, on a le deuxième Seigneur des Anneaux, là je prends des gros films, hein, exprès, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, il y a le deuxième Mad Max, qui clairement, c'est au deuxième Mad Max qu'on pense quand on pense à Mad Max, pas au premier. Hein. Mais surtout, il y a une vraie question de budget aussi là-dedans, c'est-à-dire que Evil Dead 2 permet à Sam Raimi d'étendre encore plus sa mise en scène, d'explorer encore plus de choses, que déjà avec quasiment rien, avec Evil Dead 1, il avait réussi à imposer de nouveaux standards visuels, alors qu'il n'était pas du tout, je crois qu'il n'avait pas fait d'école de cinéma, tout ce que tu veux. C'est vrai qu'Evil Dead 2, il s'épanche encore plus, il se lâche encore plus, ouais. et il dit vraiment beaucoup plus de choses que le premier au final. Et c'est un très bon point, parce que c'est vrai, la question du budget est très importante, mais on remarque, dans le cas d'Evil Dead, et on va le retrouver ailleurs aussi, que le réalisateur n'a pas pour autant abandonné ses intentions. Dans le style de Sam Raimi est tout autant reconnaissable dans le deuxième que dans le premier, hein. On retrouve ces espèces de travelling, ces gros plans. Absolument. Ouais. C'est que le budget soit plus gros n'a finalement pas changé grand chose. Hein. Donc voilà. Et puis Evil Dead 2, c'est Stephen King à qui on doit Evil Dead 2 pratiquement. Ah bon? Stephen King était très très amateur du premier Evil Dead et Sam Raimi avait bien du mal à boucler le budget, et sur le tournage de Maximum Overdrive, hein, le film de Stephen King de sinistre mémoire, Stephen King a dit, bah écoute mon gars, je vais passer 2-3 petits coups de fil, tu vas voir, ça va bien se régler. Et effectivement c'est ce qu'il a fait, et d'un seul coup, paf, le budget est apparu comme par magie, et c'est ce qui a permis de tourner ce magnifique film. Pour moi, c'est pas vraiment une suite, hein, c'est vraiment un remake, je trouve. En fait, il y a le premier, c'est un brouillon, et justement, il a eu les moyens, Sam Raimi, financiers, de réaliser le deuxième. Je trouve que justement, il n'y a pas de continuité entre le 1 et le 2. Parce qu'en plus, on peut se demander pourquoi il y retourne, ce coup. Voilà, c'est plus ça. En fait, il y a une continuité qui est ultra branlée, parce qu'effectivement, pourquoi il y retourne, ce con? Bah oui. Mais quand même, elle y est. Au début du film, il y a un petit résumé du premier. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, exactement. Ça reste, donc pourquoi il y retourne, ce con? Mais pourquoi il y retourne, ce con? Alors peut-être que la réponse est comprise dans la question. C'est vrai que parce qu'il est plus con dans le 2 que dans le premier. Il s'est dégradé. Alors qu'entre le 2 et le 3, il y a effectivement une belle continuité. Ça, il n'y a pas de souci, quoi. Mais en tout cas, je suis d'accord sur Evil Dead 2, c'est clairement une suite qui est supérieure au premier, sur tous les points, techniquement, en termes d'interprétation, d'effets spéciaux, même de musique, hein, la musique est quand même meilleure aussi, donc ouais, c'était un très bon choix. Un peu attendu, c'est vrai, Rhône, bon, d'accord, voilà, un peu attendu. Ouais, je me rattraperai par la suite sur des choix un peu plus inattendus, parce que déjà, je vois qu'il y a déjà de la dissension, hein, puisque à peine j'ai fait un choix, il y a Rano, paf, il me tacle, hein, oui, c'est pas une suite et tout... Ok, d'accord. Non, mais ça va être mon rôle ce soir. Non, mais c'est écrit 2. C'est écrit 2. C'est écrit 2. À partir du moment où c'est marqué 2, c'est une séquelle. Donc je pense que ça rentre parfaitement dans le cadre de notre émission. Monsieur Rhône, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour veiller à ce que tout se passe bien ce soir. Oh, ça va mieux. Rano, je vais te laisser la parole et tu vas nous dire ce qui pour toi fait qu'une suite est meilleure que l'original. Et tu vas nous parler justement du film que tu as choisi. Ben, je vais commencer direct par le film. J'ai choisi Wolf Creek 2. Alors en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu le premier. Oui. Voilà, donc on est vraiment dans un survival, on va dire nouvelle génération, mais très épuré, très dur et tout ça, un petit peu une nouvelle version de massacre à la tronçonneuse, voilà. On a un méchant complètement impitoyable. Voilà. Et le 2, c'est, comment on va dire, c'est Bigger and Louder. Ouais, il est beaucoup plus violent. Il est beaucoup plus violent, le méchant est beaucoup plus sadique. Voilà. Et c'est aussi ça la suite, c'est ce que disait Ron justement avec Evil Dead 2, c'est que le 2 sert aussi à en montrer plus. C'est, on a eu l'entame avec le premier, et le 2 va servir en fait justement de plat de résistance, quoi. Et c'est vraiment le cas avec Wolf Creek 2, où il y a vraiment des scènes gore, il y a des scènes de tension qui sont complètement incroyables. La réalisation, elle n'est pas en reste, hein, elle est magnifique, et c'est vraiment une excellente suite. Voilà, vous voulez vous faire une petite soirée horreur, Wolf Creek 1, Wolf Creek 2, ben vous êtes parti, c'est super, quoi. Dans ce bas monde, on trouve des personnes comme moi. Et des pauvres merdes dans ton genre. C'est un accident ? Et des personnes comme moi bouffent les gens de ton espèce inférieure. Moi, c'est Mick Tyler, chasseur de cochons sauvages et légende du bush australien. Tu débarques dans mon pays. Tu fais tes petites affaires comme si t'étais seul maître à bord. Tu prives un prédateur de sa proie et tu crois pouvoir repartir comme si de rien n'était. Petit fumier. Et un intrus ici. Une malfaisante vermine. Une saleté de parasite. Et c'est aux gens de mon espèce de supprimer votre race de dégénérés. Mais en plus, Wolf Creek 2, moi quand j'ai découvert, au début je croyais qu'il y avait une merde avec mon fils, avec ma version du film, pardon. Parce qu'au début, tu vois des étrangers en fait qui parlent, tout est sous-titré, etc. Ouais. Je crois que c'est des touristes. C'est des Allemands. Des Allemands. Rien. Absolument. C'est pas pareil. C'est un peu comme des Japonais, mais avec des sandales et des chaussettes. Mais qui mange la chocolat. Le mec a une mémoire d'éléphant, quoi. Mais tout ça pour dire que quand tu crois que c'est eux, en fait, les personnages principaux, en fait, ils se font buter comme des merdes. Et là, je fais « Wouah !» Et d'un seul coup, hop, tu repars vers autre chose. Et j'ai trouvé ça plutôt malin. Et ce qui est bien foutu, c'est qu'on s'attache vraiment rapidement à eux. Donc, il y a des petits moments un petit peu complices. On les voit en train de galérer, en train de profiter du paysage, etc. Et puis, hop, le coup prétombe. Ils se font tuer, mais comme des merdes, quoi. En plus, le tueur est ultra charismatique, hein, franchement. Ils ont bien trouvé l'acteur, quoi. Il est vraiment top. Le réel, je crois que c'est Greg McLean. Oui, c'est ça, ouais. Qui a fait aussi un très bon film de crocodile. Exactement. Ouais, qui est vraiment chouette et qui a aussi fait un film qui s'appelle Jungle avec Daniel Radcliffe, que je vous conseille aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et à noter aussi qu'il existe une série, Wolf Creek, je crois qu'ils en sont à la saison 2. Oui, c'est vrai. Et qui reprend, voilà, le même personnage et les origines, justement, du tueur qu'on voit dans les deux films, quoi. C'est pas super, la série, si je peux me permettre. C'est un peu longué, quand même. Ouais. Bah, surtout, le sujet est con, on s'en fout, quoi. On s'en bat les couilles de savoir comment il est devenu un tueur. Ils sont chiants avec ça, de vouloir nous expliquer les origines de pourquoi il est devenu comme ça. Et donc, pour toi, Wolf Creek 2, est-ce que tu pourrais comprendre qu'une personne qui a vu le 1 peut préférer le côté plus calme, plus sec? C'est mon cas. Du premier, parce que voilà, moi j'aime bien le 2, j'avais été agréablement surpris parce qu'il est sorti très tard en plus par rapport au premier. Donc, qu'est-ce qui pour toi dans Wolf Creek 2 fait que c'est mieux que le premier? Alors, ben, pour moi, il y a aussi à boire, à manger, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, je vais peut-être préférer le 2 parce qu'on a à la fois de l'attention, ce que je disais tout à l'heure, mais à la fois un gore qui est un petit peu plus poussé. C'est quelque chose qui manque un petit peu dans le cinéma d'aujourd'hui, des scènes vraiment crado dans un vrai bon film d'horreur. Je trouve que c'est quelque chose qui manque. Mais le premier aussi se suffit à lui-même, et je peux comprendre que quelqu'un... justement, Ron, tu en parlais un petit peu. On aime cette atmosphère poisseuse, peut-être un petit peu moins gore, mais où il y a de la tension vraiment tout le long du film. Le premier, tu vois, Arnaud, moi le premier m'avait un peu foutu la trouille, ce qui n'est pas souvent dans les films, mais parce qu'il y a une mise en place qui est finalement très longue, qui débouche sur une scène de tension qui elle aussi est très longue. Et c'est assez... dans le 1 où il y a la tête sur un pic. Alors, c'est pas ça dont je me rappelle le plus, hein, t'as toute une scène dans une grange là où ils sont attachés, où... je trouve que c'est vraiment tendu, quoi, pour le coup. Et dans le 2, le côté plus spectaculaire, je trouve qu'il désamorce la tension. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais ça file un peu moins la pétoche, moi, je trouve. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on en reparlera quand quelqu'un va évoquer, je crois quand Bilou va évoquer son film, hein, mais c'est un petit peu le même cas de figure, je trouve. On est un petit peu dans le même style. Et voilà, c'est ce que je disais, il y a à boire et à manger. Donc effectivement, on a un premier film qui est déjà très très bon, comme tu dis, plus de suspense, et le deuxième qui ajoute beaucoup plus d'effets de gore, qui est beaucoup plus impressionnant par ses qualités visuelles et, comment on va dire, et sanglantes, quoi, justement. Mais c'est... Les deux films sont très, très bons, mais j'ai quand même préféré peut-être le 2 pour toutes ces raisons-là, quoi. Parce que t'es un gros dégueulasse. Là, pas. Non, mais c'est ce que je disais, ça me manque un petit peu le... Non, mais t'as raison, c'est bon, ce qui film dégueu. C'est ce qui m'a plu dans le 2. Et c'est vrai que du coup, on a aussi une suite qui est un peu différente du premier, parce qu'on aurait pu avoir un autre film qui prend son temps, etc. Et c'est vrai que Wolf Creek 2, il y a un côté rentre dans l'art assez direct qui m'a bien plu aussi, quoi. Donc c'est un bon choix. De toute façon, on peut que vous conseiller de regarder, si vous ne connaissez pas Wolf Creek 1 et 2, si vous aimez les films d'horreur, ça fait du bien, par où ça passe, quoi. Et après, dans la série... Dans la logique de bonne séquelle, là, sur le choix de Rano, ça montre une conception qui est quand même très intelligente, parce qu'il était impossible de refaire la même chose que dans le premier. Clairement. Ouais. Dans le premier, il y a toute une partie de la tension qui vient du fait que le tueur est présenté d'abord comme quelqu'un de finalement plutôt sympathique, quoi, très charismatique. Ouais, ouais. Et ce qui fait qu'il y a une surprise sur son sadisme. Dans le 2, le générique vient de commencer, on sait parfaitement qui c'est, on sait parfaitement ce qu'il va faire, on peut plus jouer sur l'attente comme il y a pu avoir dans le premier, quoi. Mais ce qui fait que ce que tu disais en description, qu'une suite est bonne ou pas, c'est qu'on peut être encore un petit peu surpris et qu'on ne revoit pas le même film du tout. Absolument. Dire que là, moi j'ai l'exemple, en plus très très frais, parce que j'ai regardé hier soir le film The Strangers, Pray at Night. Pour ceux, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu The Strangers, le premier. Oh, il y a un petit bout de temps, ouais. Et justement, que le premier film était sorti il y a un petit moment, c'était avec Liv Tyler et l'autre blondinet qui jouait dans les Underworld, dont je me rappelle pas du tout de son nom. Mais on suivait des gens enfermés dans une maison, et t'avais des jeunes qui venaient toquer à leur porte et qui commençaient à les chahuter et qui voulaient tout simplement les tuer de manière gratuite. Et la suite donc est sortie assez tard, parce qu'elle est arrivée cette année, en début d'année, au cinéma, elle vient de sortir en DVD. Et c'est quasiment la même chose. Donc le film est vraiment agréable, moi je trouve ça plutôt agréable, mais ça manque quand même de surprise. Mmh. Donc tant qu'à faire une suite aussi tardive, essaye de faire peut-être de proposer quelque chose de différent, et c'est ce que Wolf Creek a essayé de faire. Alors pour toi, par exemple, le deuxième Strangers n'a aucun intérêt, alors? Bah, sauf si on veut voir un film d'horreur sympathique, mais il n'a pas vraiment d'intérêt en tant que suite, je dirais. Parce que, il n'a pas d'identité. Voilà, les masques sont les mêmes, on est sur la même fabrication, on va dire, au niveau de la mise en place et tout. Ça reste recommandable, je trouve, par rapport à certains films d'horreur, mais il m'a moins marqué du coup que le premier. On est trop proche du premier, peut-être aussi. Beaucoup trop proche du premier. Mais voilà, ça reste pour les bisseux comme nous un moment qui est pas du tout désagréable, quoi. D'accord. Et voilà, c'est pas ultra fameux non plus. Alors on va passer à Bilou qui est un tout petit film, et je suis vraiment surpris que tu nous en parles ce soir parce que je m'attendais pas à ce que quelqu'un se rappelle de ce film là. C'est un film indépendant, c'est ça. Mais bon, je vais te laisser en parler, tu vas nous expliquer aussi pour toi ce qui fait que ce film est meilleur que l'original. Bah c'est un peu... Moi j'ai pris ce qui était le plus évident, quoi, et je sors du, ah non, je sors du carcan des films d'horreur dégueulasses, machin, venir, etc. C'est pour moi le... Et de toute façon, on l'a vu avec les réponses des gens, c'est ce qui revient le plus souvent. Absolument, ce que j'allais dire. C'est le symbole ultime de la suite qui surpasse l'original, c'est Terminator 2, évidemment. These were taken at the West Highland Police Station, 1984. You were there. Same model. These were taken today. You have to let me see my son. He's in great danger. New mission. Once, he was programmed to destroy the future. You don't know what it's like to try to kill one of these things. Now, his mission... Get down! ...is to protect it. Mom! Come with me if you want to live. You're really real. His loyalty is to a child. Who sent you? You did. 35 years from now. And his enemy. He's a Terminator like you, right? Not like me. Is the deadliest machine ever built. Can it be destroyed? Unknown. This time, there are two. Terminator 2. You just can't go around killing people. Why? If you thought you had seen it all. C'est vrai que ça sonne comme une évidence. Oui, bah, franchement, c'est, je pense que c'est ce qui m'est venu en premier, comme suite meilleure que le premier, et c'est ce qui vient en tête de beaucoup de monde qui a pu apprécier les films. Après, il y a les mecs déviants comme vous qui pensent à des trucs dégueulasses, mais bon, ça, on n'y peut rien. mais voilà. Il faut un équilibre, il faut un équilibre. Ouais, mais famille. Alors là, sur 4, c'est mal barré quand même, là. Je pense que ouais, non, c'est mal foutu. Tu veux dire que le mec pas dégueulasse, c'est toi ? Ouais, voilà, ouais. Ah d'accord. Ben, ça fait peur. Ça. Et donc, ouais, voilà, alors Terminator 2, pourquoi voilà, ça vient en tête de tout le monde ? Bon, bah déjà parce que en soi, c'est un très bon film. Voilà, pas non plus tourner autour du pot, déjà, c'est une raison assez principale. Et je pense qu'en fait, dans ce film, bah, absolument rien n'est raté. C'est-à-dire que autant les acteurs que l'histoire, que l'action, que les décors, que la mise en scène, que ce que le message du film, etc. Tout peut plaire au plus grand nombre. Tout est bien fait, tout est bien réalisé, tout est bien ficelé. Déjà en soi, c'est déjà un très bon film. En plus, il permet de faire revenir le charisme de Schwarzenegger en Terminator, qui faisait un peu, c'est là un peu la surprise un peu. C'est un coup de génie. Un peu la surprise, c'est-à-dire qu'on passe de Schwarzy méchant, voilà, dans le premier en tant que personnage que l'on craint. Le premier reste en soi un peu classique dans ah, si, il reste classique dans l'idée du tueur qui poursuit inlassablement sa victime. Voilà, ça reprend un peu le carcan habituel de ce genre de film. En gros, du tueur qui poursuit sa cible et qui est invincible et qui arrive tout le temps à la rattraper, etc. etc. On peut faire un rapprochement là-dessus. Et donc là, on passe d'un coup de ce personnage qui faisait donc quand même vachement flipper, immortel ou presque, à un personnage qui, d'un coup, on s'y attache, qui est devenu beaucoup plus sympathique, mais voilà, le début, c'est un peu ambivalent. En plus, il joue un peu là-dessus, on sait pas trop qui est gentil, qui est méchant, même si, bon, évidemment, on se doute bien. Mais... Vous savez que la première demi-heure, à l'époque, on n'avait pas Internet, ils avaient réussi, oui. Même en faisant le teasing et tout, personne ne savait du tout qui que était qui, quoi, voilà. était gentil c'est... dedans. Quoi. Et on, si on regarde le film dans cette optique-là, on voit que rien, il n'y a aucun indice, ah il oui, n'y a rien du tout. La première demi-heure, c'est clair. Jusqu'au moment où il arrive, je veux dire, où il rencontre le môme, etc., quand ils sont dans le centre commercial avec le T-1000 et le môme, etc., voilà, on ne sait pas, quoi. Je veux dire, le môme, il voit l'autre arriver, sur le coup, tu dis, bah, qui, quoi, qu'est-ce ? Voilà, c'était... Get down ! C'était quand même vachement bien foutu. Et et après Guns and Roses. Bah, ouais. Qui était en plus, c'était le truc le plus vendu à cette époque. Enfin, ça cartonnait à mort. Donc, les mecs ont vraiment, ils ont tapé juste sur tous les points. Ah, quoi. Tout, argent facile. Guns N' Roses plus un t-shirt Public Enemy. Comme ça, on fait bien les deux. Mais oui, disons qu'ils ont, il faut pas non plus, rabaisser un peu. C'est pas parce que ouais, l'histoire était cool, il y avait Schwarzy, ça a bien marché. Non, les mecs, vraiment, ils ont tout fait pour que ça marche parce que. Non mais il y a un putain de savoir-faire. Déjà, James Cameron déjà derrière, on voilà. se dit, le film à l'époque c'était déjà un budget de 102 millions de dollars et c'était le film qui a coûté le plus cher de toute l'histoire du cinéma à l'époque déjà. Et ils l'ont fait super vite. En plus oui. En plus. Mais en même pas un an je crois le film il a été fait, c'était complètement. C'était même, pour s'imaginer à l'époque les budgets moyens c'était trois fois moins quoi. Donc ils ont fait trois fois le budget d'un film moyen. Alors celui qui a dit oui, franchement ça devait être un génie. Je sais pas s'il a comment il a été convaincu ou quoi. Mais bon, bravo. Surtout qu'il ressortait d'Abyss. Hein. Donc fallait avoir ouais. les coronets hein, de mettre du pognon comme ça sur James Cameron qui venait de se planter quand même. Ouais, mais après, bon, il y avait quand même pas mal de choses autour. Hein. Bon, t'avais quand même Schwarzy. Bon, on pouvait sentir quand même qu'il y avait quand même quelque chose à jouer sur son personnage et tout. Mais c'est vrai que quand même, trois fois un budget moyen pour un film comme ça. Qui reste assez original, parce que c'est vrai que si le film a autant marché aussi à l'époque, c'est parce que ça restait quelque chose quand même d'assez original qu'on n'avait encore jamais vu jusque-là. Et encore maintenant, je te jure, on a reçu le Blu-ray 4K il n'y a pas longtemps, tu le mets, ça met à l'amende, je sais pas. Mais justement, et pourquoi, quoi, c'est pourquoi il a si bien vieilli alors que beaucoup de films vieillissent mal? C'est parce que déjà, les effets spéciaux à l'époque ont coûté rien qu'à eux, ils ont coûté le budget du premier, c'est-à-dire 6 millions de dollars. Rien que pour faire les effets spéciaux. C'est pas mieux que le Cowboy 2, hein, franchement. Si on doit comparer des suites, je dirais à un moment, le Cowboy 2, visuellement, ça envoie le pâté. On parlera des choses qui fâchent après. Mais en tout cas, en plus, les effets spéciaux, donc Cameron a fait appel à trois boîtes différentes qui, chacune, étaient spécialisées dans son domaine. Donc vraiment, pour avoir le meilleur du meilleur dans le domaine. Et en plus, le meilleur aussi sur le plateau, c'était Sam Winston, on en a déjà parlé. Voilà, pour tout ce qui est effets pratiques, maquillage, etc., c'était le boss du boss du boss, quoi. Donc évidemment, voilà, on sent qu'ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands et pour vraiment faire quelque chose de calibré. Et c'est aussi bon pour ça voilà, qu'il a cette aura de nos jours. Même en tant que tel, il aurait déjà fonctionné, mais c'est vrai que quand on parle de suite, voilà, on pense Terminator 2. Même si le premier était très bien, reste quand même un très bon film. On est quand même... J'aurais dit excellent, moi. Je serais là excellent non, film. Je veux dire, grand film. Mais grand son film, problème à Terminator 1, c'est qu'il y a Terminator 2. Ah, ouais. Je suis pas d'accord. Moi, pas si, je pense que dans l'aura publique, son problème, c'est ça. C'est que. Ah oui, pour le grand public, oui. Dans l'aura public, voilà, on se dit, ouais, Terminator, ouais, mais bon, le 2, il est mieux quand même et tout. Alors que le premier, en plus, le premier est quand même fait bien avant, parce qu'on le voit de toute façon, Schwarzy est quand même beaucoup plus jeune. Je ne sais plus c'est quoi la date exacte du premier. Je sais que le 2, c'est 84. Ouais, 84. Le deuxième, 91. Mmh. Donc on est quand même 7 ans plus tard. Mais voilà, je pense que ouais, le problème de Terminator 1 dans la vision du public, on va à dire, c'est le Terminator 2, quoi. C'est surtout que le Terminator 1 n'est pas un film grand public. C'est une différence majeure. Dans Terminator 2, on tire dans les genoux pour que personne ne meure, quoi. Terminator 1, c'est presque pareil que Wolf Creek 1 et 2. On a quelque chose qui est beaucoup plus sec, qui est à la limite du polar. C'est une violence bien plus frontale. Ah bah c'est un mélange d'horreur, de survival, de films de science-fiction. Voilà, c'est un bon. Pour moi, on est presque dans la série B parfaite, oui. Terminator 1. Bah, voilà, moi, c'est ce que j'allais dire. C'est que, par exemple, vous m'envoyez sur une île déserte, enfin, bon, pas tout de suite, et vous me demandez d'emporter un film entre Terminator 1 et Terminator 2. Je préférerais peut-être Terminator 1. J'ai peut-être qu'il a fait rentrer dans VHS et canapé, lui, putain. Ah mais je suis pas loin d'être d'accord. Mais moi, je suis même 100% d'accord. Alors que j'adore le 2. Déviant, là, c'est pas possible. Non, mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas Terminator 2. J'adore le 2. Oui, il y a quand même une perfection dans la réalisation. Les plans ont tous un sens. Il y a Robert Patrick qui est formidable. Mais il y a finalement qu'une scène un petit peu hardcore, mais qui est géniale. Hein, c'est quand Robert Patrick, là, il bute une ménagère. Là, mais il y a quand même pas mal de scènes comme ça dans le 2. C'est un peu oui, c'est surtout le T-1000. C'est qu'il reste violent sans faire le T-1000 fait quand même du ménage à tout bout de champ. Je veux dire, tout ce qui rencontre ouais, meurt. Le bras d'Arnie qui est ouvert, même s'il y a un truc en dessous, c'est quand même une scène qui est assez tendue. C'est difficile, je vais raconter une petite anecdote. Hein. Quand je l'ai vu au cinéma, le bras d'Arnie, comme tu dis, la salle était un petit peu chaude, et à un moment donné, quand cette scène a eu lieu, il y a un mec dans la salle qui a dit « Monsieur, dame, n'ayez pas peur, c'est du fromage ». Ça m'a fait... Ah bah c'est pour ça que t'aimes pas le 2. Ça m'a fait rire, mais dans des proportions démentielles. Ça m'a peut-être un peu niqué le film. Bon, je l'ai revu. Non, mais après. Moi le 2, je sais que moi, je m'en lasserai jamais, je pense, parce que en termes de blockbuster, c'est juste fou. Après, c'est deux films qui sont vraiment à deux niveaux différents. Donc, c'est vrai qu'en termes de, mais en termes de suite, c'est clair qu'on pouvait pas espérer un gouffre aussi impressionnant entre les deux. C'est vrai que Cameron avait pris aussi de l'ampleur à Hollywood. Il a eu un budget de ouf, mais la scène de poursuite en moto, tous ces trucs-là, c'est hyper impressionnant. Les scènes de fusillade sont impressionnantes. Enfin, ça reste un très très grand film. Donc je comprends largement pourquoi, chez nos auditeurs d'ailleurs, c'est ressorti aussi souvent. C'est logique en fait. Pourquoi Bilou ce qui est assez surprenant, parce que quand le film est sorti à l'époque, du moins en France, les critiques ont été assez critiques justement envers le film. Justement pour ce côté un peu too much, on va dire, par rapport à celui d'avant, toujours plus loin, trop grandiloquent, trop d'effets spéciaux, etc. Et le film un peu a gagné un peu avec le temps, bon, surtout par rapport aux critiques professionnelles en termes de critiques publiques. Et maintenant, ils sucent tous Marvel. Voilà, enfin, je veux dire, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grand écart un peu, mais bon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films un peu populaires comme ça qu'on regarde quand les critiques professionnelles les voyaient, et c'était pas la joie, quoi. Mais mes critiques publiques, en tout cas, et populaires, même à sa sortie, le film a très très bien marché, etc. Donc ça, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est assez marrant de voir cette réception un peu étrange. Quand même, quand on voit justement comment tout le monde prend Terminator 2 sur un piédestal énorme maintenant, quoi. Et puis même dans les dialogues, j'allais dire, c'est vraiment top. Comme tu l'as dit, Bilou, c'est rentré dans l'inconscient collectif, les hasta la vista baby ou tout comme ça. Et j'avais aussi une petite anecdote comme Ron, c'est que des fois avec mon frère, on s'envoie donc des petits SMS, voilà, comme tout le monde. Et puis on finit des fois sur des extraits de films, des paroles de films, quoi. Et ça m'arrive des fois de lui envoyer, est-ce que Wolfy va bien? Et lui, il me répond, Wolfy va très bien. Voilà, bon, par exemple, ça. C'est vraiment rentrer dans la pop culture. Exactement. T'as raison. Le je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. T'as oublié de dire s'il te plaît, tout ça. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. On va te faire foutre sa camerde, moi je le dis souvent. Alors c'est d'ailleurs, on va nommer un petit peu les personnes qui ont cité Terminator 2. Donc on a beaucoup d'habitués, on a Stéphane Fanguin qui a parlé de Terminator 2 et d'un autre film, dont on parlera peut-être plus tard dans le côté un peu pas bon. Il y a Xavier Pellange aussi qui a noté T2, il y a Pas des Rétros qui en a parlé, il y a Premier Tigre, ben voilà, il y a vraiment énormément de personnes qui en ont parlé, Julien, Le Normand, Manjimaru, non, il s'est parlé d'autre chose, ben voilà, on a beaucoup d'auditeurs qui ont nommé Terminator 2, et ça peut se comprendre largement, parce que c'est un très grand film, et je pense qu'il vieillit très bien, et qu'il vieillira encore très très bien dans le futur, sûrement plus que Sex Crime numéro 4. en ce qui me concerne, j'ai nommé 5 films différents. Je sais pas lequel choisir du coup, parce que ton vous êtes premier, vraiment tous restés. Ton premier, parce que c'est Maniac Cop. Ah oui. Je suis certaine qu'il est vivant. Mais parce qu'on ne peut pas tuer un mort. Si Teresa Mallory est morte, c'est qu'elle avait découvert la vérité. Si je ne l'avais pas tué, il m'aurait descendu. Nous avons affaire à Maniac. Je ne pouvais pas me défendre. Je suis avec toi, Gordon. Où allez-vous arrêter? Attention! Vous l'avez vu? Je la crois maintenant. Il va aller à Sing Sing pour se venger. Ok, parce que j'avais aussi parlé de Bad Boys 2, parce que ça me semblait normal. Voilà, Bad Boys 2, pour moi, enfonce largement Bad Boys 1, parce qu'il y a des scènes nécrophiles et des blagues de merde. Donc voilà. Mais Maniac Cop 2, en plus que j'ai revu forcément il y a pas longtemps pour préparer l'émission, j'adore ce film. Ah, oui. Je trouve ce film tellement, tellement génial. Alors Maniac Cop 1, alors, je pense qu'il y a eu une incidence Terminator peut-être au moment de la fabrication du film. Je sais plus, j'ai même plus les dates, ça se trouve j'ai une grosse connerie. Mais il y a un peu comme ça ce côté forcément flic immortel qui revient d'entre les morts. Donc pour la petite histoire, donc c'est un personnage qui se fait assassiner et qui revient pour se venger d'entre les morts, donc un flic qui est un très très bon flic et qui revient pour se venger, tout ça. Et donc à la fin du premier film, en fait, il y a Bruce Campbell avec sa camarade qui arrive à exterminer le flic. C'est Cordell, je crois le nom du Maniac Cop. Et bah en fait il est pas mort tout simplement parce que bah il est mortel puisque c'est un maniaque cop, hein, voilà, vous l'avez compris un petit peu. Et donc Bruce Campbell, et ça c'est directement à la fin du film, ça c'est à ouais, la fin du film, il y a une espèce de petit cliffhanger, il a disparu quoi. Ouais, c'est ça, et donc la suite, le 2 est la suite directe du premier. Et c'est une version, bah encore une fois, plus hardcore, plus d'action, plus de violence, plus de mise à mort, voilà. Mieux et maîtrisé aussi. C'est avec, avec Robert Zdar. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, il a joué dans Tango et Cash, c'est le mec qui a la grosse mâchoire qui traverse le pare-brise du camion au tout début. Il a fait plein, plein de second rôles. Samurai Cop aussi. Exactement, il joue dans Samurai Cop. Il est fabuleux dans Samurai Cop d'ailleurs, on vous le conseille, Samurai Cop, c'est fabuleux. Et on en parle d'ailleurs dans l'émission sur les nanars, je crois, de mémoire. Et donc Maniac Cop 2, comme disait Ron, c'est un film qui est beaucoup plus maîtrisé, il a un rythme qui ne faiblit absolument jamais. Il y a une scène complètement dingue de poursuite où à la fin, il y a une femme qui est carrément accrochée à la portière avec le gars qui roule et ça part dans tous les sens. Il y a plein d'explosions, plein de fusillades. Il y a une scène notamment qui fait un petit peu penser justement à Terminator où le Maniac Cop débarque dans une... dans une gendarmerie, ce qui n'existe pas vraiment aux États-Unis. Dans un papier, s'il vous plaît. Et il dessoude tout le monde, enfin voilà, c'est un film qui est hyper maîtrisé et qui, par rapport au premier, du coup, enfin, utilise hyper bien le concept, reprend vraiment bah, les personnages du départ et améliore vraiment tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, le Maniac Cop, au début, va commencer à s'encoquiner avec les pires bad guys et t'as des moments où tu vas croire qu'il va aller aider les impuissants, on va dire, et finalement, non, il aide les méchants à dessouder encore plus de pauvres personnes innocentes. Donc c'est un film qui est vraiment bien et qui me permet aussi bah, de signaler que William Lustig, c'est quand même un très bon réalisateur. Exactement. Qui a fait plein de belles péloches bis dans les années 80, qui s'est un petit peu perdu hein, forcément au fur et à mesure. Je crois que c'est lui qui tient aussi une grosse boîte de Blu-ray qui réédite énormément de bons films bis. Tout à fait. Aux États-Unis. Bien sûr, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. Je ne reviendrai pas à ton secours, ça me revient pas non plus. Donc je vous laisserai rechercher tout ça, mais voilà, si vous aimez les films bis et que vous ne trouvez pas forcément votre compte chez nous, bah voilà, sa société de production de Blu-ray font vraiment des belles choses. Mais donc Maniac Cop 2, voilà, ça magnifie tout le côté série B du premier, ça continue avec encore plus d'action, ça assume parfaitement son concept. Donc si vous ne connaissez pas, c'est pas forcément évident à trouver justement, je pense, chez nous. Mais je pense que si vous cherchez, moi j'ai une vieille édition DVD toute dégueulasse, hein, en 4 tiers, assez crado, donc voilà, j'ai quand même regardé, ça passe encore, parce que j'ai pas trop le choix, mais ça passe vraiment super bien, comme Maniac Cop 2, je ne peux que vous le conseiller. Alors juste pour info, il y a Carlotta, l'éditeur de DVD Blu-ray, qui a édité en fait le Maniac Cop 1, il y a quelques années déjà, en fait, dans un DVD oui, tout simple. Belle collection VHS. Voilà, ouais. Qui reprend l'esprit un petit peu d'une VHS. Et les copies sont souvent très très belles. Et on les trouve pour une dizaine d'euros là, sur les sites de vente sur internet. Donc, oui, absolument. Vous avez fait aussi Red Scorpion, aussi avec Dolph Lundgren. Vous avez fait les. Il y a les Basket Case. Le Basket Case, exactement. 1, 2, 3. Donc ils avaient fait des belles éditions pour ça. Donc si vous voulez redécouvrir au moins Maniac Cop 1, il a raison, Rano. Merci de le préciser. Ça permet de connaître un petit peu la franchise. Qui a eu aussi un 3 Rhône hein, que moi j'ai pas vu par contre. Ouais, mais qui est pas du même niveau. Enfin, le pinacle, c'est Maniac Cop 2 qui est un petit bijou de série B. Hein. Des bons effets spéciaux de Tom Savini, je crois. Et puis des effets spéciaux à la Tom Savini, du coup, parce que c'est un petit peu crado quand même. Ouais, il est un petit peu crado le 2. Hein. Enfin, voilà, très très bon film ce Maniac Cop 2, et donc il a parfaitement sa place dans cette première partie d'émission. Est-ce que vous avez des petites choses à citer? Parce que là, on avait quand même nommé des films comme La fiancée de Chucky, qui clairement était une bonne surprise à la sortie. Il y a Freddy 3, on a fait carrément un set alloué consacré à ce film-là, donc vous pouvez aller l'écouter. Mad Max 2, voilà la version roumaine de Mad Max, c'est absolument fabuleux. Il y a Hostel 2, Batman le défi aussi aurait pu sortir, parce qu'il est clairement meilleur que le premier, je le trouve beaucoup moins chiant. Moi, le 2, il a une belle identité, et puis des beaux méchants surtout, avec des créatures et tout, qui sont assez cool. Ouais, donc on a parlé de Spider-Man 2, donc voilà, il y a quand même énormément de... L'Empire contre-attaque qui a été souvent cité. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'était cité de nombreuses fois, et pour moi c'est le Star Wars parfait. L'Empire contre-attaque, c'est le meilleur de tous. Ouais, c'est pas très très compliqué, mais L'Empire contre-attaque, c'est clairement le meilleur film Star Wars il y a les de tous les temps. Il y a Aliens qui a été cité, je crois, et puis... Aliens, exactement. J'ai même eu SOS Fantôme 2, étonnamment. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui sont alcooliques parmi nos auditeurs aussi. Hein, Alors ce qui est marrant, c'est que la personne qui le nomme... Donc c'est Chris Yukigami qui dit, alors le pire film, la pire suite c'est SOS Phantom 2, la meilleure suite c'est SOS Phantom 2, j'ai un petit problème avec ce film, je confirme. Voilà. Effectivement, ça date, t'as dû absorber du slime quand t'étais bébé, il y a des chances. Voilà. On va passer à la deuxième partie des bonnes séquelles, et donc ce sont les séquelles différentes de l'original, et il y en a quelques-unes effectivement. Et cette fois c'est Rano qui va commencer, et en plus c'est un film que j'aime bien aussi. Alors, c'est un film qui, on va dire, divise assez de ce que j'ai pu regarder sur certains forums ou même sur Twitter. Hein, c'est... Il y en a qui l'aiment, il y en a d'autres qui ne l'aiment pas. Mais moi, je suis plutôt dans la première tranche, un petit peu comme toi. Voilà, c'est Halloween 3, le sang du sorcier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, après Halloween 2, John Carpenter et Debra Hill voulaient faire une espèce d'anthologie de films d'horreur sur le thème d'Halloween. Ils avaient donc l'idée de sortir en fait un film qui n'avait rien à voir avec Michael Myers et d'en faire donc un par an comme ça. Et suite aux mauvais résultats donc justement de Halloween 3, ils ont laissé tomber l'idée, ils ont repris le personnage de Michael Myers parce que le 1 et le 2 avaient cartonné quoi, en fait, juste le 1. Principalement le 1, on va dire. Je peux avoir un masque ? Devine ce que j'ai prévu pour toi, petit petit. Pourquoi, Cochrane ? Pourquoi ? J'ai besoin d'une raison. Je ne trouve rien qui indique qu'il y ait eu un corps humain. Mademoiselle, c'est extrêmement urgent. J'adore les plaisanteries. Et celle-là est la meilleure qui soit, une blague sur les enfants. Je me réjouis que vous puissiez voir cela. Je vous en prie, croyez-moi. Ils vont tous nous tuer. Nous tous. Coupez tout. Le monde va changer cette nuit, docteur. La joyeuse fête d'Halloween. Coupez ! Halloween 3, le sang du sorcier. La nuit où personne ne rentre chez soi. Et le 3, c'est quand même un film qui est assez bizarre, qui est assez mystérieux, qui est empreint justement de magie. Il y a cette espèce d'histoire avec les pierres de Stonehenge. Il y a un type qui veut faire renaître en fait, d'anciennes légendes celtes en faisant des... C'est Mano, ça. En faisant... oui, voilà. C'est la tribu de Ghana, ça. Ils ont pourri le cerveau de pas mal de monde aussi à l'époque. Hein, donc, et voilà, donc on parle d'une société qui fabrique en fait des masques pour Halloween et qui ont la particularité d'avoir en fait une espèce d'émetteur en fait à l'arrière du masque qui permettra aux personnes qui le portent de mourir le soir de la diffusion d'un spot publicitaire assez spécial. Avec une musique qui tabasse, hein, elle te rentre dans le crâne. Halloween. Ah, c'est une horreur, quoi. Ça, le truc, tu l'as pendant 3 jours. It's almost time, kids. The clock is ticking. Be in front of your TV sets for the horror-thon. And remember the big giveaway at 9. Don't miss it. And don't forget to wear your masks. The clock is ticking. It's almost time. Happy, happy Halloween. Halloween. Halloween. Happy, happy Halloween. Super Shamrock. Happy, happy Halloween. Halloween. Halloween. Happy, happy Halloween. Super Shamrock. Et c'est le film, on s'ennuie très très peu, quoi. Franchement, c'est un film que j'aime beaucoup, comme je disais en préambule, qui est assez mystérieux, qui... bon, il y a des trucs qui vont pas, il y a quelques longueurs, il y a des trucs qui sont quand même assez drôles. Il y a le... Je sais pas si vous voyez l'acteur, c'est Tom Atkins, c'est un habitué des films de Carpenter ou des séries B des années 80. Bon, c'est le père de famille avec la moustache, c'est un vrai sex symbol dans le film. Toutes les femmes sont amoureuses de lui, sont à fond sur lui. Et ah, c'est la moustache. Ça, c'est la moustache, voilà. Et il va mener son enquête, en fait, justement, sur cette usine, ma foi, pas très honnête, on va dire. Et voilà, il y a des scènes qui sont très très marquantes, justement un gamin qui va mettre le masque, qui regarde justement le spot publicitaire et ben qui se met à mourir dans d'atroces souffrances. Et c'est quand même une scène qui m'avait quand même marqué quand je l'ai vue à l'époque, parce que même pour dans les années 80, c'est quand même très très rare de voir des enfants mourir les films d'horreur. Vraiment, c'est ça. Ouais. Même des enfants qui tuent, parce que c'est la base est de manipuler les gosses avec les masques, et c'est une idée qui est quand même assez noire. Quoi. Mais là, c'est vraiment de les faire tuer, hein. Il n'y a pas de manipulation, on va dire, quelconque, mais c'est vraiment au port du masque, voilà. Et la fin est pas du tout optimiste. On est vraiment sur une fin type Carpenter, l'antre de la folie, mais qui est vraiment noire, quoi. Donc il y a des très très bonnes choses dans ce film, donc qui n'est, on va dire, pas supérieur à Halloween 1 et même à Halloween 2, hein, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le 2 aussi. Mais qui est vraiment différente. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans cette partie, parce qu'on est dans une sorte de suite, donc qui n'a vraiment pas d'affiliation avec les deux premiers films. On va dire qui est dans le même registre, mais qui est complètement différent. Alors, la question piège, est-ce qu'il aurait dû s'appeler Halloween 3 ? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Hein. Hein, parce qu'au final, bon film, on est d'accord. Mais est-ce que les gens l'auraient pas boudé parce que justement il n'y avait pas Michael Myers, à mon avis, je pense que... Je pense qu'il y a un petit bout de réponse, c'est que Halloween 3, moi, ma première vision, j'ai pas du tout accroché. Quoi. Mm-hmm. J'ai pas du tout accroché parce que j'ai pas retrouvé ce que j'attendais d'un film qui s'appelle Halloween. Je l'ai revu plus tard et là j'ai trouvé que c'était bien cool. Mais voilà, quand tu lances Halloween 3, tu t'attends pas forcément à avoir une histoire qui n'a rien à voir avec le slasher qu'on avait vu à l'époque, surtout la claque qu'on avait pris avec le 1 et le 2, enfin surtout le 1 plutôt que le 2, mais dire Halloween 3, quand tu lances Halloween 3, c'est clair que c'est peut-être pas forcément une bonne idée de continuer une franchise sans ce qui faisait l'intérêt de la franchise, du coup. Parce que là, c'est un peu aussi l'idée de la séquelle différente, c'est est-ce que c'est une bonne idée de s'éloigner du film original? Mais sauf que est-ce que on est vraiment toujours dans le cadre, on est dans le cadre d'Halloween, mais est-ce que c'est encore un vrai film Halloween? Par contre, de la saga Halloween, c'est moins évident quand même. C'est ce qui était prévu au départ, donc ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, et je peux comprendre que quelqu'un qui achète un coffret Halloween, qui veut se mater les 6 films en pensant voir Michael Myers dans les 6 films et qui se retrouve devant le 3, il peut être désabusé, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils auraient dû le faire dès le 2, à la limite, ce que tu dis, s'ils veulent faire des anthologies, ils auraient dû faire Halloween 1, l'histoire de Michael Myers, Halloween 2, je sais pas quoi, Halloween 3 avec les masques, etc. Donc, erreur de communication, comme Nintendo avec la Wii U. Voilà, par exemple. ils sont un peu gourés. Voilà. c'est à ça que j'ai pensé tout de suite aussi. J'ai surtout pensé à Resident Evil. Resident Evil, non, parce qu'il n'y a pas de Resident Evil 3, c'est de la merde, mais ils ont gardé les jeux. Je parle des jeux, en fait. Ah. Le Resident Evil 4, pour moi, c'est pas un Resident Evil, par exemple. Oh, là, non, ça, nous lance pas sur des trucs pareils. C'est carrément un autre débat. Je trouve que c'est le même idée. Garde la parole, Bilou, le dire des âneries. Quoique. Et on a déjà parlé, en plus, dans l'émission sur Predator, et tu veux enchaîner, et donc on s'éloigne de la suite du premier film avec Arnold Schwarzenegger, qui revient encore une fois en force. Donc toi, tu veux parler de... Bah, tu m'as spoilé, là, donc... Ah non, j'ai pas dit deux. T'as tout niqué. Je voulais parler de Predator 2. Il avait atterri dans la jungle la plus hostile du monde. Maintenant, il débarque dans une toute autre sorte de jungle. La chasse est ouverte et le gibier, c'est nous. Predator 2. Alors oui, on est toujours dans la section bonne séquelle. Je tiens à le préciser quand même. On n'a pas changé. Vous n'avez pas loupé un bout. C'est vrai que c'est moi qui avais été méchant avec Predator 2. Moi j'aime bien Predator 2. Ça c'est à cause de Danny Glover qui en fait des caisses dans ses fringues trop longues. Il me fait mourir de rire, putain. Il est hystérique. Mais alors c'est ça change. Alors je dirais c'est pour le meilleur du rire et pour le pire du reste. Ah mais c'est une bonne idée de changer de cadre. Voilà, ça change complètement. Alors ça change de tout, hein, parce que la jungle devient une jungle urbaine. le Predator. Ouais. Et puis Schwarzy, ça devient Danny Glover. Alors, j'aime bien Danny Glover, mais il est à 3000% sur le film, il met pas de déodorant, il est en nage tout le temps, il balance des phrases, mais des trucs. Ah oui, je me souviendrai toute ma vie de ce enfant de putain quand il se rend compte d'un truc, enfin. Des scènes complètement dingues. Tu vois que le personnage en lui-même est complètement dingue parce qu'à un moment dans le film ils font son CV et tu vois son CV, si tu m'épouses et que tu regardes, tu dis mais le mec, qu'est-ce qu'il fout dans la police, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ah, c'est clair, c'est le pire des connards. C'est... Même l'inspecteur Harry à côté, c'est un enfant. C'est vraiment un gros taré. Mais alors, bah après, qui d'autre pour aller battre Predator, hein, évidemment. Il y a Gary Busey qui fait le connard de service. Je sais tout, t'inquiète, je gère et 3 secondes après, je meurs. Bref, mais voilà, enfin c'est complètement différent du premier, l'ambiance est complètement différente, on part d'une sorte de huis clos dans la jungle, à un truc ouvert à tout bout de champ, avec des gamins qui veulent filer des bonbons, enfin bref, c'est... voilà, on est con... Toujours des bonbons. Belle imitation. on est carrément dans un autre monde. C'est complètement fumé. On se demande vraiment s'ils avaient vraiment vu le premier avant. Mais voilà, j'ai une affection particulière pour ce film. Moi, je trouve que dans son genre, il est à 3000% exactement comme le personnage de David Glover. Donc, pour moi, ça reste une suite vraiment qui prend complètement à contre-pied, mais qui reste sympa. Alors, un côté sympa nanar, hein, je vais pas non plus commencer à crier au chef-d'œuvre. Hein, mais bon, voilà. Et de toute façon, en plus, on va dire que les Predators, ils ont été habitués un peu à ça, hein, parce qu'au final, il n'y a aucun film Predator qui ressemblait un peu à un autre. Bah, ils ont tenté, avec Predators, de revenir à un côté jungle et chasse, mais... Non. Je le trouve, ouais, pas nul, mais... Quand t'as vu le premier, tu te dis, mais à quoi bon ? Ah oui, non, mais voilà, le premier, voilà. C'est... À part le fait qu'il y en ait plusieurs, des Predators, bon, ok, mais voilà, si... Quand tu compares au premier, tu dis bon. Non, mais les mecs, Alien versus Predator 2 Requiem. Non, mais il aurait pu avoir sa place vers la fin, mais Alien versus Predator. Le pire, c'est que j'étais allé voir le film en disant il peut pas être pire que le premier. Mais putain, c'est nul! Oh là là là là là là! Non, ah, les Predators. Bah, oui, j'espère. J'espère que celui-là va redorer le blason un peu. Après, moi, j'ai toujours foi en Shane Black parce qu'il m'a rarement déçu. Oui, moi aussi. Bon, on verra. Mais c'est vrai que les Predators, ils ont pas été. Si un jour il bouge sur Terre pour classe. Nous désinguer, il faudra pas s'étonner. Parce que. Moi je rejoins un petit peu Bilou, c'est un film que j'aime quand même pas mal. Ah bah finalement. Predator 2. T'étais pas avec nous encore pendant le podcast. Parce que. Voilà, parce que on a vraiment une ambiance, comme le disait Bilou, c'est voilà, il y a quand même... Ah, les Jamaïcains, bordel de merde. Il y a des Jamaïcains qui sniffent des kilomètres de coke, il y a une ambiance moite, mais... Ah oui, mais c'est le cas de le dire, putain. Mais je regarde le film, moi je transpire, quoi. J'ai rien que de voir l'autre avec ses chemises en sueur, là, bordel. Il y a une scène dans le métro qui est excellente, je trouve. Non, mais il y a des bonnes scènes, la fusillade au tout début est vraiment très bien. Et puis il y a Bill Paxton aussi, en plus. Ouais, y a des belles choses. Et puis il y a Bill Paxton. Après, le Predator fait tellement nimp. Enfin, c'est con comme une porte. C'est complètement. Ah, mais oui, mais de toute façon, ils le disent, hein, dans le film, que ouais, il y a toutes sortes de Predators. Bon, il y a des biens, des moins biens, et des cons, des moins cons. Bon. Et lui, c'était le cousin. Il l'a envoyé là parce qu'il avait déjà perdu contre E.T. Il était puni, le mec. Voilà. Oh, le frisbee qui est coupé. Oh là. Ouais, enfin non, ils ont essayé de faire plus, un petit peu plus, comme d'habitude, et... Enfin, moi, je suis un peu moins fan, mais ouais, je peux comprendre qu'il soit... En tout cas, c'est clairement différent de l'original. C'est différent. Enfin, je suis d'accord avec et toi. Et puis cette petite apparition de la tête d'Alien, en fait, dans le vaisseau à la fin, là. Qui, du coup, nous a permis de voir deux films de merde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, les studios. C'est vraiment fabuleux. Merci les fans d'avoir réclamé ça pendant des siècles. Comme quoi, il faut jamais jouer aux jeux vidéo, les fans. Suffit. Jamais. Ah, jamais. Faut jamais écouter. Si tu sais pas ce que tu veux faire, tu ne le fais pas. Tu n'écoutes pas les fans. Alien versus Predator. Alors, j'ai vu qu'il existait des figurines Predator 2 de Danny Glover. Et il me semble qu'on a l'option auréole. Il y a des vrais fringues. Tu fais un bouton derrière, ça couche. T'appuies dessus, il y a de l'eau qui sort. Et quand t'appuies dans son dos, il dit « Enfant de putain !» Ah voilà, faut que je regarde le film à nouveau, mais le jouet parfait pour vos enfants à Noël, vous savez ce qu'il faut acheter. Alors on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux avec une tuerie, Ron, et je suis même deck que tu l'aies choisi. Ah bah oui, je me doutais quand je l'ai mis, je me dis Creepers va m'en vouloir. Mais... J'aime tellement ce film et que personne connaît en plus. Donc c'est pour... En plus, le nom fait peur, hein, justement. Alors c'est pour ça que j'attaque tout de suite par le nom. Moi je vais vous parler de Universal Soldiers 6, le jour du jugement. Daddy, there's monsters in the house. Okay, I'm gonna check it out. The FBI has some questions for you. You ever seen this man? His name is Luke Devereaux. His prints were all over the crime scene. We live among them like ghosts, biding our time. You're mine, so now you're own. We are brothers. We are one and one. I can hear this voice telling me that I gotta kill him. If you go looking for Devereaux, he'll find you first. It's not safe here. Look out! I didn't kill him. Luke Devereaux did. The Day of Reckoning! Hello, soldier. Alors, voilà bien un film qui est hautement improbable. Il vient de loin. Il revient vraiment de très loin. Donc, c'est un film avec, cette fois, c'est avec Scott Adkins qui veut venger la mort de sa femme. Et le coupable, c'est Luke Devereaux, hein, le fameux Universal Soldier. Donc moi c'est un film que j'ai lancé hein, pour reposer mon cerveau, et là, coup de poing, merde c'est bien. Ah la scène d'ouverture, claque dans la gueule direct. Alors pourquoi c'est différent? C'est différent parce que Universal Soldier traditionnellement c'est un petit peu le film d'action, j'allais dire un petit peu basique quoi. On est content de voir Jean-Claude qui fait un petit peu le pitre, c'est pas mal grand public on va dire, et là arrive ce film qui n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé avant. Le seul rapport, c'est qu'il y a des Universal Soldiers qui sont encore là. Ouais, il y a Luke Devereaux qui est le même personnage. Quoi. Luke Devereaux qui est le même personnage, mais dans le traitement, ça n'a aucun rapport. On a un film qui est violent. Très violent. Même, ouais, franchement violent, qui est très très glauque. Ce qui est assez surprenant dans le cadre de la série. On a un niveau de réalisation, c'est John Yams qui a fait ça, qui était dopé aux amphétamines, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment très très bien réalisé. Et puis, finalement, ce film, à la surprise générale, il s'apparente plus à une sorte de remake d'Apocalypse Now qu'à un film Universal Soldier, avec dans le rôle de Marlon Brando, et ben Jean-Claude Van Damme. Avec le visage peinture lurée en blanc, qui a un air qui fait vraiment peur. Je rigole pas, hein, pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents, ils ont du mal à le croire parce qu'ils ont vu qu'il aimait bien manger des sorbets ou des conneries comme ça, ça aucun rapport. Il fait vraiment peur avec une espèce de secte des Universal Soldiers qui ont été laissés à l'abandon, avec son complice Dolph Lundgren qui revient un petit peu faire une pige également, même s'ils n'ont aucune scène en commun. Et c'est la surprise totale. C'est là où on lance un film en s'attendant à voir quelque chose, et ce qu'on voit, non seulement c'est qualitativement très élevé, on a dit que c'était un prérequis, mais en plus c'est totalement inattendu. Et après une scène d'ouverture qui est très violente, on sent tout de suite qu'il se passe quelque chose avec ce film, et en fait on est accroché jusqu'à la fin. Alors je voulais vraiment en parler parce que, comme disait Creepers, on pense pas forcément à parler d'un film qui s'appelle Universal Soldiers 6, le sixième épisode. Et pourtant, au milieu de cette série, que par ailleurs, moi, dont je raffole pas plus que ça, il y a ce film qui surnage, comme s'il était indépendant, finalement. Il s'appuie sur un background qui est existant précédemment, et il en fait complètement autre chose. C'est vraiment un super film, je vous le conseille en fortement. En plus, il fait presque film expérimental, je veux dire, la première scène dont on parle, elle est entièrement en vue subjective. C'est où il est avec un couteau, non, c'est ça? Il y a pas une, a des fois, couteau, y a pas une scène où Jean-Claude il est avec un couteau, enfin uniquement armé d'un couteau. En fait, à la fin, parce que en fait, au tout début du film, donc tu vois à travers les yeux de Scott Adkins sa famille qui se fait massacrer, mais durant, on voit tout, vraiment on voit tout, ses enfants, sa femme, etc. Il se fait savater tout ce que tu veux, et t'as Jean-Claude qui apparaît à la fin. Alors, je sais plus s'il a un couteau, je sais plus si c'est lui qui tue au final sa femme ou quoi. Mais en fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a, on est vraiment dans le film quasiment expérimental, parce que t'as aussi des espèces de flashs qui apparaissent, t'as des scènes assez assez étranges comme ça qui apparaissent avec des flashs de Jean-Claude en espèce de diable Colonel Kurtz effectivement. Ouais, t'as ça sent la vraiment folie, des tentatives c'est... visuelles, voilà, et ça sent la folie. Et moi j'avais vraiment mis de l'année de la sortie dans mon top top des films parce que justement la grosse surprise, je m'attendais pas à ça. La claque était assez violente et en plus. Le réal, donc c'est John Yams, ouais, John Yams, ouais. Ouais, donc le fils de Peter, avait fait en plus celui d'avant qui était très basique, vraiment très, très basique, qui était même cheapos, filmé dans une espèce de carrière, voilà, quelques fusillades un peu à la con. Et là, celui-ci débarque de nulle part, t'as des scènes, une scène de poursuite qui est quand même hyper bien troussée, une scène de baston dans un magasin d'outillage ultra violente, et puis la fin, t'as un plan séquence comme ça dans les grottes. Ouais, et jusqu'à la fin, c'est là où tu vois, parfois t'as des films qui sont un peu bénis des dieux. La scène de baston à la fin, elle était censée être ultra spectaculaire avec des saltos et tout le bazar, mais il se trouve que Scott Adkins s'est blessé avant de la tourner. D'accord. Et ce qui fait qu'ils ont été contraints de faire une scène beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus basique, mais pour le meilleur, parce qu'on se retrouve... Et qui fonctionne bien. Et oui, on se retrouve avec un Van Damme qui est complètement monolithique, qui donne une impression d'être un tank dans cette baston finale, qui devient pour le coup très réaliste, très sèche. C'est une baston à la hache en plus, je crois. Ah bah oui, et puis ça y va franchement, tu sens la force des coups, et en fait, ça a l'air d'être bête à dire, mais une grosse droite dans la gueule, ça fait plus d'effet qu'un double salto arrière avec... Ouais, c'est clair. Avec des câbles et tout. Exactement, ouais. Et c'est jusqu'à la fin que ce film maintient cette sensation d'autre chose, et quand le générique de fin arrive, on se dit, mais bon sang, on a quand même vu un sacré truc, quoi. Donc c'est vraiment ma reco de l'émission. Elle arrive peut-être un petit peu tôt, mais parce que c'est peut-être le film le moins connu. Ouais, n'ayez pas peur, à cause du titre, franchement, foncez sur Universal Soldier 6, parce que c'est vraiment de la balle, quoi. Vous les avez vus ? Est-ce que vous l'avez vu ? Alors, moi, je l'ai vu. J'étais en train de regarder, parce que je prends les petites notes, à chaque fois je mets des notes sur les films que je regarde, etc. Et c'est vrai que là je l'avais vraiment bien noté, celui-là. J'en avais pas un souvenir non plus impérissable, mais j'avais vu déjà les opus précédents, et mis à part le 1 dont j'avais quand même quelques souvenirs, il n'y en avait aucun qui me rappelait quelque chose. Quoi. En plus, il y a une espèce de téléfilm, donc c'est un peu compliqué de se remettre dans les Universal Soldier, mais c'est vrai que le 2 avec Jean-Claude n'était pas GG. Je me rends compte que j'apprécie de plus en plus Scott Adkins, et j'étais en train de réfléchir que ça serait bien qu'un jour, pour l'année prochaine, qu'on fasse une prochaine émission sur, par exemple, les nouveaux héros, on va dire, les nouveaux bad boys. Ah, mais il a quand même un agent de merde. Il faudrait qu'il soit mieux exploité, quoi. Il a un sacré potentiel. Mais regardez les films Ninja avec lui. Moi, Ninja 1 et 2, je les trouve vraiment très très cool. Enfin, il fait quand même quelques petites péloches de temps en temps sympas, mais c'est vrai qu'il est un peu un agent. Mais je pense qu'on lui propose que des trucs de merde. Il fait beaucoup de séries B, c'est vachement aléatoire. Les Boyka avec lui sont très bien. Un seul deviendra invincible. 2, 3, 4, je crois, ils sont avec lui et c'est très très le bien. Le tout dernier qu'il a on fait, on commence très à partir bien, ouais, en sucette. Mais bon, Scott Adkins, effectivement, Rano, t'as raison, moi j'aime bien aussi, mais c'est vraiment dommage qu'il fasse des choix un petit peu zarbi quand même. Donc on a parlé de Predator 2, on a parlé d'Universal Soldier 6, on a parlé d'Halloween 3, alors moi je parle de quoi ? Devil's Reject ou Texas Chainsaw Massacre 2 ? Là t'as réussi à placer les deux en attendant. Hein. C'est vrai. Mais si on veut un truc qui est vraiment différent, si je peux me permettre, va plutôt sur Massacre à la tronçonneuse, parce que Devil's Reject c'est presque une version propre du premier. Quand même. Voici déjà 13 ans, une vague de crimes abominables plongeait l'Amérique dans l'horreur. Le temps, puis l'oubli, effacèrent jusqu'au souvenir du tueur. Tapis dans l'ombre, il attendait son heure. Bientôt, le massacre va reprendre. Massacre à la tronçonneuse 2, un film de Toby Hooper avec Denise Hooper. Qu'on appelle aussi dans le métier Texas Cocaïne Massacre. Parce que Parce que le film, il est complètement taré, il est hystérique, parce que c'est même compliqué, je dirais, à la fin, ils hurlent tous. La gonzesse hurle tout le temps, les mecs hurlent tout le temps, mais c'est un film que j'aime bien. Qui est hyper bordélique, qui part un peu dans tous les sens, et qui est radicalement différent, effectivement, du premier Massacre à la tronçonneuse, qui était un peu un miracle, à mon avis, pour Tobey Hooper. Parce que c'est un film miraculeux, qui est parfait. Qui arrive à retranscrire la folie sans faire de trop, justement, ce qui était vraiment un gros talent de ce film-là. Et Massacre à la tronçonneuse 2 va carrément à l'opposé. Il pousse les potards au taquet. Dans Massacre à la tronçonneuse 1, il n'y avait quasiment pas une goutte de sang. Bah là, il y en a 30 litres. Il y a plein de choses assez bizarres. Donc en fait, on est plusieurs années après le premier film. Et donc la famille du premier film, bah, ils font de la viande à base de viande humaine, et ils la distribuent un petit peu partout, et ils continuent à massacrer les gens un petit peu dans tous les sens, et à un moment ils tuent des jeunes sur une autoroute, enfin sur un pont je crois, et ils sont enregistrés à la radio en direct, parce que les jeunes étaient en train d'appeler une radio locale pour raconter des conneries, et c'est enregistré, ça plaît pas vraiment au papa de la famille, qui décide de dessouder la gonzesse qui présente l'émission, et de récupérer la bande, etc. Et à partir de là, bah, on est sur une espèce de grosse, un gros film de survie où donc Leatherface avec son frangin et le père essaient de récupérer la gonzesse. Et on a un Dennis Hopper qui est là pour les arrêter parce qu'il sait lui que c'est Leatherface qui est en train de tuer tout le monde. Qui un Dennis Hopper aussi sous cocaïne, ah, je pense, qui est totalement possédé. Il est complètement halluciné. Qui récite la Bible à chaque fois qui choisit des tronçonneuses pour les tuer. Je trouve ça complètement con, mais c'est merveilleux. Il débarque dans un magasin d'outillage avec des billets, il pose des billets, il prend deux tronçonneuses, il les lève en l'air comme ça en faisant des gros signes de taré. Et il se casse avec, et je le vois encore toute la fin du film courir dans les sous-sols et couper les poteaux qui tiennent la maison, ce qui est quand même un étrange plan, je trouve, pour pouvoir tuer tout le monde. C'est un peu compliqué comme plan. Mais voilà, il y a plein de scènes débiles, mais par contre, il y a des trucs qui fonctionnent très très bien. Notamment la première scène où la jeune fille est confrontée justement aux deux frangins, où elle rencontre le mec, là, qui se gratte la tête et qui bouffe ses morceaux de peau avec le cintre. Et d'un seul coup, il ouvre la lumière et il y a Leatherface qui fonce avec la tronçonneuse. Je trouve que le passage-là est hyper tendu et vraiment bien foutu, donc on retrouve un petit peu la tension du premier film. Mais il y a un côté bordélique, c'est hyper gore. Dès les premières scènes, on voit une tête coupée avec du sang qui gicle, on voit que c'est une fausse tête qui rebondit comme ça avec du sang qui gicle. C'est un aspect quand même qui est à la limite de la comédie. Hein, on est dans la comédie. C'est là où je trouve que ton choix il est très pertinent sur cette catégorie, parce que pour le coup, on est vraiment très très très loin du film original. Bah, Tobey Hooper avait toujours dit que le premier était une comédie. Il y a peut-être que lui qui trouvait ça drôle, rire, je pense. Ou alors il est un peu dérangé, ce garçon. Enfin, il était un peu dérangé, ce garçon. Mais c'est vrai que le 2 est vraiment, pour moi, dans de l'humour noir absolu. Et on a la scène de fin, encore une fois, avec le grand-père qui essaie de taper avec le marteau sur la tête de la fille, mais qui arrive pas du tout. On a plein de scènes complètement hallucinantes. Et moi, je suis toujours à me demander pourquoi ils ont fabriqué un sous-sol aussi zarbi avec des décors de Noël. Tu vois, Tobey Hooper, il devait avoir du pognon, parce que c'est la Canon, hein, bien sûr, qui produit ce film-là, parce qu'ils avaient donné un contrat de ouf à Tobey Hooper. Ils étaient toujours à la pointe, la Canon. Ouais, dans les bons C'était coups. Au moment où Tobey Hooper était au fond du fond et lui donne un contrat de ouf pour faire des films. Mais ça donnait quand même les seins de Mathilde Amé. Ça, on peut quand même leur dire merci. Avec Life Force. Mais en tout cas, Massacre à la tronçonneuse 2, ça revient de très très loin. C'est complètement taré, c'est complètement différent. Mais ça vaut quand même le petit coup d'œil si vous ne l'avez jamais vu. Voilà, je vous conseille de le regarder. Et puis pour l'info un petit peu rigolote, si vous regardez la jaquette du film, donc il y a Leatherface et sa famille, ils sont en position comme ça, ils prennent la pose sur la jaquette du film, et c'est la même pose qu'on peut voir sur le film Breakfast Club, en fait. Exactement, voilà. C'est vrai. C'est exactement. Pour la petite anecdote. Belle l'affiche là en plus. Ouais, c'est vrai, exactement. Merci de votre précision, monsieur Rano. De rien. Voilà, on mettra un petit jingle pour la prochaine fois. L'anecdote amusante. Alors, on a parlé des séquelles différentes de l'original, et maintenant, nous allons parler des séquelles inattendues d'une qualité surprenante. Alors, en plus, c'est un peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire que les films qui sortent de nulle part des suites improbables de films qui sont sortis il y a très longtemps. Donc on va vous parler un petit peu de ces films-là qui débarquent parfois 10, 15 ans après, comme ça, après le premier film. Donc on a des cas assez intéressants, on avait eu Gremlins 2, il y a eu Reanimator 2, etc. Mais on va vous parler d'autres films, on espère vous surprendre un petit peu. Et je vais donner la parole à Cindy, qui a un choix très surprenant, alors qui va essayer de nous expliquer maintenant. Alors... j'ai dit on va aller un petit peu à contre-courant, on va pas choisir un film mais plutôt une série. J'ai réfléchi un petit moment parce que le sujet était un petit peu délicat. J'ai choisi la série Ash vs Evil Dead, que j'adore. My uncle was a shaman. When I was a kid, he would say evil is always waiting in the shadows and only one man would rise to stand against it. Yeah, looking good. Looking sweet. Uh-huh. What the hell? Pablo, I'm gonna tell you something I've never told anyone. 30 years ago, my friends and I spent the night at a cabin. We found the Necronomicon Ex Mortis, the book of the dead. Certain passages were recited. It awoke something in the woods. Something evil. I was the only one to escape. But now, the evil has found me. Pour moi, c'est quand même un cas d'école pour ce sujet, donc les suites qu'on n'attendait pas véritablement, ou plutôt qu'on attendait mais qu'on voyait pas venir en fait. On avait eu donc les Evil Dead 3, et puis 15 ans à peu près plus tard, on a eu le film de Fede Alvarez, là, le remake d'Evil Dead. Mais toujours dans le cœur des fans, les gens voulaient revoir Bruce Campbell, voulaient revoir la tronçonneuse. C'était quelque chose qui manquait un petit peu, cet humour grand guignol, comme on l'a bien décrit tout à l'heure, ce mélange d'humour et de gore. Et voilà que débarque la série Ash vs Evil Dead. Et qui est un grand exutoire, quoi. On est vraiment à moitié dans Evil Dead 2, Evil Dead 3. On a le personnage donc, de Bruce Campbell, qui reprend son personnage donc, de Ash Williams, qui est un personnage qui est complètement imbu de lui-même, qui est macho, qui est... Ils ont poussé le potard connard à fond dans la série. Voilà, avec une gaine. Voilà, donc il a vieilli, il y a des petites notes d'humour par rapport à ça. Et comme c'est une série qui a été diffusée sur une chaîne câblée, ils ont pu se faire plaisir par rapport aux scènes sanglantes. Là, c'est comme tu disais, ils ont mis les potards à fond et il y a le sang qui gicle de partout, les têtes coupées, les bras coupés. Il y a un épisode anthologique dans la saison 2 qui se passe dans une morgue que je vous conseille absolument de voir, mais qui est absolument délirante, qui est une des scènes. Mais je l'ai regardé avec mon frangin, mais on était pliés en deux et puis à la fois c'était quand même assez gore. Et c'est une série qui est faite aussi pour les fans, c'est-à-dire que sur la saison 1 est plus concentrée sur la poursuite de l'histoire d'Evil Dead, et la saison 2 est pour moi, on va dire, ils vont disséminer en fait tout un tas de... on va parler du passé de Ash, on va voir apparaître sa sœur, enfin des petits trucs que les fans avaient l'habitude de voir ou qu'on connaissait déjà par cœur dans les épisodes précédents. Il y a son précédents. Père aussi, c'est dans la saison 2 qu'il y a Il y a son père, on va plus parler, décrire tout ce qui concerne sa voiture. C'est une série qui en met plein les yeux, qui fait plaisir aux fans, et c'est quelque chose que justement les gens attendaient et que Sam Raimi, Robert Tapper et Bruce Campbell ont fait justement. Le seul truc qu'on pourrait regretter, c'est que j'ai pas vu la saison 3, mais il paraît qu'elle est un petit peu moins bien, et il a été annoncé très récemment que la série a été annulée. Ça va pas se poursuivre et Bruce Campbell... C'est déjà pas mal, hein, 3 saisons. Oui, il faut savoir s'arrêter, c'est bien déjà. Et Bruce Campbell a vraiment déclaré qu'il ne reprendrait plus du tout le rôle de Ash Williams. Voilà. Donc, je ne sais pas comment finit la saison 3, si c'était prévu qu'il y ait une suite. Ouais, j'ai pas vu non plus. Mais bon, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur la série, mais de manière générale, même si elle avait de très bons avis, elle ne faisait pas vraiment de très très bonnes, de très bonnes audiences. Et bon, après, dans tous les cas, le piratage n'aide pas, mais la série était rapidement mise sur Netflix. Ce qui, Oui, vous pouvez l'avoir sur Netflix en HD de bonne qualité. Qualité. Donc, si jamais vous voulez qu'il y ait une suite à la série, voilà, il faut la regarder sur Netflix. Des fois, c'est ce qui fait bouger les choses. Après, je ne sais pas comment, je vous ai dit comment finit la saison 3. Donc, est-ce qu'il y a une nécessité à avoir une suite? Est-ce que il faut que, ça, c'est un sujet qu'on pourrait aussi aborder. Est-ce que il faut à un moment que les films, les séries s'arrêtent sur ce sujet-là? Est-ce qu'il faut qu'on clôt carrément le débat? On en parlait juste avant, les Universal Soldier, on en est au 6, les Fast and Furious, on en est au 58, au j'en 8. Sais plus. Ils ont déjà prévu jusqu'en 2045. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi, il faut que ça s'arrête? Donc ça, c'est un autre débat à avoir, mais... Ouais, mais moi, honnêtement, Fast and Furious, j'en avais rien à foutre jusqu'au 5, hein. Et le 5, boum, quoi. Moi, Fast 5, je le trouve excellent. Mais... C'est The Rock débarque, il y a une scène à la fin où il pète absolument tout, il y a une baston entre The Rock et Vin Diesel, elle est chouette, il y a une fusillade qui est super chouette. Je suis complètement d'accord, on est dans du bon divertissement, quoi. Mais bah c'est bien, c'est un bon divertissement, Fast 5. Oui, non, je trouve. Et voilà. Qui a rigolé? J'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Moi, je trouve, c'est complètement con, mais moi, je trouve, en plus, ça devient presque des super-héros, hein, les mecs de Fast and Furious, mais moi, je trouve que Fast 5, et je l'assume parfaitement, c'est un très bon film d'action. Voilà. Bah oui, dès qu'il arrive, hop. Bon, après, enfoiré, Jumanji 2, j'aurais pu le mettre dans cette émission, c'est nul, quoi. Et quand je vois tous ceux qui lui cirent les pompes à ce film, là, oh là là, putain, c'est pas bien. Bande de salauds. Ah, j'aime pas Jumanji 2, il y a que des bonnes critiques, je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà. Je comprends pas. On va aborder un film à la fin aussi, je comprends pas non plus. On en reparlera. Ouais, c'est bien, vas-y, tease. Non, mais H versus Evil Dead, c'est vrai que c'était. Ça me semblait zarbi, mais maintenant que j'ai été entendu en parler, je trouve ça logique et ça se tient. Beau. Ça se tient. Voilà, ça se tient complètement. Ron, est-ce que tu te tiens, toi? Oh, bah oui, moi je me tiens. Moi, ça. Tu te tiens bien, en toi. Trop, tu penses. En plus, je pense que ton film ne fera pas l'unanimité non plus. Alors oui, c'est bien possible, parce que moi je vais vous parler comme suite peut-être improbable et surprenante dans sa qualité de 2010, l'année du premier contact. Al, me reçois-tu? Oui, Dev. Où êtes-vous? Je ne vous vois sur aucun de mes moniteurs. Ça n'a pas d'importance. J'ai de nouvelles instructions pour toi. Je veux que tu diriges l'antenne AE-35 vers la Terre. Dev, cela romprait le contact avec le Leonov. Je ne serai plus en mesure de relayer mes observations de Jupiter selon mon programme. Je comprends. La situation a changé. Cette priorité l'emporte sur le programme Alpha. Voici les coordonnées de l'antenne AE-35. Fais-le maintenant. Instruction confirmée, Dev. C'est agréable de travailler de nouveau avec vous. Ai-je rempli correctement ma mission? Oui, Al. Tu as très bien travaillé. Voici maintenant un dernier message que tu vas transmettre à la Terre. C'est le message le plus important que tu aies jamais envoyé. Je veux que tu le répètes autant de fois que possible. Que va-t-il arriver, Dev? Quelque chose de merveilleux. J'ai peur. N'aie pas peur. Nous serons ensemble. Où serons-nous? Là où je suis maintenant. Confirme antenne pointée sur balistère 1. Message commence. Et on part encore d'un Yams. Exactement, du papa. Ah, le jeu de société. Peter Yams, c'est un film de 84. Et alors pourquoi il est surprenant ce film? Parce que finalement c'est une adaptation d'un bouquin, hein, comme 2001, l'Odyssée de l'espace était l'adaptation d'un bouquin. Sauf que 2001, c'est un film qui est tellement culte, particulier, tellement culte, intouchable presque. C'est ça qui est un film qui est un peu sous acide, auquel on aime bien prêter énormément de sens divers et variés. Et malgré tout, on s'est dit, on va faire la suite. Alors déjà, le bouquin, à mon avis, est nettement moins bon que le premier, le bouquin de Arthur C. Clarke. Et on s'est dit, on va filer ça à Peter Yams, hein, donc qui a fait un Outland que j'aime beaucoup, mais qui a fait aussi Presidio, Relique et Time Cop, quoi. Ah. Pour dire que personne voilà. N'est parfait. C'est juste pour dire, glisser que. C'est, oui, il a fait pire après. Voilà, mais disons que c'est pour dire, c'est à la base, on peut se dire, tiens, c'est quand même pas Kubrick. Et, non, mais il avait un bon savoir-faire quand même. Oui. Outland, je l'aime beaucoup, ce film, en passant. Donc, on a fait un film alors, avec un casting assez solide, quand même, parce qu'il y a Roy Scheider, que j'aime beaucoup, cet acteur. John Lightlow, qui, comme d'habitude, fait le même rôle que toujours. Ça veut dire qu'il n'est pas gentil. Voilà, ça veut dire qu'il fait toujours, il a toujours la même tête dans tous ses films. Après, il a joué dans Bigfoot, il était gentil. Ah, c'est vrai, il était gentil. C'est vrai. Attends. Bigfoot et Lander, c'est gentil Lightlow. C'est de la culture. Ça la existe. Ça existe. Et alors là, donc avec ce film, quand t'auras fini, hein, si je peux continuer. Non, vas-y. Excuse-moi, mais c'était le point Bigfoot. Voilà, je ne connais pas que Commando, monsieur. Vous voyez. Et donc la surprise, eh ben 2010, il s'avère que c'est bien. On a un film qui est beaucoup plus terre-à-terre que 2001, j'ai envie de dire, heureusement. Mais sans pour autant être dénué de sens, hein, puisque finalement, ça raconte l'histoire d'un équipage qui part dans l'espace autour de Vénus, si je ne me trompe pas. Donc on a des Américains et des Russes, hein, essentiellement, qui sont obligés de collaborer dans l'espace, pendant que sur Terre, les Américains et les Russes se déclarent la guerre. Et la Terre est en train de s'autodétruire, en quelque sorte, quoi. Et on a un film qui finalement peut trouver un écho favorable parce qu'il y a un rythme qui est plus soutenu que dans 2001, vous allez me dire c'est pas difficile, tout en gardant des effets visuels qui sont à tomber par terre, qui sont vraiment superbes. Encore aujourd'hui, hein, c'est du superbe travail, ça a été primé, bien sûr. Et l'expérience, elle est bien sûr pas aussi forte que 2001. Je suis sûr que quand j'ai dit 2010, il y en a peut-être plein dans les auditeurs qui se sont dit « mais ça existe vraiment, quoi ». On peut pas dire que c'est un film qui est forcément marqué. Et puis il y a eu 2012 de Roland Emmerich. Oui, alors c'est qui Dieu merci n'est pas la suite, quoi. Mais on a un film qui finalement a une approche qui est beaucoup plus facile que 2001. C'est bien plus lisible et ça donne un résultat qui a donc pas grand chose à voir avec le film d'origine, si ce n'est que ça se passe dans l'espace et que c'est une vision pseudo-réaliste du voyage dans l'espace. En dehors de ça, bah, c'est presque un film de SF complètement différent. Alors on retrouve le monolithe, mais qui étrangement n'a pas le même... Il semble même pas avoir le même sens dans 2010 que dans 2001. Bon, on va pas ouvrir un débat sur le sens du monolithe dans les films, sinon on va faire 8 heures. Mais c'est une curiosité qui a l'avantage d'être accessible et qui, en valeur absolue, est un bon film de SF. Et après tout, c'est peut-être ce qu'on lui demande en premier lieu, quoi. On est d'accord. Moi, j'ai jamais vu le film. C'est ce que tu disais, c'est il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas que c'était une suite à 2001, en fait. Hein. Ah bah ouais, donc, voilà. Et donc, c'est vraiment considéré comme une suite ? Ah, complètement. Il y a le monolithe est là. D'accord. Il intervient dans l'histoire. Il est dans l'espace, en fait, le monolithe. Si ce n'est qu'on voilà, on lui prête une fonction différente dans 2010, mais donc il y a des vrais points communs, il y a un vrai pont entre les deux, et c'est une adaptation du livre 2010, comme 2001 était une adaptation du livre 2001, donc c'est une authentique suite, quoi. Merveilleux, c'est merveilleux. À mon tour, je vais pas parler de Mad Max Fury Road, parce que c'était un peu trop facile, mais il faut le regarder, Mad Max Fury Road de toute façon, parce que c'est un grand film, et on va parler de La fiancée de Chucky, les amis. Well, hello, Dolly. Chucky's back, but this time there's more to fear, because this time he's got a playmate of his own. Bride of Chucky. Est-ce que vous avez vu La fiancée de Chucky ? Bah, carrément. Oui, oui, oui. C'est cool, bah, La fiancée de Chucky. Et ce qui est bien dans La fiancée de Chucky, ça fait trois fois que je le dis, peut-être qu'il va apparaître dans ma chambre. Donc La fiancée de Chucky, et ce qui est sympa, c'est que moi qui n'étais pas un grand fan des premiers, alors même si le 1, je le trouve relativement correct, je crois que c'est le quatrième opus. Je crois que c'est le quatrième. Ça doit être ça. Ouais. Et donc dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc une nouvelle poupée qui est jouée par Jennifer Connelly. Non, pas Jennifer, n'importe quoi. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tilly, exactement, Jennifer Tilly. Que vous avez vu dans Bound des frères... Ou des sœurs. Pourquoi je me lance dans des trucs? Alors vas-y, on l'a vu dans quoi? Dans Bound, vous savez, des frères et sœurs qui ont fait Matrix, Wachowski. qui est un très bon film aussi. Donc je vous conseille. Mais voilà, la fiancée de Chucky, je trouve ça hyper drôle. Il y a un humour noir qui est hyper cool. Donc on a toujours la même petite poupée tueuse. Avec, j'allais encore une fois me lancer dans le nom de l'acteur, mais Brad Dourif. Oublié. Brad Dourif, merci. Heureusement, j'ai des souffleurs aussi. Et qui joue toujours ça de manière vraiment excellente. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment dans un film qui est beaucoup mieux réalisé, je trouve, que les autres. C'est Ronnie Yu qui a fait ça, qui est un réalisateur qui vient de Hong Kong et qui a fait aussi le 51e étape. Et Mutronix, vraiment, si je me trompe pas. Oh putain, j'aurais peut-être pas dû m'aventurer là-dedans. Mais... Ah, ça me dit rien. Et c'est pas lui qui a fait Freddy contre Jason aussi, non ? Si, tout à fait. Aïe, aïe, aïe, aussi, aïe, aïe. Freddy. Bah moi j'aime bien. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah bah moi j'aime bien, monsieur, parce que je me dis, c'est pas pire que le pire des Jason. C'est pas pire que le pire des Freddy. Vu comme ça. Ah bah oui, bah écoute. C'est mieux qu'Alien contre Predator. C'est mieux qu'Alien contre Predator 1 et 2 réunis. Non, je trouve qu'il y avait de la vanne, il y avait des bons effets spéciaux. En plus, il était super gore, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les films Freddy et Jason. Il y avait du cul, il y avait de la violence, il y avait des jeunes complètement abrutis. Enfin voilà, moi je trouve ça plutôt cool. Voilà. Donc je vous emmerde. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurais mieux fait de parler de Jason X. Hein, donc en fait je vais parler de Jason X, je vais changer complètement de fusil d'épaule après avoir parlé de la fiancée de Chucky. Et Jason X, moi je suis peut-être le seul sur Terre à l'aimer. Non, mais on est deux, voilà. Ça, ce qui fait donc Jason au moins 50% des participants de ce podcast. Exactement. Non, ça va, il est sympa, Jason X. J'aime aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jason Voorhees, voilà ce qui se passe. C'est une machine à tuer. Ça va? Tout va bien, elle veut juste sa machette. Comment on sort de la navette? J'en sais rien. Écoute, tout va bien se passer. T'es défoncé ou quoi? Non, non. Il est là. Il faut que tu les sortes de là. Hé, bouffon! Oh, je crois qu'on s'en est enfin sorti. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, je le crois pas. Oh, wow. Il a été modifié. Oh, vous croyez? Vous feriez mieux de partir. Il est plus là, je crois. Ben alors, pourquoi? Tu vas pas jeter un œil pour vérifier? Oh mon Dieu! C'est beaucoup. Il est sorti très tard, je l'ai vu seul au cinéma. C'est une de mes rares séances avec un film de loup-garou qui s'appelle Dog Soldier où j'étais seul dans la salle de cinéma. Et moi, je m'étais vraiment amusé. Il y a quand même une scène de mise à mort où il met la tête d'une gonzesse dans truc de refroidissement liquide et lui explose la gueule. Il y a une scène où il chope deux gonzesses dans des sacs de couchage et les explose contre des arbres. À la fin, il termine en Uber Jason Terminator et il est super c'est classe. C'est n'importe quoi, ce film. Et en plus, c'est le plus beau Jason dégueulasse parce qu'il est complètement abîmé au début. En plus, il y a David Cronenberg qui se prend une lance dans le cœur. Enfin, voilà, il y a plein de trucs super cool. Ça... En fait, c'est un pur film de SF qui raconte l'histoire de l'humanité. S'il y a un monolithe à un moment qui revient dans l'espace. Non mais voilà, Jason X, franchement je vous conseille Jason X parce que si vous n'avez jamais vu ce film là de peur ou est peut-être lassé par la saga en même temps, mais en même temps j'aime bien aussi Jason va en enfer, donc je suis un peu un crado, mais voilà, moi j'aime bien Jason de toute façon. On est des sales. Mais Jason X, voilà, moi je trouve que c'était plutôt bien réalisé en plus. Et j'étais assez étonné par la qualité de l'ensemble, et je sens qu'on va bien se foutre de ma gueule. Non, même pas. Ah ouais, c'est bien. Bah écoutez, je suis content de ne pas être tout seul. Bilou, t'as un avis sur Jason? Non, j'en ai vu aucun, donc... Oh là là. Oh, je l'ai dit, je suis un type simple, normal, putain. Oh monsieur... T'es un type simple, j'attends avec impatience ton choix. Là. Ah ouais, non, mais carrément, quoi. Carrément. Voilà, Jason X, c'était mon choix pour ces suites qui viennent de loin et qui arrivent à survivre et qui sont belles. Ouais. Elles sont belles. Et jamais personne n'a osé partir après Jason X parce qu'ils se sont dit, voilà, on ne pourra pas faire mieux que ça. Je peux en glisser une petite vite fait, là, Creepers. Oui, vas-y. Je voudrais juste évoquer un titre, je ne vais pas faire long dessus, hein, mais juste pour dire qu'il y a Psychose 2 dans le genre séquelle inattendue. J'ai vu le 1, mais j'ai pas vu le 2. Qui est passé derrière Hitchcock, des années et des années après, ça semble très compliqué. Surprise, c'est un très bon film, Psychose 2. On va le noter aussi. Il y avait aussi Le Retour des Morts Vivants 3, moi que j'aime bien, de Brian Yuzna. Oui, absolument. qui est très gore, très, très froid aussi, hein. Il est un peu visuellement, il est un peu dégueulasse, mais par contre, je trouve que c'est un film qui se tient très très bien, il est sorti très tard aussi, et je vous le conseille, il est pas évident non plus à trouver, hein, Le Retour des Morts Vivants 3. Ouais, j'ai le DVD, je peux organiser des projections. Bah voilà. Eh ben magnifique, on va se faire une projection VHS et canapé, puis on fera une émission sur Brian Yuzna juste après. Quelle bonne idée. Allez, j'ai terminé, je vais laisser la parole à Bilou, qui a deux très bons films dans sa sélection, et puis on sait pas. Ouais. Putain, mais je vous emmerde tellement, putain. Alors, moi, je vais être avec toi, Bilou, sur ce coup-là. Ah, finalement, il a bien fait de venir. Voilà. Alors, moi, c'est un peu un triptyque, on va dire, que j'ai. C'est un triptyque Stallone. Avec des suites qui ont un peu déboulé de nulle part, qu'on n'attendait absolument plus, et que quand on l'a su, on a dû se dire ouais. On l'a tous fait, hein. Non, faut être on honnête. On s'est dit ouais, faut être honnête. Bah, comme on se le redit un petit peu là, mais bon, j'en parlerai. Mais voilà, ouais. On s'est dit ça va encore être putain. Et puis finalement, en fait, on s'est bien fait niquer. Parce que Stallone, il l'a bien mis à l'envers. C'est donc avec. Déjà, principalement, je vais parler de John Rambo et de Rocky Balboa. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est vraiment la surprise. Parce que, donc, comme je disais, vraiment, on s'est dit, une suite à John Rambo, quand on a vu le 2 et le 3, on s'est dit, bon... On s'est dit chouette, parce que c'est vraiment bien. Ouais, alors c'est bien avec des potes, machin, on va dire que c'est pourri, hein, on va tous avouer là tout de suite que voilà, on aime bien les regarder. Certains l'ont dit, hein, y a Rambo 2 est ressorti quand même pas mal de fois. Comme... En mauvaise suite. Il y a des gens qui ont des goûts de merde, écoute, c'est comme ça. Oh, il est bien, Rambo 2. Monsieur insulte les auditeurs. Je n'ai peur de rien. Voilà. Mais toujours est-il que oui, voilà, quand on l'a annoncé, je me souviens plus vraiment ce que j'ai dû dire, mais dire bon, au moins on se fend dans la gueule. Mais au final, on se fend pas vraiment la gueule, quoi, parce que... Après, on allait au ciné le voir tous quand même. Hein. Oui, bah, oui, disons que voir un Rambo au cinéma, disons que quand on n'a pas 112 ans comme Ron, c'est quand même assez rare. C'est pas un truc qu'on a pu tous faire. On va dire que c'est Stallone qui fend pas mal de gueules dans ce film-là. Quoi. Ah oui, mais nous, on se fend pas la gueule du tout. Mais voilà, c'est. Disons que c'est. Donc, on va déjà remettre à plat John Rambo et Rocky Balboa. Donc, c'est réalisé et scénarisé par Stallone. Le Rocky, je crois qu'il l'a fait aussi avec quelqu'un d'autre, mais le Rambo, c'est scénarisé par lui. Les deux, il est réalisé. Et on sent vraiment que c'est une volonté de l'acteur de renouer avec des personnages importants de sa carrière et importants pour nous aussi, hein, pour les spectateurs. Et leur offrir un peu une conclusion épique, parce que c'est vrai que c'est aussi le thème un peu des deux films, c'est la fin d'une ère, quoi. C'est la fin d'un héros, enfin de deux héros, mais qui étaient assez différents dans leurs films respectifs avant. Moi j'ai une théorie, pour moi c'est la phase d'une même pièce, tu vois, Rocky et Rambo, et la conclusion des deux films me conforte dans cette idée que t'as le bon côté de Stallone, c'est Rocky, et le côté ras-le-bol de ce qui se passe en ce moment et dans ma carrière de merde, c'est John Rambo. Non, c'est vrai, ils sont très complémentaires. Alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il voulait exprimer, etc. Mais c'est très complémentaire les deux. Il y a une sorte de ligne directrice qui est intéressante dans les deux. Et surtout par rapport même à la carrière de Stallone aussi, par rapport au fait qu'il revivait de loin. Parce que c'est vrai que quand il a fait cela, c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait des trucs extraordinaires. Voilà, c'est vrai qu'on va voir qu'il n'y a pas un capital confiance absolument gigantesque dans ces deux films. Et alors autant le John Rambo, j'ai mis très longtemps avant de le voir parce que j'ai pas eu l'occasion, mais autant le Rocky Balboa, je l'ai vu au cinéma. Et c'est vrai que il calme bien quand même, c'était vraiment super bien fait, d'une efficacité exceptionnelle, comme le John Rambo, qui, je trouve, par contre, le John Rambo peut-être abuse un peu trop des effets... Oh là là, ça ouais, des effets un peu sanguins, vieux, SFX et ouais, tout. Le sang CGI, ouais, c'est voilà. Dégueulasse. Je trouve que c'est vrai que ça fait perdre un peu du côté un peu brutal au truc, qu'on retrouve encore dans les Expendables, c'est pareil, je trouve ça un peu cheapos, quoi, bon, ouais. C'est dommage. Ouais, ouais, mais ouais. Toujours est-il que ce sont deux très bons films, et c'est aussi quelque chose qui est bien et pas bien, parce que comme ces deux films ont bien marché, autant, je veux dire, en termes de box-office, de critique publique, etc., du public, c'est qu'ils ont eux-mêmes engendré des suites. Alors, il y en a une, bon, on n'est pas trop d'accord, c'est sur Creed. Je trouve, enfin, Creed, c'est, on va dire, c'est mi-suite, mi-spin-off, mais je trouve qu'il reste un peu dans l'ambiance quand même de Rocky Balboa. Je trouve qu'il y a quand même un petit intérêt de passage de flambeau, un peu, enfin... Aucun. Ouais, enfin, il y a juste un truc, c'est qu'il y a l'émotion en moins, quoi. Parce que là où on s'est bien fait baiser avec John Rambo, enfin si je peux me permettre, avec Rocky Balboa, c'est que, enfin en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis allé voir un spectacle et je me suis retrouvé coincé quoi. Ah bah Rocky j'ai chialé. Bah, c'est hein, ça, Rocky, je m'attendais mais vraiment pas, ouais, en allant voir Rocky Balboa, à me retrouver cueilli, comme ce qu'il a fait c'est quand même quelque chose quoi. Et alors que le Creed, je vais t'écouter essayer de défendre cette version très générique de on tente vaguement de relancer une franchise. Maintenant, à toi, Bilou. Je te remercie. Donc, si on n'écoute pas les vieux grincheux, non, voilà, non, en fait, c'est pas forcément. Disons, je trouve qu'ils se regroupent bien avec le Rambo et le Rocky. Ils restent à part, ça reste quand même moins. C'est moins la claque, c'est moins. Parce que voilà, il y a. Comme on dit tout le temps, l'attente joue beaucoup dans la réception d'un film. Mais non, il y a pas de cœur. Non, mais je parle pas forcément de ça. Je parle ça vraiment que John Rambo et Rocky Balboa, s'ils ont autant marqué, c'est vraiment l'attente qu'on en avait à se dire « Ouais, bon, enfin voilà. » Parce qu'il y a tout le bagage précédent et on a été vraiment soufflé par la profondeur de la chose. Parce que Stallone, des fois, arrive vraiment... On aurait pu tout aussi bien être déçu. Oui, c'est ça que je veux dire. Pour moi, John Rambo et Rocky, c'est le moment où ils disaient « Je suis encore là, les gars. Regardez-moi. » Mais je il a quand même fait des choix de merde, des fois. Faire des choses. Je trouve que c'est une... C'est pas forcément une des rares fois, mais c'est une des fois où vraiment il arrive à appuyer sur le bon bouton, quoi. Comme certains de ses films, certains rôles qu'il a eu, comme dans Copland, par exemple. Quand il met du cœur. Quand il met du cœur dedans. Il y a quelque chose quand il sort de son carcan un peu habituel, qu'il y a quelque chose, quoi. Il a mis du cul. Là. Mais non, ça c'était encore autre chose. Ça. je l'ai vu pour l'histoire, je l'ai vu, mais c'est... Oui, bah oui, bah pour, bien sûr. Pour oui, voilà, juste pour voir, mais non, c'était. Non. Après, c'est nous les dégueulasses, bravo. Ouais, ouais. Bah, s'il y a tellement peu de choses dedans qu'au final, bon, je suis sûr que. Bah, allez, défends ton truc de mais James. Le truc de... Non, je trouve pas. Non, enfin, je serais pas quoi dire. C'est juste que moi, je trouve qu'ils se regroupent un peu dans le. Je trouvais que ça faisait un beau triptyque un peu de suite un peu inattendue, mais qui restait quand même d'une certaine qualité et qui sortait d'un peu d'où on l'avait pas senti. Parce que c'est vrai qu'après le Rocky Balboa, on sentait pas forcément qu'il y avait y aurait une suite et je trouve que bon, ça se. Ça reste une continuité un peu intéressante. Le final était tellement parfait. Oui, la bah oui, levée après vers ça, le public, je dis pas que voilà. C'était beau, quoi. C'était bah oui, une c'était fin, beau. Voilà. Et ce qui amène aussi au problème de John Rambo, c'est que là, on parle qu'il y en aurait encore un autre. Et autant avec Creed, je dis bon, pourquoi pas. Autant là, franchement, j'ai les boules, quoi. Parce que la fin de John Rambo, c'était une fin. Je vois même pas comment on peut se dire de refaire quelque chose derrière encore, quoi. Alors en même temps, moi, je me demandais quel âge va avoir son père, en fait, quand il marche un peu vers chez son père. Je dis, est-ce qu'il va le retrouver mort? C'est obligé, quoi. Alors oui, peut-être qu'en fait, il arrive que c'est « Oh, papa !» Et puis en fait, il est mort, quoi. Mais bon, j'ai les boules, je vais aller tuer les méchants. Mais les Mexicains, attends, il va tuer des Mexicains. Ouais. C'est quoi ce pitch de merde, quand même, j'ai ça, quand même ça, peur ça parce fait, que... Ça fait peur, quand en même. Plus, hein, ça en fait plus, Stallone, il n'est pas dans une période exceptionnelle des choix les meilleurs possibles. Et donc, j'ai... Ah, il réenchaîne les choix de meurtre à l'époque. Mais il a tout le temps eu des hauts et des bas, des trucs. Enfin bon, il fait des choix des fois, on dirait qu'il est éclairé par le Saint-Esprit, et puis des fois, bon voilà. Mais tu vois, rien que Creed 2, pour moi, Creed 2, le fait de faire revenir Ivan Drago, pour moi, c'est un aveu d'échec. C'est de reprendre encore des trucs qui viennent des anciens Rocky. Le film n'arrive pas du tout à trouver sa propre identité. Déjà, je trouvais que le personnage principal, qui joue très bien, Michael B. Jordan, c'est un bon acteur et tout, il est charismatique. Bah, le réalisateur Coogler, il est quand même il est pas mauvais. Il est pas non bon. Plus, enfin, voilà. Ouais, mais je trouve. En fait, les ingrédients sont pas mauvais. Les ingrédients sont pas mauvais, mais ça prend pas. Voilà. Ça prend pas. C'est froid. Bah, c'est clinique, moi, je trouve que c'est en fait, c'est pas véritablement une suite à Rocky, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. C'est une sorte de remake pour moi. C'est une réactualisation. Oui, non, pas un mauvais remake. C'est un remake qui a moins peut-être de sensibilité que le premier Rocky. Non, moi, l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on a ils font un film différent avec un acteur différent. Il y a quand même la musique de Rocky qui retentit. Il y a des moments complètement improbables. Il n'arrive pas à vivre sans le personnage de Stallone. Lui, c'est contrairement à Stallone où c'est le Rocky a évolué par rapport à la carrière de Stallone. Je veux dire, là, entre guillemets, tu vois que le film, enfin lui, son personnage n'a plus grand-chose à dire, et le personnage de Michael B. Jordan, c'est un gars qui a quasiment une cuillère en argent dans la bouche, qui est un petit connard, quoi, en gros, et moi, j'ai aucune sympathie pour lui, je trouve qu'il évolue quasiment pas du tout. Enfin, moi, je le trouve pas intéressant. C'est pas à regarder, c'est pas hyper désagréable, mais j'ai suivi ça un peu d'un ennui poli, quoi. Et c'est vrai que tout le monde a aussi parlé du combat de boxe en plan séquence à la fin, voilà, c'est un petit tour de force, mais c'est pas forcément, moi, je préfère le combat de Rocky 4. Voilà, c'est comme ça. Oui, je préfère aussi Rocky 4, mais comme disait Bilou, on est sur un passage de flambeau, en fait. Et ça, c'est très bien illustré. Enfin, je trouve quand même que Rocky, Stallone, qui est quand même un personnage sur le déclin dans le film, fait justement... offre son, on va dire, son... Baroudonner, c'est justement... Hein. Son Non, mais il offre son expérience justement à ce petit jeune sur on va dire, voilà, un Afro-Américain. C'est encore un sujet qui est très actuel. C'est bidon. Ouais. Mais il offre son héritage à un branleur. Ouais, un branleur. Non, mais c'est parce que le personnage est antipathique. Le message, il est pas extraordinaire quand même. L'héritage de Rocky, si c'est ça, ben, j'ai pas envie de voir la suite. Bah, Rocky a été un branleur à un moment. Non, mais c'était un beau branleur. C'était un branleur dans l'évolution de son personnage. Là, on a un personnage qui, d'entrée de jeu, est un branleur. Et ce que se dit Rocky, c'est: tiens, mon héritage, je vais le donner à ce mec-là. Putain, mais pourquoi, quoi ? Voilà. Voilà, voilà. Chacun son avis, hein. Moi, je ressens pas ça comme ça, mais bon. Vous pouvez en débattre. Mais toujours est-il qu'on est tous d'accord. Dans l'émission et on est tous d'accord pour dire qu'une suite à John Rambo, ça pue du cul et ouais. on la sent mal. Et je pense que si un jour on a l'occasion d'en reparler, je pense qu'on la reparlera dans la catégorie suivante. Eh ben merci Bilou pour cette transition parfaitement trouvée. Tu es vraiment magnifique, même si tu aimes Creed. Et ça, c'est comme ça, on ne pourra plus l'effacer. C'est écrit et c'est noté dans notre podcast maintenant. C'est même Creed. Oh merde, ok, c'était Creed, effectivement. Et donc, on va passer à la partie peut-être la plus rigolote du podcast, et oui, puisque nous allons parler des mauvaises séquelles, et là, je peux vous dire qu'il y en a une tétrachier, et c'est des fois pas évident à revoir pour se dire, et ça se trouve, c'était pas si nul que ça de revoir Speed 2. Et bah, si, c'était vraiment une catastrophe, j'ai encore les yeux qui pleurent. Vous avez vu comment on souffre pour vous ? Ah ouais, on a vraiment, vraiment souffert, hein. Je peux vous dire qu'il y en a des suites de merde, on en a eu d'ailleurs nommé par vous, camarades auditeurs, vous les Borinos qui nous suivent et qui communiquaient avec nous sur l'internet, donc on a eu droit au Visiteur 2, on a eu souvent le Fils du Masque, que je n'ai jamais osé regarder parce que ça avait l'air complètement cataclysmique, tellement ça avait l'air nul. On a eu Mad Max 3 qui est ressorti, on a donc Rambo 2, Sharknado, donc là je pense que dès le 1, hein, même sans suite, c'était un peu de la merde, hein, de toute façon. On a eu Beneath the Planet of the Apes qui a été nommé par Dr. Zaius, on a TMDJC qui était passé dans un C'est alloué, on le salue, nous a parlé, alors est-ce que c'est une suite ou pas vraiment, c'était Street Fighter, la légende de Chun-Li. Voilà, je ne sais pas. C'est de la merde. Mais c'est de la merde, de notre ami André Bartoviak qui avait fait Doom aussi et Roméo doit mourir, merci à lui. on a eu Scream 2 qui a été nommé par notre ami Manjimaru, Punky qui a lui nommé Road Trip Beer Pong. Je pense qu'il n'y a que toi qui as vu ça, mec. Est-ce que c'est la suite de Road Trip avec mince, celui qui jouait dans Va te faire foutre Freddy. Je crois que c'était cette suite à cette petite comédie plutôt sympathique. American Psycho 2 aussi. Et oui, il y a eu plein de suites de merde. Superman 3 et 4, forcément. Les Starship Troopers. Enfin bref, beaucoup, beaucoup de grosses merdes. Et on va essayer de les tartiner au maximum. Ces grosses merdes sur des belles tartines du cinéma. Et donc on va commencer par parler des séquelles qui ont trahi l'original, et on peut dire qu'il y en a eu quand même pas mal. Et j'ai une petite question déjà, je vais la poser à Ron, à quel moment pour toi tu considères qu'une suite trahit le premier film ? Bah c'est facile, ça trahit le premier film quand ça va à l'opposé des intentions d'origine. Un film ou une série, on l'a vu depuis le début, il y a une certaine tonalité d'ensemble, c'est un point commun, c'est le pont, c'est le plancher, le plafond qui fait que c'est une série en tant que telle. Et à un moment donné, on a une séquelle qui peut débarquer qui, elle, dit « j'en ai rien à foutre, jusqu'à présent, vous vouliez dire ça, et ben moi je dis autre chose, vous vouliez être un film de gauche, et bien maintenant je suis d'extrême droite ». C'est la trahison dans une séquelle. C'est un petit peu quand François Hollande se met à faire une politique libérale, quoi. C'est un peu comme quand tu dis que la force est dans la nature et partout, et que dans... après tu dis que c'est des midi-chloriens. C'est ça, c'est exactement ça. Et l'autre possibilité, l'autre type de trahison qui est peut-être plus involontaire, c'est la trahison budgétaire. Alors là, tout le monde n'y est pas pour grand-chose, mais c'est quand on te dit « Allez, on va faire une suite pour exploiter le truc, mais par contre je te donne 20 balles, et puis tu peux prendre Casper Van Diem si tu veux. » Et vas-y, démerde-toi avec ça. Donc là, on peut être à peu près sûr que ça donne un truc comme, bah oui, les suites de Starship Trooper ou voilà, ce genre de choses qui sont où il y avait un grand film à l'origine et où derrière, ben ça tourne. Alors tu dis Casper Van Diem, mais ça marche aussi pour Billy Zane. Ouais, j'en ai pris un au pif. Hein. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais il y a ça qu'il y a beaucoup d'acteurs de seconde zone qui d'un seul coup arrivent à faire leur beurre quand même avec ces suites un petit peu pourries. Marc Dacascos qui a fait. Attention, fait on de... ne dit pas de mal. Il de a Marc fait Dacascos. La suite de Time Cop, mec. Il est gentil quand même. Moi, je l'aime bien. C'est Jason Scott Lee qui a fait la suite de autant pour moi. Mais ils peuvent être sympathiques, hein, c'est pas la question. Hein. Assez rare. Hein. Alors, essaie de regarder Fortress 2 et tu verras que c'est pas évident. Alors, je me demande si c'est un choix délibéré de leur part. De faire bah, justement que des merdes en fait, ou si non, ils vraiment choix, ils ont pas de leur agent, justement il est tout pourri quoi, j'en sais rien. Bah, ouais, je pense que personne au monde se dit tiens, mon plan de carrière ça va être de faire que des merdes. Je pense qu'à un moment, quand tu as tu te résilies quand même, comment il s'appelle, Steve Guttenberg, qui joue dans L'Avantula, qui est une grosse araignée à base de lave, je pense que le mec se dit voilà, j'ai plus que ça quoi. Ou quand le mec qui joue Parker Lewis joue dans Sand Shark. Voilà, malheureusement, il y a des films, il y a des acteurs qui, s'ils veulent avoir un petit peu d'argent, bah, ils sont obligés de jouer dans The Marine 4, par exemple. Après, t'as quand même des mecs qui cachetonnent et qui font n'importe quoi. Si tu prends Donald Pleasance sur sa carrière, ça me vient en tête parce qu'il avait clairement dit dans une interview moi, je vais là où il y a un cachet, hein, c'est un film philippin, j'y vais, je m'en fous. Hein, ah, puis il en a fait. Hein, il en a quand même fait des merdes, hein, mais il a fait des trucs bien, il s'en fout, c'est juste qu'il s'en fout, quoi. Ah, Donald Pleasance, Halloween, voilà. Eh oui, il a joué dans quelques films de Carpenter, et rien que pour ça, on le salue, là où il est, hein, Donald, la bise. Oui. Alors on va commencer avec... j'ai bien envie de redonner la parole à Bilou, parce que voilà, il va nous parler de deux films que moi j'aime bien. mais ça veut pas dire que c'est mauvais, ça... forcément. Ouais, trahir, sûr, c'est autre chose. Ah, bien sûr que ça trahit. On est quand même dans les mauvaises suites. Alors, encore là, je dirais que c'est des mauvaises suites parce qu'il y a le premier aussi, quoi. Parce que je veux parler de Rambo 2 et 3. Tu viens avec moi pour m'aider à diriger l'équipe. J'ai fait mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ma guerre est terminée. Il ne fait jamais couler le premier sang. La première fois, c'était pour lui. La seconde fois, pour son pays. Montez, dépêchez-vous ! Cette fois, Rambo, il y a eu un problème. C'est pour son ami. Que voulez-vous qu'on fasse ? Qu'on envoie une équipe en deltaplane ? Qu'on crée un incident international ? Alors j'y vais, moi. À ton allure, on voit que tu n'as pas l'expérience de la guerre. J'ai vidé quelques chargeurs. Et si vous êtes capturé, nous nierons toute participation ou même toute connaissance de votre existence. J'ai l'habitude. Je sais que c'est ton ami. Mais tu ne peux pas faire ça. Vous mourrez tous les deux. Pourquoi ? Faites-le pour moi. Non ! Pour qui vous prenez cet homme ? Dieu ? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Qui est-ce ? Ton pire cauchemar, Stallone. Rambo 3. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Parce que Rambo 2 et 3, à l'époque, si on les prend en tant que tels, c'est pas forcément des mauvais films. Le 3, oui, c'est bon, dur, le 3, quand même. Le 3, le pire, c'est que le 3, je l'ai revu récemment et tu sens qu'il en a rien à faire. Il s'en bat les couilles tout le long et il a une tête de con, mais tu sais, genre il a les cheveux encore plus longs et tout. Enfin, ouais, les cheveux vraiment ébouriffés, et puis là, puis il balance, c'est vraiment ses vannes, parce qu'il y a plein de vannes dans le 3. Hein. Avec la lumière bleue. À la lumière bleue, c'est fabuleux. Alors, pour décrire la fameuse scène, je crois que vous pouvez voir l'extrait sur Nanarland, il est en train de préparer ses armes pour aller défoncer tout le monde, forcément, et il y a un mec qui vient le voir, il fait « C'est quoi ça ?»« Alors ça, c'est un couteau. »« C'est quoi ça ?»« Ça, c'est un flingue. »« C'est quoi ça ?»« Une lumière bleue. »« Ah, c'est fait pour quoi ?» Du bleu. Ah bah c'est dans le 3 aussi qu'il y a l'histoire avec Uranus. Oui, bah avec les missiles dans le cul. C'est... Où sont les missiles ? Ils sont tout près. Où ça ? Dans ton cul. Non, et puis il y a la fameuse aussi, le moment où ils sont entourés des chars et que Stallone il fait au colonel Trotman, ça va être compliqué de les encercler. Ah, c'est vraiment le film en mode balèque, mais il y a quand même quelques belles petites scènes, notamment une attaque à l'hélicoptère où les autres sont en chevaux. Enfin voilà, il y a quand même 2-3 trucs. C'est Peter McDonald qui faisait le film, mais non, le 3 c'est compliqué quoi. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui surnagent. Je peux reprendre, c'est bon? Ah oui, excuse-moi. Oui, écoute, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment chiant. Moi aussi, je suis une suite casse-couille. Mais voilà, donc en soi, c'est pas forcément voilà, des mauvais films, mauvais en tant que tel. Bon, c'est un peu rigolo nanar, voilà. Le 2 reste assez honnête dans le film, Viet Cong, jungle, etc. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est une trahison totale quand on prend le premier où... John Rambo est un type désabusé, qu'on vient faire chier alors qu'il avait rien demandé à personne, qui ne tue personne, de tout le film, hein, pourtant il voudrait bien. Mais voilà, dans le 2 et 3, on se retrouve avec Rambo qui désingue tout ce qu'il peut, quoi. Enfin voilà, on est complètement dans autre chose. On aurait pu être proche de la section, voilà, la suite qui surprend, mais là on tombe du mauvais côté, voilà, c'est qui surprend, mais en moins bien. Alors ça reste un peu nanar, ça reste rigolo, mais c'est quand même une trahison. On est quand même déçu que ce personnage assez emblématique de John Rambo qui représente ce guerrier qui revient à la vie, enfin la vie civile, et que personne ne veut voir, hein, parce que voilà, les combattants du Vietnam c'était compliqué, et on se retrouve avec un type qui vient faire la guerre, voilà, de manière totalement binaire un peu, avec quelques états d'âme, mais enfin voilà, donc je trouve que c'est quand même une trahison, même si ça reste des films honnêtes. Ah, c'est vrai que le 2, ouais, c'est va clairement dans le film régagnien, hein, de toute façon, c'était vraiment la période. Hein. Ouais, puis ça n'a aucun rapport avec le premier, oui, en fait. Non, alors, on se demande quelle est la jonction entre les deux. Bah, bizarrement, dans l'imaginaire collectif, ce qui ressort le plus, c'est le Rambo badass du 2, quoi. Ouais. Et... Ah bah oui, de toute façon c'est ce qui a le plus marqué les gens, parce qu'il désingue des types à l'appel, parce qu'il y a eu Hot Shot, etc. Enfin bref, c'est ça qui est... Les guignols. C'est ça qui reste, quoi. Alors que le 1, vraiment, enfin je veux dire, quand tu regardes, le monologue de Stallone, quand il parle au colonel, il a envie de te faire chialer, quand tu dis que voilà, t'as l'impression qu'il sert plus à rien, qu'il est là, qu'il a tout donné pour un pays, t'as l'impression qu'il ne veut plus de lui, qu'il veut l'oublier, l'enterrer. Enfin t'as des trucs, c'est lourd de sens, quoi. Alors que on devient une légèreté totale dans le 2 et 3, quoi. Donc, et on vient faire exploser des mecs avec des coups de flèches explosifs. Enfin bref, c'est une belle idée. Oui, c'est sympa. Non, je veux dire, la mise en action est bien. Mais je veux dire, quand on prend la lourdeur du premier dans le thème, dans ce que ça veut dire, c'est une trahison, quoi, un peu, hein, quand même. Creepers, tu pourras mettre mon jingle, s'il te plaît. Ah, l'anecdote rigolote. Non, elle est pas rigolote, mais voilà, il y en a beaucoup qui le savent, mais le scénario du 2, c'est James Cameron qui l'a écrit. Ouais, c'est vrai, exactement. Toujours sur les bons coups, notre ami Toujours. James. Après Piranha 2, Rambo 2. Allez, hop, c'est parti. Bah écoute, merci Bilou de nous avoir rappelé que Rambo 2 et 3 sont des films qui trahissent l'original, c'est vrai. Et en plus, c'est que la lumière bleue, ça fait du bleu. Ce qui est bien dit, vu que justement Rambo revient parce qu'on l'a trahi, et là lui-même nous trahit. Alors ça devient assez. Une inception en elle-même. C'est méta, en fait. Ouais, voilà, c'est ultra méta. Mais on revient à la période où un petit peu Stallone s'en bat un peu les steaks en espérant le sursaut. Mais bon, nous verrons bien. Alors, Rano, tu voulais parler, tu avais des anecdotes rigolotes, mais est-ce que tu en as pour ton prochain film qui, lui, bah ouais, m'avait pas forcément fait sourire quand j'ai découvert? Oui, alors c'est pareil, c'est un sujet où j'hésitais quand même. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre ce film? Puis après réflexion, finalement, je me suis rabattu sur les Tortues Ninja 3. Alors. Turtle in Time? Un petit peu ça, voilà, justement. 16th century Japan. Brave men ride into battle. Fighting an evil emperor. With their only hope, a golden scepter that can open the gates of time itself. Now, in their darkest hour, come four brave fighters from another time, another place, another species. You were expecting maybe the Addams Family? They're back, and they're back in time. Once before, demons defeated my ancestors. Now they have come back for me. Talk about your quantum leap! My cannons can destroy these monsters, my lord. Whoa! Uh-oh! Uh-oh, this doesn't bode well. I love this stuff! How are we gonna get home? Oh, Silver! Somebody dial 911. I have a feeling we're gonna be here for a very long time. This is the worst rescue I've ever had. I think I swallowed a frog. I hope it wasn't an ancestor. New Line Cinema presents a Legorama. Shoo-wee! The four greatest turtles. Hey, all right. It's not just a job, it's an adventure. Ever to go down in history. It's just your ordinary time travel equal mass displacement kind of thing. Kids. Teenage Mutant Ninja Turtles 3. Help, I'm a turtle and I can't get up. Alors, pour moi, les Tortues Ninja, c'est la fin de mon adolescence. C'est un premier film que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas forcément destiné qu'au minot. Les premiers flirts. Les premiers flirts, les premières séances de cinéma, mes premières grenouilles perso. Enfin, les premières tortues, je veux dire. D'accord. Ok, très c'est... bien. Merci pour cette anecdote. Non. Finalement, là, l'anecdote rigolote. Non, sans rire. Non, c'est un premier film qui est franchement très, très honnête. Il y a le dessin animé qui est arrivé aussi. Il y avait les petites figurines aussi qu'on avait. Donc, c'est quand même une part de beaucoup d'enfance de trentenaires qui était là, quoi. Et le 2... Ensuite, qui était plus orienté, on va dire, plus pour les enfants, donc avec ouais, un petit clairement. Peu des vannes à deux balles. Mais voilà, toujours avec le retour de Shredder, donc avec quand même quelques bonnes petites scènes. Donc il y avait David Warner donc, dedans. Donc il y avait pas grand. Enfin, il y avait quelque chose à jeter, enfin, quelques scènes qui n'étaient pas terribles, mais tout n'était pas à jeter. Et là, à l'époque, on arrive, on voit le 3, on va au cinéma. On regarde le début du film et là, la gueule patatras. Déjà la gueule des tortues, mais c'est une horreur quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était la firme de Jim Henson qui s'occupait des marionnettes pour le 1 et pour le 2. Et quand ils ont décidé de faire le 3, ils les ont dégagés, ils ont pris une autre boîte. Et c'est pour ça que les tortues n'ont vraiment pas la même gueule, quoi. On dirait je sais pas, ça ressemble à rien. Ils ont les yeux complètement exorbités, ils ont une couleur un petit peu fluo avec plein de boutons, quoi. Tu sais, je sais qu'on est un petit peu dans l'époque Biactol, que c'est des adolescents, mais bon, faut pas non plus... exagéré. Et il y a une histoire qui, je vais en reparler, qui avec le recul n'est peut-être pas si mal, mais qui à l'époque, pour un film qui était destiné pour les enfants, ça n'allait pas du tout, quoi. On parle de conflits de japonais à l'époque médiévale, enfin du XVIIe siècle. C'était un sujet qui m'intéressait pas trop. Moi, je voulais les voir dans New York, dans les égouts, affronter des grands monstres. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout, justement, dans le 3, quoi. Sinon, juste un petit peu en l'ayant revu, je l'avais pas revu pendant des années, avec du recul, je peux dire que l'histoire est pas si mal que ça, et peut-être sauvé, on va dire. C'est quelque chose, tu l'annonçais en début de sujet, c'est que, effectivement, c'est un sujet qui a déjà été abordé dans le jeu Turtle in Time, qui est sorti sur arcade et sur Super NES, qui était franchement pas mal. Et le principe de voyage dans le temps pour les Tortues Ninja, c'est pas quelque chose qui est complètement inédit. Donc via le biais du jeu vidéo, mais aussi via les comics, j'ai pu apprendre que le voyage dans le temps à l'époque du Japon du XVIIe siècle, c'était déjà paru en BD, quoi. Mais voilà, donc l'histoire elle est pas trop mal. On a affaire en fait à un conflit entre deux clans. Il y a du voyage dans le temps. Il y a des pirates aussi qui veulent essayer de vendre des armes à un clan plutôt qu'un autre. Donc il y a une espèce de semi-guerre qui est en train de se préparer. Mais la chose principale qui va pas, c'est déjà outre les costumes, c'est l'humour. L'humour, c'est vraiment... on est chez mon curé, chez les nudistes. On est un humour de... Non, ça va faire plaisir à Rico. Ah ouais, je crois qu'il en a parlé en plus. Ouais. Et on est un humour de grand-père. C'est des blagues à la base de « Comment vas-tu, yo de poil ?» Enfin, c'est, oh merde. Et c'est tout ça pendant. C'est adapté par Jean Roucas. Non, mais Jean Roucas et Michel Leeb, mais c'est une horreur de tous les instants. Ça fait même pas rire les minots. Je sais que même à l'époque, ça m'avait même pas fait rire. J'avais trouvé ça affligeant. Il y a des il y a très très peu de combats. Les combats, c'est à base de ping-pong. C'est franchement pas terrible. Et je parle de ce film dans le fait qu'il trahisse l'original, c'est qu'il a abandonné pas mal d'idées qu'il y avait eu au départ et qui étaient plutôt forcément intéressantes. Et c'est pour ça que je vais me concentrer plutôt sur l'aspect New York, Shredder, tout cet aspect-là, qui a été abandonné justement dans le 3, peut-être par faute de moyens, ou je sais pas par quelle autre raison, mais c'est un film qui est pas le plus mauvais du monde, mais qui est pas loin quand même, qui est franchement pas terrible. Voilà. Mais le 1 est tellement bien en plus, c'est vrai que le 1, moi j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour le premier film qui est tellement bien foutu, les costumes étaient vraiment chouettes, il y avait des bonnes scènes d'action, c'était effectivement, comme tu le disais, beaucoup plus sombre, même si justement là, ils avaient vraiment utilisé les caractéristiques des tortues pour rajouter quand même de l'humour, mais vraiment quand il fallait, pas trop. Le 2, moi je l'aimais beaucoup plus jeune, mais il a quand même beaucoup moins bien vieilli, le second, mais effectivement, le 3 trahit tout ça, c'est vraiment pas terrible du tout. Quoi. C'est dans lequel qu'il y a le mec avec sa batte là, qui sort tout le temps des... C'est dans le premier, Des vannes homophobes là, à tous les coins de rue. Et on le retrouve dans le 3 aussi. PD. Salut les PD. Ah, tu pouvais. Non, clairement, c'est un truc que tu le sors maintenant, mec. Laisse tomber. Je te fais défoncer. Quoi. Et puis, je vais vous montrer un film pour enfants avec un mec qui dit salut les PD. Mais et puis même dans le 3, il y a des trucs qui sont un petit peu limites. Les tortues appellent les Japonais par Kawasaki, par Sushi, par. Ah, mais ça, ils le font dans Taxi, tout le monde adore. Ouais. C'est pas grave, ça. Aucun problème. En France, ça passe. En France, tu peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Sans souci. Taxi 2, les nouages, tout ça, c'est cool, il n'y a aucun souci. Eh ben merci Rano de nous avoir rappelé les Tortues Ninja et d'avoir souffert pour les auditeurs. Mais de rien. Dans ce film une nouvelle fois. Et maintenant, on va passer à un autre film qui m'a fait énormément souffrir. Et je sais que toi aussi, camarade auditeur, qui aime les grands robots de métal, qui aime faire régner l'ordre, tu as souffert quand tu as découvert ton héros de jeunesse s'envoler avec un jetpack dégueulasse. Vas-y Ron, parle-nous de cet étron. Ouais, bah attends, j'ai même ressouffert parce que je l'ai regardé à nouveau pour préparer le podcast. Hein, donc, moi, je vais vous parler de Robocop 3. Hein, à quel film fait pour vendre des petits jouets. Exactement, le film de la trahison hein, qui a été tourné par Fred Dekker, ce qui était déjà une super bonne idée, puisque ce type, avant, il avait fait deux petites séries B, hein, Night of the Creep, La Nuit des Sangsues, et Monster Squad, qui était pas mal. Donc, les deux films sont sympas, hein. Et puis, oui, c'était pas des bonnes petites séries B sympatoches. Et il a aussi fait un épisode des Contes de la Crypte. Alors, comme vous venez de faire une émission, hein, c'était dans la saison 2, c'est La Chose de la Tombe, son épisode. Et donc, voilà, ça, c'était son CV. Et on lui a dit, on va lui filer Robocop. Ça semble être une excellente idée. Un film d'horreur. Sur ce Robocop 3, en plus, il y avait Frank Miller dans l'histoire qui a dit « Dans Robocop 2, on a trahi mes idées, alors je remets le couvert sur Robocop 3. » Et depuis, il a attendu Sin City pour revenir au cinéma. Autant dire qu'il n'a pas très bien pris ce qui s'est passé, parce que, certes, Robocop 3 est nul. Alors ça, c'est un acquis. Mais surtout, c'est absolument l'exact opposé du premier film. Ah ouais, c'est complètement, radicalement opposé. Quoi. Là, on est c'est vraiment dans la absolument merde dingo. Alors, Bilou l'a dit, hein, c'est un film qui a été fait pour vendre des jouets. Robocop a rejoint les forces rebelles terroristes. Il a désobéi à un ordre. J'espère que vous êtes assuré. Vous croyez que votre putain de ninja devait s'occuper de Robocop? Nous avons lancé un mandat d'arrêt contre Robocop. Vous devriez peut-être appeler les pompiers. De nouveaux dangers. C'est raté, bande de crapules. De nouvelles règles. Vous ne respectez pas le couvre-feu. De nouveaux rebondissements spectaculaires. Robocop 3. Il est temps de faire respecter la loi. Mort ou vif, vous venez avec moi. Ce sachant que Robocop 1 et même le 2 étaient des films rated R. Ouais, mais le 2 avait un gosse avec des guns, des... Ah, voilà, c'était ultra violent. Enfin. Le 2 est pas super, mais ça parle au moins de cam, on restait dans un truc qui était quand même assez noir. Alors là, on a un PG-13, on sait même pas trop pourquoi d'ailleurs, et c'est un film, en fait, on dirait un peu Robocop, mais sous anesthésie. C'est-à-dire que Robocop, qui était une espèce de tank qui avance avec son flingue là, et qui dit « Clarence Bodycut, vous êtes en état d'arrestation », bah là, c'est devenu l'ami des enfants. Il leur explique que c'est bien de manger des fruits et des légumes, je sais plus ça qu'il dit, mais c'est un truc genre « c'est pas bien de fumer », voilà, c'est ça. C'est pas bien de fumer, les enfants, ça va pas aller du tout. Il a un jetpack, en plus c'est cheap, c'est mal fait. C'est une vraie tannée, ce Robocop 3. Et heureusement, le public a bien vu la trahison et au moins a rejeté le film en bloc. C'était déjà ça de pris. Mais pour le coup, ça va être mon autre recommandation de la soirée. Ne regardez pas Robocop 3. S'il vous plaît. Il y a des gens qui l'ont fait pour vous. Il y a des gens qui ont souffert pour vous, pour préparer cette émission. Vous ne savez pas ce que vous nous avez fait ? Ces androïdes sont munis d'un dispositif anti-rupteur thermique. Vous voulez dire d'autodestruction ? Dans 15 secondes, tout ce qui existe dans les 20 km à la ronde sera complètement atomisé. Maintenant, nous sommes morts, grosse conne ! Ne gondez pas trop là-dessus. Ne tombez pas dans les mêmes travers, même s'il est disponible sur Netflix ou des trucs comme ça. N'appuyez pas sur Play. Il faut pas faire ça. Un jetpack, quoi. Même l'acteur des premiers, il s'est dit... C'est pas le même. Il s'est dit, je reviens pas. Non, Peter Weller, il a dit, ça suffit. Je crois que tout le monde a dit, ça suffit, en fait. Il était en train de lire le scénario, et moi, il voit, et là, je mets un jetpack. Et il a appelé, j'allais vous faire enculer. Alors, pour info, j'ai tellement entendu rapidement que c'était de la merde, que finalement, je ne l'ai jamais vu, quoi. Mais t'as bien fait. Bah écoute, c'est une très bonne idée, parce que alors, rien ne tient debout dans ce film. Il y avait ces histoires de cartels au CPR, cette fois-ci, je crois que c'est des Japonais, bah décidément, encore une fois, qui viennent à Détroit. Enfin, l'histoire n'a ni queue ni tête, mais je crois qu'il n'y a vraiment rien de avec bien. Avec le robot, le robot japonais là, qui a des bras, je sais pas quoi. C'est ça, exactement, c'est le robot japonais, parce qu'on était en 93, donc à cette époque, le Japon, c'était quand même un petit peu le mal, avec leurs industries, leurs bagnoles, etc. Donc c'était forcément le grand méchant. Et on arrive à une espèce de caricature où Robocop, c'est lui, le grand gentil, l'américain. Oh là là, tiens, rien que d'en parler, je crois que je suis en train de suer. Je regarde, oui, j'ai des gouttes qui tombent. Non, ne faites pas ça, ne regardez pas Robocop 3. C'est quelque chose qui peut abîmer votre souvenir du premier Robocop. Ça fait mal à mon Paul Verhoeven. C'est exactement ça. Alors, j'ose même pas imaginer l'état de Frank Miller. Il a fait un comic basé sur son scénario, justement, et c'est plutôt intéressant à lire. Bah ça devrait, parce que il trouvait que c'était pas assez fidèle sur Robocop 2, mais je l'imagine dans sa, tu sais, dans sa loge là, ou dans sa roulotte sur Robocop 3, et chaque jour quand il voit comment le scénario a été retouché, il commence à prendre des médicaments, à boire de l'alcool, à... Enfin, je suis sûr qu'il a dû faire une thérapie suite à ça. Enfin, c'est absolument à éviter dans le genre trahison. Il y a des fois, on se dit que la peine de mort, ça a du bon. Je pense qu'on ferait mieux de regarder le film de Creepers, non ? Ouais, j'allais dire, les amis, on est là, je pense qu'on est bien dans le caca, là. Ça sent la merde, mais pas encore assez, moi, je trouve. Donc je vais vous rajouter une belle petite couche, quand même. Je pense que sur l'échelle de la trahison, le film de Ron est quand même au-dessus. Non, je ne pense pas. Oh, putain. Non, je le mets au moins à côté, tu vois. Je pense qu'il pourrait faire une belle photo de famille, Bruce Willis et le Robocop de Robocop 3. Je suis d'accord, moi je dis match nul aussi. Et là, moi j'ai pris ce film comme un molard dans la gueule. Mais tu sais, j'ai même pas réussi à l'esquiver. Il était tellement lourd et crémeux et baveux que je l'ai pris en pleine tronche. Il s'est étalé sur mon visage comme ça. Et t'es allé le voir au cinéma, je parie. Eh ben non. Et là, j'ai pas honte de le dire, je l'ai piraté, ce film de merde. Parce que déjà, le 4, c'était pas fameux, mais à côté, le 4, c'est un film de Stanley Kubrick, putain, quoi. Yeah. Et je voulais quand même mettre... Ah ouais, mais je comprends pourquoi, en fait, t'as pris ce film-là. Pourquoi ? Mais avec ton acteur fétiche dedans. Et exactement. Ah. Exactement. Et j'ai ma théorie sur Die Hard. Donc c'est Die Hard 5, bien sûr, on va parler de Die Hard 5, mais il y a aussi Speed 2, petite mention comme sur Speed 2, qui s'appelle Speed... Parce que dans le 1, ça allait vraiment vite, et dans le 2, c'est un gros bateau qui va à 2 à l'heure. Donc, je pense que niveau trahison, je dis bravo. Mais ils avaient d'ailleurs hésité à l'appeler Slow. Ouais, Slow, mais ils se sont dit merde, ça, c'est un petit peu moins sexy. Il lui avait promis une croisière aux Caraïbes. Merci. Elle va vivre l'enfer. Oups. Non, c'est mes vacances. Trouvez-moi le capitaine. Le capitaine est mort. Il faut qu'on évacue. Je ne sais pas de quoi ce type est capable. On a affaire à un sérieux malade. Il nous envoie droit sur un mur. Écoutez, j'ai connu des situations qui étaient pires et la panique s'en est pas. Ce bateau ne peut pas s'arrêter. Alors, ces vacances, ça se déroule bien. Speed 2, cap sur le danger, dimanche à 20h50 sur Énergie 12. Et donc on a le pauvre Jason Patrick qui a dû dire c'est le rôle de ma vie, c'est la suite de Speed, ça va être formidable. T'as Yann DeBond qui a fait un bon film sans faire exprès, qui du coup montre, et après il a fait quand même Tomb Raider 2 aussi, hein, bravo. Même si y a Lara qui met un coup de poing à un requin, donc elle aurait pu avoir sa place aussi dans cette émission. Mais voilà, Yann DeBond, Speed 2, il n'y a que Sandra Bullock qui a re-signé, parce que je pense qu'elle a dû se dire, voilà, moi aussi c'est ma chance, je vais concrétiser mon statut de movie star, et bah non, Speed 2 c'est de la merde. Willem Dafoe qui met des sangsues sur son corps pour traiter sa maladie, c'est complètement con. Enfin voilà, c'est tout. Il y a un passage qui m'a fait hurler de rire, il y a le paquebot à la fin, la scène finale qui rentre dans la ville, et le paquebot va tout doucement, donc c'est une scène qui dure à peu près 10 ou 15 minutes, et le mec, super long, tous les deux plans, il est là, il fait « 3 nœuds !» Deux nœuds. Ça dure 10 minutes, que c'est une horreur. Ah non, mais c'est le film le plus lent du monde et ça s'appelle Speed 2. Enfin, c'est quand même hallucinant. Quoi. Bref, Die Hard 5. Die Hard 5 avec ce petit salopard de Bruce Willis en mode droupi depuis des siècles, qui n'en a plus rien à foutre de ce qui se passe dans sa carrière. Et donc notre pote Jay Courtney. C'est le tien, surtout. Jay Courtney, quand même, qui a joué aussi dans Terminator Genesis. Qui a joué dans I, Frankenstein, qui a joué dans... Ah, il a quand même fait Jack Reacher 1. Donc on va quand même lui laisser le bénéfice du doute quand même sur 2-3 trucs. Mais Jay Courtney, c'est une sorte de malédiction, ce mec. Dès qu'il touche une franchise, ça devient de la merde. Ça devient de la grosse merde. C'est un peu le cancer des acteurs. Ah non, mais ce mec, tu le vois dans un film, t'es obligé de fuir. Tout ce que j'ai vu avec Jay Courtney a... deux exceptions près, je crois. Encore, c'est pas les plus grands rôles, mais franchement, Terminator Genesis aurait aussi sa place dans ce truc-là au niveau trahison, parce que c'est une, et je le signe, c'est une grosse merde aussi. Il joue dans Suicide Squad aussi, je crois. Et bah bien sûr, mais bien sûr. Bah tiens, tant qu'à faire. Et oh, ça serait dommage. Il manquerait plus que ça. Il s'est dit, on me donne des sous, moi j'y vais, hein, je m'en bats les couilles. Même il s'est dit, je vais flinguer une franchise au début. Ah ouais, je vais en flinguer plein, tu vois. Là, il a quand même flingué Die Hard, il a quand même flingué Terminator, le mec. Peut-être qu'il va se retrouver dans le prochain Rambo. C'est une véritable endive. Il pourrait. Ouais, c'est jouable. Moi, je pense que ça devrait être le prochain adversaire de Creed sur le ring. Ah ouais, voilà, ça aurait pu être le fils d'Ivan Drago, tu vois. Allez, c'est parti. Et donc, Die Hard 5. Où, ni plus ni moins, John McClane est devenu un connard. Voilà, c'est devenu un connard. Son fils est tranquillement en Russie en train de faire son boulot. Et bah, Bruce, il débarque en Russie, il se met en face de son fourgon et lui dit maintenant, tu descends. Non, je descends pas. Si, tu descends. Et là, ça commence à partir en couille. Bruce Willis pique les voitures des gens, il écrase tout le monde avec ses camions, il provoque des milliers de morts dans les rues. On n'a rien à branler. Absolument rien à secouer. Il cherche la merde littéralement, alors qu'avant, il subissait un peu ce qui se passait dans les trois premiers Die Hard. Et depuis le 4, bah, c'est une espèce d'armoire à glace intouchable, chauve, qui balance des qui critique absolument tout ce qui se passe, c'est devenu un vieux connard. Voilà, il tire, il vise même plus. Ah oui, non, mais il en a plus rien à secouer. il serre la mâchoire, il secoue la mitraillette dans tous les sens. Mais c'est nul, c'est hyper mal filmé, on comprend rien à ce qui se passe. Il y a une scène de poursuite au tout début du film où ils écrasent absolument tout Moscou, je sais plus où ça se passe, enfin, c'est quand même complètement naze. Et donc à partir du moment où il retrouve son fils, c'est une espèce de course, une course-poursuite ridicule, sans queue ni tête. Il y a un moment où il se retrouve à Tchernobyl, sans combi, hein. Allez hop. Ils font l'aller-retour entre la ville principale où ils étaient à Tchernobyl en 2 minutes, et ils finissent par aller retrouver directement les mecs là-haut pour leur casser la gueule. C'est pas une sur hélicoptère, je sais pas quoi. Si, il y a un moment, il y a un crash d'hélicoptère. Enfin, il y a toujours un hélicoptère. J'ai un vague souvenir du 5, mais vraiment pas grand-chose. Je pense que mon cerveau, il a dû faire un... Et pourtant, il dure 1h30. Un mur. C'est le plus court de tous les Die Hard. Il dure 1h30, ça ne raconte absolument rien. et on a vraiment les deux, il n'y a aucune alchimie entre Bruce Willis et ce qui devrait être son fils normalement. Et non, enfin c'est John Moore qui réalise cet étron, John Moore à qui on doit le remake de La Malédiction et aussi Max Payne, hein, bravo à lui aussi. Oui, encore un champion. Encore voilà, un formidable faiseur qui a pris son chèque pour faire un film de merde. Mais voilà, et Bruce Willis, et tu vois absolument qu'il en a rien à secouer, qu'il ne connaît absolument pas son personnage et pourquoi on a aimé John McClane à l'époque. C'est vraiment une honte. Mais ça, fait un petit moment que en fait, Bruce Willis en a plus rien à foutre en fait. Si vous regardez un peu sa filmographie de ces 15 dernières années, là, 10 ou 15, à part peut-être les derniers films de Shyamalan, là, c'est, il a fait que de la merde, quoi, juste pour toucher sa retraite. Il y a celui qui a fait Clerks. Kevin Smith. Kevin Smith qui a fait le film avec lui, là, Top Cop. C'était une des pires expériences de sa vie. Hein, et justement, il y a une anecdote où Bruce Willis, en fait, il y a un mec qui bosse sur le film qui s'arrête pour dire hey, cool, John McClane et tout. Et là, il y a Bruce Willis qui se retourne vers Kevin Smith et qui lui dit « Ah, les fans de Die Hard, c'est les pires de tous. » Il en a rien à secouer, il fait uniquement ça pour le chèque, et il a massacré, mais vraiment, le perso de John McClane dans le 1, et même dans le 3, hein, le 3, c'est une suite fabuleuse, le 2, c'est peut-être celui qui évolue le moins, hein, c'est le film de Rainier Harlin, 58 minutes pour vivre, c'est hyper efficace, mais c'est quasiment un copier-coller des situations du 1, mais le 3, le 1 avait relancé le film d'action, le 3 l'avait une nouvelle fois refait avec John McTiernan qui revenait, qui faisait un film complètement dingue. Mais le 4, c'est déjà de la merde, mais alors le 5... Quel sabotage. Ça, c'est... Ouais, exactement, c'est un sabotage, en règle. Je sais même pas... En plus, c'est violent pour juste bête et méchant, quoi. On filme les fesses des meufs au ralenti, enfin, bah, c'est complètement racoleur, c'est au ras des pâquerettes, c'est vulgaire, c'est pas fait, c'est pas à faire, et j'espère vraiment que la fameuse suite qu'ils veulent faire avec un John McClane jeune et plus vieux, etc., ça se fera pas non plus. Parce qu'on n'en veut plus, quoi. C'est laisser la série d'ailleurs tranquille, il faut arrêter. Quoi. Il faut un moment arrêter. Vraiment arrêter. Là, vraiment, ça sent pas bon, et pourtant, je sais que Bilou, il aime bien Bruce Willis. Il aime bien son Brucey. Mais je crois que t'as, à un moment, sur Twitter, on avait discuté, je crois que t'as raison, c'est le jour où il y a eu l'échec de... Hudson Hawk. De Hudson Hawk, je pense qu'il s'est dit, ouais, le cinéma m'aime pas. Donc, je vais pas aimer le cinéma. Du coup... C'est un peu con quand on fait ce boulot, quoi. Ouais, c'est un petit peu con. Voilà, le remake du Justicier dans la ville, ça a l'air d'être complètement pourri, quoi, aussi. Ouais, non, Bruce Willis, il va falloir qu'on fasse une émission sur toi, mais je sais pas si ça va te plaire, malheureusement. Voilà. Hein, ça va être un petit peu comme l'émission qu'on fait ce soir, en deux parties. Une bonne première partie, puis... Ouais, il a fait des belles choses, quoi. Et une deuxième partie, un peu plus dégueulasse. Ouais. Bah, c'est vrai que mais hormis Looper... Mais peut-être. Ouais, puis bah, voilà, serrons les fesses pour Glass de Shyamalan. Mmh. Voilà, sait-on jamais. Shyamalan, il sait en faire quelque chose quand même, donc ouais. Va savoir. On verra. Voilà, en tout cas, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Je crois qu'il sort Glass, donc on verra si Bruce Willis en a encore un petit peu dans la tête pour se dire voilà, je vais quand même faire un bon film. Allez, juste comme ça pour faire plaisir et pour me faire gueuler. On verra bien. Voilà, c'était mon film à moi pour les séquelles qui ont trahi l'original, et on va passer à l'autre séquence du podcast, les séquelles totalement inutiles. Et il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui est pour toi une séquelle inutile, Rano? Une séquelle qui est totalement inutile, c'est principalement une séquelle, en fait, qui n'apporte rien de plus. Rien de plus par rapport à l'original ou par rapport aux précédents films qui ont été faits. Souvent des séquelles qui ont été faites pour le pognon ou qui jouent sur l'aura du premier film. Ou alors des fois ce sont des films aussi qui n'ont rien du tout à voir avec le film d'origine et qui se servent du nom... de ce film justement pour essayer de se faire passer pour quelque chose alors qu'il ne l'est pas du tout. Par exemple Basic Instinct 2. Par exemple. Il y a eu aussi... C'est même de la trahison ça, Basic Instinct 2. Oui, aussi, mais tu vois, c'est les suites qui arrivent après et qui veulent profiter quand même d'un nom. Il y a Jared 2. Le film de Sam Mendes a eu une suite alors que ça servait strictement à rien. D'ailleurs, j'ai fait une petite section juste comme ça en rigolant. J'ai mis une section « On mérite pas ça ». Avec, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait eu, vous savez, le film The Marine qui devait être le nouveau commando avec le catcheur là. Bah, il y en a 5, on en est au 5e, les gars. C'est plus John Cena. Non, maintenant. C'est plus John Cena. En fait, c'est la WWE qui produit des films. Maintenant, c'est The Miz, c'est un autre catcheur qui fait ça. Okay. Et qui est. Parce que moi, j'ai. La misère. Bon, ok, je vais faire un petit aveu, j'ai une petite tendresse pour la série The Marine. Ok, parce que je. Je sais pas, on balance là-dedans des. On sent, que ça a du mal à sortir quand même, Renaud. Et ça me fait rire, ça me fait rire. D'accord. Les types, on leur a dit écoute, tu sais faire des clés de bras, donc tu sais comment raconter une bagarre dans un ring, je pense que t'es un acteur. Et évidemment, la réponse est bah non. Et là, le successeur de John Cena, qui était déjà assez intéressant, le The Miz, il est formidable, parce que ce garçon badass qui fait The Marine, donc ce catcheur, je ne sais pas trop quel est son rôle dans le ring, mais il a une petite tête d'angelot, il a une espèce de petit sourire, il a une jolie petite coiffure, c'est l'opposé du badass. Bon, il est costaud quand même, il ne faut pas déconner, mais ça ne marche pas du tout, et ça me distrait. Bon bah écoute, on a au moins un défenseur de la série The Marine. Donc en général, je regarde ça quand je prends mon bain, comme ça. Ou aux toilettes. Ouais, le mec qui regarde des catcheurs qui font des clés de bras dans son bain, quoi. Ouais, c'est... Quelle vision d'horreur. Désolé, ami auditeur, j'y suis vraiment pour rien. Au niveau des suites aussi, qui n'arrêtent pas, aussi avec des catcheurs, je crois, bah, c'est le Roi Scorpion. Puisque il y en a eu 4, ouais. Dont un fabuleux réalisé par Russell Mulcahy avec un ennemi invisible, ce qui est très pratique. Ça coûte pas cher, on va dire. Et ils sont en train de produire le 5e. Quelle purge. On a les films Sniper. Ils en sont au 7e. Voilà. Ça avait commencé avec Tom Berenger. Et il y a eu un moment en croisement entre Tom Berenger et Billy Zane. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Billy Zane qui réapparaît de temps en temps. Il y a eu Lac Placide qui a eu droit à son Lac Placide versus Anaconda, quand même. Donc tout à l'heure, j'ai placé un Sex Crime. On en est au 4e. Donjons et Dragons, alors que le 1 est quand même particulièrement nul, il y en a déjà eu 3. Donc voilà, il y a des séries de films où tu te demandes, voilà, mais pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi il y a un mec qui se lève le matin qui dit, les mecs, on va faire American Psycho 2 ? Pourquoi on va faire Donnie Darko 2 ? Sans déconner, ça n'a pas de sens de vouloir faire un truc pareil. Bref, je te redonne la parole, Rano, et parle-nous du film que tu as choisi. J'en parlais justement, et c'est pour ça que je voulais l'évoquer, c'est Un flic à la maternelle 2, en fait. Quelle bonne idée ! Voilà. On n'en parle pas assez souvent. Ah, on est bien dans le sujet, là. Donc, pareil que les Tortues Ninja, en fait, Un flic à maternelle, c'est pour moi le petit film inoffensif avec une bonne comédie de Schwarzenegger. On va dire que c'est quand même des bons souvenirs. C'est totalement inoffensif. C'est une petite sucrerie comme ça que tu regardes sans déplaisir. Puis en plus, on a Schwarzenegger qui on a Schwarzenegger qui sourit. Hein, c'est Creepers qui avait déjà remarqué ça avec beaucoup de justesse. Il fait peur. Quand il sourit, il a quand même vraiment l'air con. Ah, c'est le rire forcé, quoi. Et là, c'est donc Exit Schwarzenegger. Et là, à la place, on met Dolph Lundgren. Et la particularité de ce film, c'est exactement le même film que le film d'origine. C'est-à-dire que là, Dolph doit, on va dire, infiltrer une école de maternelle pour récupérer une clé USB avec des informations compromettantes. Sauf que, finalement, il n'a pas d'expérience avec les enfants et il est totalement... Mais vaut mieux. Voilà, vaut mieux pas avoir d'expérience avec les enfants, sinon c'est tant pis. C'est pas une mauvaise chose. il se retrouve totalement en galère par rapport à cette horde de mioches totalement incontrôlable, quoi. Et le film joue sur les mêmes codes, en fait, justement, que le premier film. C'est-à-dire que il essaye de contrôler un petit peu tout ça. Donc au début, il se fait vachement envahir et puis il reprend le contrôle au fur et à mesure du film. Il va réussir à se faire sa collègue de l'autre professeur qui est plutôt pas mal. On reprend exactement ça. C'est un cas de figure caractéristique d'une fausse suite complètement paresseuse qui reprend les mêmes codes d'un film que peut-être des producteurs ont pensé qu'il était oublié, alors que non, pas forcément, pas du tout, quoi. C'est vraiment une suite qui a vraiment aucun intérêt. C'est beaucoup trop tard. Mais dis donc, Rano, parce que moi je savais même pas qu'il existait ce film, mais à la base, mais quelle putain de bonne idée! Dolph Lundgren, est quand même connu pour des capacités d'acteur qui sont stupéfiantes. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai revu Le Scorpion Rouge, où il est un joli petit short, là. Peut-être qu'il est impressionnant physiquement, mais on ne peut pas dire que ce soit un grand acteur. J'avoue que, là, avec ce que tu as dit, j'ai un petit peu envie de voir le film pour voir comment, comment il s'en sort. Moi, j'ai pas réussi à aller au bout. Hein. J'ai essayé de le regarder, j'ai pas réussi à le finir. Le seul truc un poil rigolo et un poil actuel sur lequel il essaye de se baser, c'est que c'est une école, on va dire, un petit peu bon chic, bon genre. Et les élèves, alors, voilà, il y en a un qui veut pas manger de chocolat parce qu'il y a trop de gras. L'autre qui est intolérant au gluten. L'autre, enfin voilà, donc c'est... Mais c'est juste pendant 5 minutes, mais sinon le reste du film, c'est, on reprend les mêmes codes, voilà, justement, que le film de Schwarzenegger. Et on, comme je disais, on est vraiment dans un cas de figure caractéristique de la suite totalement inutile. Quoi. Voilà. Merci Rano de nous avoir parlé d'un flic à la mer terminale 2, qui avait été cité sur Twitter d'ailleurs. On nous avait demandé si on allait en parler, donc oui, voilà, on a parlé d'un flic à la maternelle 2 que Rano a vu. Moi j'ai pas fini, j'ai, comme je l'ai dit, j'ai eu du mal au bout. Je trouve ça vraiment super chiant et je me suis endormi et j'ai pas eu envie de le continuer. Donc voilà. Débat. Attention. Voilà. Je vais donner la parole à Bilou. Ça y est, c'est le moment. Qui va essayer de balancer des saloperies sur moi qui ne sont complètement fausses. Bon, Ron, on se met en off. Allez, nous on va prendre, on sort les popcorn. Donc là, Bilou, de quoi tu vas nous parler? Je vais nous parler d'un film que tu as grave kiffé. Et si des gens veulent des preuves, il suffit de chercher dans ton historique Twitter. Et je vous invite. Je balance. Beaucoup. J'ai des preuves. Je ne les ai pas sous la main, évidemment, parce que je fais tout à dernière minute et que j'ai pas pu sortir les preuves, les screens. Ah, tu feras un bon politicien, toi. J'ai des preuves, mais je ne les ai pas. Voilà, cherchez vous-même. Faites pas chier. Je les sortirai un jour. C'est le journalisme 2.0. Cherchez vous-même la vérité. Démerdez-vous avec ce que je balance. C'est de la calomnie, monsieur. Et dépêchez-vous avant qu'il efface son historique. Ah non, je le laisse. J'assume parfaitement, je te laisse parler, je me défendrai juste après. Donc, par un grand film que Creepers a dit plusieurs fois, et m'a avoué plusieurs fois d'ailleurs, et avoué au peuple. Sur mon lit de mort. Je l'aime. À la plèbe twitterienne tout entière, Monsieur Kiff Jurassic World. Ah, oh. Rappelez-vous du mot kiff, parce qu'au début c'était kiff et grave. Il kiffe grave, il adore, il veut voir le deuxième parce que, oh mais il y a Bayona, non on s'en exactement. Bat les couilles, non c'est de la merde. Non, tu t'en bats les couilles parce que pour toi le cinéma n'est qu'un défilé d'images balancé comme ça au hasard par un quidam, alors que non, il y a un réalisateur derrière, voilà. Mais non, mais si c'est pour faire de la merde, avec des dinosaures qui se font des checks, et j'ai entendu dire que dans le deuxième, pareil, qu'il y a un dinosaure qui pleure. Non, mais c'est quoi ce bordel? Mais on espère qu'il pleure. J'ai pleuré en voyant Jurassic World. Monsieur a vécu au cétacé, monsieur sait que les dinosaures ne pleurent pas. Mais ce que je sais, c'est que les dinosaures ne se font pas des putains de checks, là. Ouais, bro, machin, je sais pas quoi. Nous, on s'est bien battus. Rentrons chacun chez nous, on est potes, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, bordel de merde? Des pingouins qui font des checks, alors pourquoi pas eux? Oui, il y a bien des pingouins qui dansent, et c'était un bon film, je te l'accorde. Mais quand même, des dinosaures qui font je sais pas quoi. Dans le deuxième, ça les chevauche. Là, comme si c'était le western, Lou qui roule avec sa moto entouré de ses potes, mais qu'est-ce que c'est donc, putain de merde! Ah, par contre, Chuck Norris avec des chiens dans des films, ça te dérange pas? Mais non, parce qu'ils sont roux tous les deux, ils sont sympas, c'est pas grave! Mais là, putain, mais. Non, mais non! Et puis on va te prendre le noir français de service histoire de faire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai rarement vu des films de merde. Parce que généralement. Dixit, le fan de Chuck Norris. Mais j'ai oui. rarement vu des films de merde. Mais tous les films de Chuck Norris sont supérieurs à Jurassic World. Sans déconner. Même celui-là arrête une tronçonneuse avec ses mains. Mais surtout celui-là. Au moins, c'est un film bon enfant, toute la famille peut le voir. Ouais. Et ça t'instruit en plus. Alors que Jurassic World, ça te dit quoi? Que les dinosaures ils se font des checks? C'est pas possible! Oh. Oh, non, mais soyons sérieux. Mais je suis sérieux! Soyons sérieux, 2 minutes. J'entends ce que vous dites. Et je suis prêt à en débattre. Pas aucun problème en public. Ouais. Là, d'un seul coup, je viens de rejoindre la team Bilou. Je pensais trop rien de ce film, mais c'est vrai que le résumé par ces des dinosaures qui se font des checks, c'est trop ça. Non, mais le pire, c'est que vous êtes là en train de ricaner comme des ânes. Mais non, c'est la vérité, on n'est pas des ânes, on parle des dinosaures en plus. Dans le premier film, il y avait déjà ça. Je suis désolé. Non, mais pas les dinosaures se faisaient pas des trucs, ils se bouffaient entre eux comme le, c'est censé faire. Il y a la scène du raptor dans le premier, même dans le 2, il y a la scène des raptors dans la cuisine ou même dans plusieurs moments dans le film où ils communiquent avec les cris et ils se rassemblent et ils font des plans pour attaquer et encercler leurs ennemis. Mais ce sont la même espèce. Fermez la seconde. Ils se parlent entre eux, mais tu vas pas avoir un tyrannosaure qui va dire à un velociraptor, t'es mon pote, t'as vu, on s'est battu à deux, c'est cool, on se recroisera la prochaine, on se boit une bière. Dans ce cas, je vous demande de remettre en question absolument toutes les images d'êtres humains qui arrivent à travailler avec des animaux. Mais c'est pas un buddy movie, Jurassic World, merde. Non mais je parle pas on est pas en train de regarder 48 heures de plus, c'est assez, au Crétacé. À quel moment on n'aurait pas le droit d'apprivoiser des raptors? Mais pas en faisant de la moto, putain de merde. Bah, ils font de la moto au cirque avec les petits lions. C'est mignon, c'est comme ça. Non, c'est de la mauvaise foi, je suis désolé. Oh putain, merde, les mecs sont branchés et tout. Et donc, Jurassic World, moi, j'ai pas trouvé ça aussi nul. Voilà, je l'avoue. Oh bah, chaud, regarde, il y a un dinosaure qui s'est pointé, là. Il est en train de faire des bruits pour appeler ses potes, là. Oh putain. Merde. Oh là là là. Non mais... sérieusement. Enfin, essayons. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est de la merde. Non mais la séquelle est totalement inutile parce que Jurassic Park a apporté un truc que toutes les autres, même le 2, même le 3 ou tout ce que tu veux, n'ont rien apporté du tout. Ça reste des suites qui n'apportent rien par rapport au premier film, mais je n'ai pas passé un moment désagréable et je trouve que tous les points que tu soulèves sont discutables. Jurassic World 2, ils fument des buzz les mecs en écoutant du reggae. C'est loin d'être un très bon film, mais c'est pas la pire chose que j'ai vu passer. Oh non, je suis désolé. C'est ce que je disais à un moment. J'ai rarement vu des mauvais films. Je trouve qu'elle court en talons aiguilles de manière très élégante. Voilà. La jeune fille. Le raptor. La jeune femme. Le raptor qui porte des talons. Mais. Non, mais il y a quelques bons petits trucs. Non, mais après, sérieusement, j'ai fait un facepalm, mais tout le long du film. Il y a des trucs complètement pétés, on se fout de ta gueule royalement tout le long du bazar. C'est des trucs complètement. Alors, je veux bien qu'on fasse du what the fuck, machin, des trucs complètement saucés, mais putain, à un moment, faut respecter le spectateur quand même. Enfin, je sais pas, mais le truc, c'est complètement pété. Je peux pas te donner d'exemple parce que je l'ai pas vu, j'ai jamais envie de le revoir, et le deuxième, il peut aller se faire foutre. Mais franchement, je veux dire, je l'ai vu, et même, je l'ai vu avec ma copine qui est aussi bon public et qui, voilà, rien, mais vraiment, c'était de la merde. On a fini le film, on s'est dit, mais putain, c'était vraiment de la merde, on s'est foutu de ma gueule, c'est pas possible. Et quand j'ai été déverser ma bine sur Twitter et que tu t'es pointé la bouche en cœur, mais non, c'est un bon film, Jurassic World. Je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce monde de merde? C'est pas possible. Vous voyez quand même qu'on est passé du j'ai kiffé grave à ouais, c'est un bon film, bordel de merde. La défense ne tient pas. Tu me l'as quand même répété X fois à X moments depuis la sortie du film que c'était bien, que c'était cool. Non mais je te parle pas. Non mais je l'ai revu une deuxième fois, je l'ai déjà revu à la baisse. Voilà. Non, mais tu l'as déjà revu une deuxième fois tout court, c'est déjà trop. J'ai le Blu-ray, monsieur. Oh bordel de merde. Oh, je fais scission. Je vais créer mon propre podcast. Canapé et Betamax. Ou Sofa et Betamax. Allez, bon. Non, c'est je pense possible. Que vous aurez compris le point de vue de Jurassic World par Billy. C'est inutile, voilà, c'est nul, ça sert à rien dans la continuité du film. C'est même pas un remake, enfin, je ne sais pas, enfin bref. Voilà, c'est de la merde. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Ron. Ah, c'était... On va essayer de se reposer. Ça va être hyper compliqué de passer après ça. Attention, du coup, on va avoir l'impression que ça va être chiant, ce que je vais dire maintenant. Et du coup, il a débouché le champagne, l'autre. Oh là, en tout cas, ça m'a bien fait rire. Alors, moi, je voulais parler... Ah, tu parles plus de Creed, là, hein, salaud. Alors, non... Moi, je voulais parler au départ de Scream 2, comme a dit... c'est Manji Maru, je crois, qui l'avait cité. Exactement. Sauf que je l'ai revu et je me suis dit, merde, c'est pas si nul. C'est suffisamment différent. Après, je crois que tu as mis Scream 2 dans les mauvaises suites. Ouais, bah ouais, mais j'ai pas trouvé ça si mauvais. Très mauvaise, ouais. Alors du coup, je suis allé un petit peu plus loin et j'ai dit, bon, bah j'attaque Scream 3. Et là, je dis, ça y est, là, je le tiens. Juste une question. Tu crois que c'est terminé, Sydney? Tu crois? Le tueur m'a appelé. Quoi? Oui, il m'a trouvé. Cotton Weary est mort. Il a tué Cotton? Quelqu'un essaie de ruiner mon film. Une personne veut tuer mon film. Le producteur a dit qu'il y avait trois versions différentes du script. Trois versions, trois victimes potentielles. Quelle version peut bien lire le tueur? Vous n'avez pas affaire à une simple suite, mais au chapitre final d'une trilogie. s'y connaissez en trilogie? Ce que je sais à propos des trilogies, c'est que dans le troisième, il n'y a plus rien dessus. Quel est votre film d'horreur préféré? Parce que autant. T'aurais pu faire Scream 4 hein, aussi. Oh non, j'ai arrêté. Parce que du coup, ça va, j'en tenais un. Okay. J'allais pas non plus faire des bonus. Faut pas déconner quand même, merde. Il paraît qu'il y a Ghostface qui se fait des checks à un moment. Parce que là, Scream 2, ça parle de une histoire qui tourne autour du film qui raconte le premier. Bon, moi, c'est différent du premier film. Scream 3, Wes Craven, qu'on aime beaucoup à VHS et Canapé. Ouais, c'est un très, très grand réalisateur. Très grand, il s'est dit, j'ai une trop bonne idée pour Scream 3, je vais faire un film qui raconte ce qui se passe pendant le tournage du deuxième film qui raconte ce qui se passe dans le premier. C'est le méta pour le méta. Ouais, et c'est exactement la même chose que dans Scream 2, mais en tout est fait en moins bien. Et notamment, alors je venais déjà de me taper Scream 2, hein, j'ai enquillé vraiment d'affilée Scream 3. En regardant un peu Twitter, parce que c'est un peu chaud à suivre, sinon en étant attentif. Et notamment Wes Craven, dans ce film, il a une passion pour filmer les couloirs. Il adore filmer, toujours avec le même plan, des couloirs et des nanas qui courent dans le couloir en faisant « Mon Dieu, il est là !» Et quand elles arrivent au bout du couloir, il y a un truc qui se passe, je sais pas, elles tombent sur un cadavre, un truc comme ça, et refont le même couloir à l'envers en faisant « Mon Dieu, il est là !» Là, elles arrivent au bout du couloir, elles se barrent à droite, elles font « On va où ? À droite ? À gauche ? Non, attends, faut repartir par là. » Et elles reviennent dans le même putain de couloir en disant « Mon Dieu ! Il est là !» Ça dure à peu près 1h30. Alors, c'est pas le couloir à chaque fois, mais l'idée, c'est quand même ça. Et quand la conclusion arrive, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, on dit « Mais enfin ! Mais comme... » Et bien sûr, le tueur, parce que je vais spoiler, hein, parce qu'il faut pas... Oh non ! Si, parce que là, ça a un sens avec la rubrique. Le tueur, c'est le réalisateur du film. Méta. Et si Wes Craven parlait de lui-même, qui, comme le réalisateur, a tué tout son casting, essayait désespérément de flinguer sa franchise. Ou sa carrière. Bon, sa carrière, il s'en est pas trop rendu compte jusque-là, déjà. Alors voilà, donc on a un film qui est ultra feignant, qui a une espèce de décalque de Scream 2. Je pense qu'on est pas mal dans la définition de l'inutilité totale, quoi. Et je sais pas si t'as vu le 4, mais on est un petit peu dans le même acabit, quoi. C'est vraiment pas terrible. Alors je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir et j'ai décidé de ne pas me l'imposer. Bah, c'est un peu ça, c'est oubliable, quoi. Ça sert à rien de s'en souvenir, ça sert à rien de le regarder. C'est pas un bon film, mais c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi des fois se forcer à redéterrer en fait des franchises qui ont fonctionné à l'époque pour en faire des merdes comme ça? Mais surtout, des fois, pourquoi ressortir des films, des anciens films, bah, comme Un flic à la maternelle? Tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui réclame Un flic à la maternelle 2. Vivement Jumeau 2. Non, mais... mais voilà. Le pire, c'est que Jumeau 2, il y a eu des rumeurs pendant un bon moment hein, pour une suite avec Arnold Schwarzenegger et tout. Mais t'as vraiment des films, je parlais tout à l'heure, des films comme Jared ou comme Basic Instinct. C'est-à-dire, pourquoi... En fait, on est tellement à rechercher, à ne plus trouver d'idées nouvelles qu'on va retrouver des anciens trucs en espérant peut-être pouvoir récupérer de la nostalgie chez des gens. Je veux dire, des films comme American Psycho 2, je veux dire le 1, moi j'avais plutôt bien aimé, mais c'est pas non plus un grand film, et on va te sortir un 2 de derrière les fagots, Cimetière 3 qui ressurgit après des siècles d'un seul coup, alors que le 2 était déjà complètement pourri. C'était déjà nul, ouais. C'est quand même hallucinant, quoi. Je veux dire, t'avais aussi la suite Blair Witch 2 aussi, qui avait été citée pas mal de fois en tant que mauvaise suite. Il y a quand même des films qui ressortent des catacombes du cinéma pour refaire des merdes. Je veux dire, Le Fils du Masque 2 était sorti vachement tard et c'était complètement pourri, quoi. Enfin, c'est hallucinant. C'est le pognon, en fait, hein, c'est le pognon toujours. Hein. C'est des droits pas chers, ouais. Et puis on se dit, ça peut rentabiliser sur. Sur un, quoi dire, une com qui peut un peu jouer, et puis voilà, et puis oui, les gens peuvent aller voir. Et sur puis, une licence qui a marché à l'époque. Voilà, exactement, et puis voilà, ça va rentabiliser, on va gagner un peu de pognon, et puis voilà, les mecs s'en battent les couilles, quoi. C'est ça. En fait, il faudrait faire une collection de DVD qui s'appellerait « Mais pourquoi ?» Mmh. C'est ça. Tu te dis « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et c'est pour ça que moi, j'ai fait une sélection qui est toute bête. Donc, comme le but était de parler des séquelles complètement inutiles, mais moi, j'ai mis mais tous les films d'Uwe Boll, putain. C'est vrai. Non mais il y a eu 3 ou 4 Blood Rain. Blood Rain 3 est pas mal quand même. Hein. Non, il est horrible. Non, je déconne. Moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu, c'est des films, il y a eu juste trois suites peut-être de son King Rising là. Avec au début c'était alors, le casting est descendu au fur et à mesure, on est passé de c'était Ben Wheatley non de Jason Statham à Dominique Purcell de Prison Break, tu vois, donc ouais. Ça commence à réduire un tout petit peu, mais c'est un copain de Casper Van Diem. Ah mais ouais voilà exactement. Mais qu'est-ce qui réclame des suites des films d'Uwe Boll? Je veux dire, là il avait essayé de faire un financement participatif pour la suite de sa fameuse fresque Rebelle avec le tueur là, comment ça s'appelle déjà? Rampage ouais. Moi Rampage 1 où tout le monde dit c'est le meilleur film d'Uwe Boll. Alors oui. C'est le meilleur film d'Uwe Boll. Ça veut pas dire mais que c'est ça bien. Reste un mauvais film, quoi. Enfin, et il y a eu le 2, et là, il voulait faire le 3. Enfin, pour lui, il était genre en train de faire le parrain, quoi, tu vois. Il est hallucinant, ce mec. Et de voir autant d'argent mis dans des films et des suites de merde que personne ne veut, moi, je trouve ça assez formidable. Mais comme je suis con, je les ai tous vus. Et oui, je suis un gros con. Putain, j'en ai vu plein aussi, moi. Ouais, dans Uwe Boll, bah, moi, il y avait même eu une suite à House of the Dead, alors le 1 était déjà quand même cataclysmique, mais qui était tellement drôle. Le premier House of the Dead, enfin voilà, les Blood Rain, il a fait Far Cry, enfin voilà, il y a eu même une suite à Alone in the Dark qui est nullissime. Oh là là là là. C'est là pas là avec là. Christian Slater? Si si si, ah, c'est ouais. Avec Christian Slater. Bah à l'époque, il arrive à avoir des sacrés castings, ce con-là. Bah il faut bien payer ses impôts. En même temps, c'est comme ça. Bah bref, ouais, tous les films d'Uwe Boll, ils sont complètement inutiles, comme la plupart de ses films, même si certains m'ont fait un petit peu rigoler quand même. Allez, on va passer à une rubrique plutôt sympa. Puisque donc on a parlé un petit peu caca tout à l'heure, et là maintenant on est dans la séquelle ultra merdique. Vraiment ultra, hein. C'est-à-dire que là on a déjà mis quand même le niveau assez haut au niveau bouse, quoi, mais là ça va être les séquelles ultra merdiques. Alors, donc c'est minable, ça pue, c'est un peu pourri, des fois il y a des jaquettes Photoshop qui schlinguent un petit peu dans tous les sens, et... Merde, je rigole parce que j'en vois le film de Bilou ce gros con. C'est vraiment un gros con. Et donc Bilou, tu vas parler de quoi? De Jurassic World, putain. Alors il était autant inutile qu'il est ultra merdique. Alors je me suis dit pourquoi me faire chier en chercher un autre. Non, Jurassic World. Et voilà. Okay. Bon bah, ce qui est bien, c'est qu'on va gagner du temps du coup. Et Cinédif, tu vas nous parler de la suite, pareil, un peu zarbi, hein, d'un film de Carpenter. Oui, oui. Alors, c'est un petit peu le même cas de figure qu'Un flic à maternelle, mais qui a quand même un potentiel intéressant. C'est un potentiel d'être encore plus mauvais dans son intérêt qu'Un flic à la maternelle 2, en fait. On parle de la suite de Vampire de Carpenter. Somebody has to go after her. You're only 5 seconds away if I need you, so watch me. What are we looking for? From the master of terror comes the next generation of evil. You have failed terribly for me. I know some things about those kids in there. Like what? Maybe you better wait till the sun comes up. John Bon Jovi. The only choice left is how to die. Slow, painful, or quick and easy. John Carpenter's Vampires, Los Muertos. Donc avec John Bon Jovi. Ouais. Alors déjà, le concept... It's my life. Le truc improbable d'entrée de jeu. Donc déjà, tu dis Vampire 2, John Bon Jovi, ouais, bon, allez... Bon, soit, passons. Donc, on va regarder. Et en fait, tout comme, on va dire, le flic à la maternelle, c'est exactement le même film. Mais c'est une horreur. C'est une horreur à regarder. Il y a un truc qui se passe, mais qui ne se passe pas non plus. C'est une suite qui n'aurait pas dû se faire. Voilà, donc en gros, on a un chasseur de vampires, un expert, qui est à la recherche du suprême vampire, un petit peu comme dans le film de Carpenter. Et ce super vampire, en fait, est à la recherche de la croix qui pourrait lui permettre de survivre pendant la journée. Alors, voilà. Et si ça vous dit quelque chose, c'est que, bah, effectivement, c'est le même scénario que le film de Carpenter. Donc, sauf que c'est plus mauvais, mais en tout. Voilà. Donc, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau du jeu d'acteur, John Bon Jovi, mais c'est, je sais pas, c'est un mannequin de cire, c'est, voilà, il a autant d'expression que, je sais pas, qu'un poisson rouge, c'est une horreur. Il y a des scènes d'action, alors qui sont quand même gore, ça je peux pas l'enlever, mais les vampires, enfin surtout la, l'espèce de reine des vampires là, on a l'impression que partout où elle passe, il y a des trampolines un petit peu partout, donc elle fait tout le temps des sauts, et c'est filmé au ralenti comme si elle était en train de bondir sur les murs. C'est d'un ridicule, c'est affligeant. Quoi. C'est Power Rangers. Non mais on dirait que voilà, on dirait qu'ils ont mis des trampolines de partout. Mais c'est vraiment horrible. C'est en tenue de gymnaste. Ça se trouve, j'en sais rien. 10 sur 10. Saut carpé. On est vraiment dans une suite qui a été faite complètement au rabais. Il y a eu un 3, non ? Et oui, il y a eu un 3, c'est ce que j'ai vu, ouais. Et oh, je m'en doutais même pas. Et juste pour l'anecdote, je voulais vous parler de Superman 4, mais sur le coup, je voulais juste faire une dédicace à nos collègues de Nanarland qui en ont parlé dans un de leurs derniers podcasts et qui l'ont quand même bien descendu. Pourquoi ? C'est un film de la canon. On se demande. Sympa, non ? On se demande bien pourquoi. On leur fait un gros coucou parce que j'aime beaucoup leurs émissions en Nanarland. Enfin, c'est l'émission, leur nuit excentrique Nanarland, tout ce que tu veux, ils font du super bon boulot, donc on leur fait un gros maxi coucou. Quoi. Voilà, donc bon, pour en revenir à Vampire 2, un film qui est très mauvais, mal réalisé, qui est réalisé par Tommy Lee Wallace, donc qui est le même réalisateur que Halloween 3, justement. Ah, vieillir, c'est mal. Hein. Oh là, c'est... Donc voilà, des mauvais acteurs, voilà, une histoire qui sert à rien, donc j'en passe. Vous pouvez complètement l'oublier. D'ailleurs, je crois que c'est un DVD qui est très difficile à trouver et on se demande pourquoi. Parce que personne ne le cherche. Mais qui coûte sûrement très très cher quand même. Je vais l'acheter. Donc, je le mettrai à côté de Jurassic World. Et on est un petit peu comme sur les sujets précédents, c'est une suite inutile qui n'aurait jamais dû se faire et qui ne mise uniquement sur le nom d'une franchise qui n'a pourtant été pas très très rentable. J'allais dire, il fallait avoir envie comme de faire la suite de Vampire qui n'est pas le plus gros succès de Carpenter, qui n'a jamais eu de succès de toute façon. Oui, c'est ça quoi. Donc, parce que je crois que le... Et les gars, on va faire Vampire 2, on va se faire un max de thunes. Super bonne idée. Parce que par curiosité, j'ai regardé en fait si le Vampire de Carpenter était rentable, mais en fait tout juste quoi, aux États-Unis, il a fait en recette ce qu'il a dépensé quoi. Donc, bon, c'est le genre de film qui marche quand même en vidéo. Ouais, ça fait du pognon après, ça. Voilà. Donc, non, voilà, ça, vous pouvez l'oublier. Et on peut mettre quand même en parallèle de ce film-là, il y a eu aussi des suites à Une Nuit en Enfer. Il y a eu Une Nuit en Enfer 2 qui est catastrophique. Par contre, moi, j'ai un bon souvenir du 3. Le 3 est pas mal, ouais, absolument. Bizarrement, le 3 est pas si mauvais, donc comme quoi, des fois... Hein, vous avez regardé la série, il faut, déjà pousser un petit peu. Ouais, alors, le début, mais c'était vraiment pas très bon. Ouais, alors, j'ai pas un grand souvenir, je crois que j'ai regardé en entier la saison 1, je me rappelle même plus du tout, donc tu vois... Je trouve que le duo d'acteurs marche pas du tout. Passer après. Quand Don Johnson, au début de la série, il y a Don Johnson et c'est pas mal. Ouais. Et après, quand on passe à autre chose, bah c'est pas bien. D'accord. Voilà. Donc on peut rajouter ça avec Vampire 2 et Une Nuit en Enfer 2. Mais ouais, Une Nuit en Enfer 3, c'est pas mauvais. Qui est pas mauvais. C'est voilà. Regardez quand même, en plus on peut le regarder à part, on n'est pas obligé de se taper le 2. Le bourreau, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Ça se passe aux origines, je crois, du Titi Twister. Ouais, ça, plutôt sympathique. Rhône, tu gardes la parole. Là, t'as le choix entre deux gros candidats quand même. Alors deux, ouais, j'en avais même mis d'autres sous le coude au cas où, tu vois, c'est pas facile. Tu m'as un peu pété mon effet avec Piranha 2, là. J'étais bien parti pour en parler. Alors du coup, je vais peut-être me concentrer. Bon, Highlander, le retour, c'est trop facile. Donc on va peut-être parler du Cobaye 2. Ah, gros morceau. Le Cobaye 2, parce que le Cobaye, le premier film, donc c'était l'histoire d'un mec qui passait la tondeuse à gazon, et puis que c'est une espèce d'abruti, et qui, grâce à l'univers virtuel, devenait un super génie. La réalité virtuelle va restructurer votre esprit et votre corps. Quel est votre nom ? Mon nom est Job. Qui est Job ? Il était jardinier jusqu'à ce que mon voisin, un docteur, se livre à des expériences sur lui et en fasse un génie. Je suis Dieu ici. Bienvenue dans mon monde, Peter. J'ai découvert le secret de l'immortalité dans le processeur Chiron. Le futur, c'est maintenant. Faut le sortir de là. On en perd le contrôle. Je n'ai jamais vu Job comme ça. Nous devons arrêter Job avant qu'il ne soit trop tard. Et dans 3 jours, je serai dans tous les systèmes du monde entier. Donne-moi accès à tous les comptes bancaires. Cette carte de crédit n'est plus valable. Non, ne fais pas ça. Au distributeur automatique. compagnie des eaux et d'électricité. Il veut détruire notre monde. Il s'imagine qu'il va devenir un nouveau messie dans le cyberespace. Entrez dans le nouveau monde, professeur. Suivez Job. Votre monde matériel va disparaître. Et seul le cyberespace va demeurer. On est venu te sauver, Job. Ici, c'est moi le sauveur. Alors, c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui doit faire 12 pages, et ça faisait un film qui était bien médiocre. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, et si on en faisait une suite ? Et pourtant, et là, il a un petit aura, non ? Il a un petit aura, mais c'est pas bien. Le premier, il a bien vieilli, comme au niveau des effets spéciaux. Hein. On était au tout début de la 3D. Oui, non, c'est pas terrible. Mais alors, il a bien vieilli, mais à côté du Cobaye 2, mon ami, le Cobaye 2, c'est le premier film où je pense qu'il a été réalisé sur PlayStation 2. On a les mecs, ils ont fait, alors c'est à peu près la même histoire, hein, en gros, donc ça se passe beaucoup dans l'univers virtuel, donc ce qui est toujours une très bonne idée, et je pense qu'ils ont fait des premiers tests sur les effets spéciaux, ils se sont dit, mais c'est tellement bien qu'on va faire les trois quarts du film comme ça. Et donc on a quand même quelque chose qui... Je dis PlayStation 2, mais je me demande si j'exagère pas un petit peu. Je pense pas que t'exagères. Je pense peut-être même en dessous. Hein, parce que c'est ce que je voulais dire. PlayStation 2 envoie des missiles dans l'espace, je sais plus quoi quand même. Hein, donc, ah ouais, non. Alors c'est... Non, je crois même que c'est en dessous. C'est-à-dire que il s'avère que c'est un film que j'ai vu en salle. Alors je pense vraiment que je devais avoir faim, quoi. Parce que ça puait quand même pas mal. Vraiment, il n'y avait rien du tout au cinéma. Ouais, mais j'allais voir tout à ce moment-là. Donc, et dans la salle, pendant que je regardais, je m'étais déjà fait à l'époque la réflexion que si j'avais ça dans un jeu vidéo, j'aurais honte. Ah ouais. Et pour le revoir, j'ai été coincé parce que je n'ai pas le DVD, hein, donc j'ai dû un petit peu aller fouiller sur Internet. Et c'est un peu une expérience. Hein, je conseille fortement d'aller chercher, c'est pas dur à trouver hein, sur YouTube, des trucs comme ça. On voit facilement des extraits. Ça a quelque chose d'assez intéressant. Ça fait beaucoup penser à nouveau clin d'œil peut-être aux amis de Nanarland. Actuellement, il y a des films qui sont faits dans les pays d'Afrique où il y a très peu de moyens, mais où ils ont faim de cinéma. Alors, ils font un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que pour leurs effets spéciaux, ils ont un Amiga quoi à tout casser. Ou Paint. et il s'avère que le Cobaye 2 ressemble beaucoup à ça. Et dans le même temps, ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est que c'est naturellement ultra premier degré, et ça se prend très très très au sérieux, ce qui évidemment crée un contraste assez saisissant avec la merde qu'on a sur l'écran, quoi. Les couleurs sont à gerber. Enfin, c'est quelque chose c'est vraiment une épreuve de regarder le Cobaye 2. Et encore une fois, on peut se dire à un moment donné, mais qui a eu l'idée un jour de faire ça, de faire cette suite, et qui s'est dit à un moment donné, j'ai un budget pour faire un spot de pub, je vais en faire un film avec des images de synthèse, ça va le faire. Ah mais les images de synthèse, c'était le paradis à l'époque, hein. ils pensaient pouvoir faire tout et n'importe quoi, hein. Mais putain, le pire c'est qu'à la sortie du film-là, il y avait quand même des gros films qui faisaient des trucs formidables, et Cobaye 2. Mais c'est ça. Je veux dire, le c'est le ça. Et à un moment donné, le Cobaye en fait avait sa petite aura à l'époque. Hein. C'était pas considéré comme un mauvais film. C'était justement le film de VHS, enfin de vidéo club que tu empruntais comme ça. Et j'en avais eu des bons souvenirs, quoi. Alors je conviens, pourquoi pas. Mais pendant la pré-production du film ou quand tu fais les essais, etc. Comment est-ce possible, à un moment donné, que dans les réunions de production, quand ça a commencé, tu sais, tu dois avoir une espèce de silence gêné autour de la table, tout le monde voit que c'est de la merde, et je m'imagine très bien le truc où, tu sais, t'as personne qui ose vraiment le dire, où il se dit, non, il y a bien quelqu'un qui va dire que c'est de la merde, quand même, qu'il faut arrêter, là. Mais non, tout le monde se tait, alors on continue, et ça donne ce film. Donc, on est vraiment dans l'ultra merdique. Et je vais vite fait quand même en placer une sur Piranha 2 parce qu'on a dressé des éloges à James Cameron tout à l'heure et c'est quand même bon de rappeler hein, qu'il a commencé avec Piranha 2, l'attaque des poissons volants. Mais il s'était vite barré du tournage quand même. Ah, il s'était peut-être vite barré, en attendant il est quand même dessus. Hein. Ah bah oui, c'est lui, ils l'ont laissé. Ouais, c'est un film de son nom. Bah c'est du Corman, hein, donc ça s'est fait avec pas grand chose et c'est un film qui est aussi très intéressant à regarder, mais qui, si ça se trouve, est peut-être meilleur que Piranha 3D 2. Oh, il est horrible, Piranha 3D 2, quoi. Il est même dégueulasse. Il est filmé dans une piscine de Seine-Saint-Denis, je sais pas. Un vieux, une vieille piscine de je sais pas où, même près de chez moi, là, tu vois, avec un David Hasselhoff complètement dégueulasse. Enfin, c'est Piranha 3D, c'est 3DD en plus, il s'appelle. Tout en finesse. 3DD, ouais. Ouais, tout en 3DD, classe et tout en finesse, ouais. C'est aussi une belle merde, une belle suite ultra merdique. Le premier, j'aime bien, ouais, Alexandre Aja. Ouais, le premier, ça va, c'était cool, je tenais. Allez, c'est à moi de vous arroser de caca, les gars. Si je peux me permettre juste un petit. Non, absolument si, pas. Si, si. C'est vrai que quand Ron a parlé de fait d'aller au cinéma et qu'il sait pas pourquoi il l'a vu au cinéma, ça m'a rappelé une suite, enfin le pire film que j'ai vu au cinéma, qui est une suite aussi, et je me dis c'est bizarre que j'ai pas pensé avant. C'était, je pense, le dernier Y a-t-il un flic? Ah oui, j'y ai pour sauver l'univers aussi. Et je l'ai vu au cinéma parce que j'allais au cinéma avec des potes et puis il y en a qui voulaient absolument le voir et moi je dis non, mais non, je vais pas dépenser du fric pour aller voir ça parce que j'avais senti le truc venir. Et on m'a dit ah, si le mec voulait tellement le voir qu'il m'a payé ma place alors que je le connaissais pas trop, hein, j'étais avec des potes machin. Et putain, heureusement que j'ai pas payé, hein, parce que c'était une de mes pires expériences de cinéma. C'était vraiment c'était. Ophélie Winter jouait pas bien. Oh, c'est vrai que j'avais zappé cette histoire. Je suis déçu. Mais bon, mais toujours est-il que ouais, j'avais vraiment de la peine pour ce pauvre Frank Drebin, le personnage, et même l'acteur pour Leslie Nielsen. C'était vraiment, c'était une catastrophe. T'avais, enfin, tout allait trop loin. T'avais envie de te cacher derrière ton siège tellement c'était pas possible, quoi. Rappuie les effets pareils, les maquillages, les déguisements, c'était tellement catastrophique. Ah oui, bah, surtout que les premiers films, ça reste un humour assez particulier. Bon, ça reste du zaz et tout. Bon, ça reste. Il faut être perméable au genre. Mais là, c'était vraiment. T'avais l'impression qu'on n'en pouvait plus, que c'était la 833e représentation, 50 ans plus tard. Tu sais, le mec qui veut pas partir de scène et qui veut absolument rester, et que tout le monde lui fait des signes. Et genre, allez, vas-y, c'est le moment, il faut arrêter. C'est bon, casse-toi. Ah oui, non, mais là, casse-toi, Drebin. Là, c'était une horreur. C'était vraiment catastrophique. Et ça m'est revenu d'un coup aussi, comme ça. Mais il fallait que je le partage, fallait que ça sorte, hein, parce que c'était pas possible. Mais tu vois, en parlant de Jurassic World, il y a des souvenirs qui reviennent. Non, c'est Ron avec son histoire de cinéma et tout. C'est une thérapie. Mais c'est une thérapie. Je vais acheter ces canapés, c'est une thérapie, monsieur. Il y a des trucs qui ressortent d'un seul coup, ça t'évitera de te réveiller la nuit en hurlant dans les prochains. Ah, je vais surtout hurler en imaginant des dinosaures en patin roulette, là. Qui font des checks. Voilà. Allez, on arrête les âneries et on passe à Mortal Kombat Destruction Finale. Mortal Kombat. Bordel! Chaque génération voit s'ouvrir un antique passage entre la Terre et l'autre monde. Mais cette fois-ci, les forces du mal ont été libérées. Le destin de notre planète va se jouer maintenant. Bouquet, Sonya, Kitana, Jax, Jade, Sub-Zero, Scorpion, Cyrax, Smoke, Shiva. Fight. Jusqu'alors, ils avaient combattu pour leur vie. À présent, ils combattent pour la nôtre. Mortal Kombat Destruction. Le rire, c'était rire Lambert, non? C'est Christophe Lambert, mais qui ne revient pas. Et oui, Christophe Lambert, il reviendra plutôt dans le nouveau Bloodsport. Non, pas Blood, c'est Bloodsport. Kickboxer, dans le nouveau Kickboxer. Il joue dans Kickboxer 2, là, de la suite du remake. Et ouais, la suite du remake qui. Ah, je l'ai vu, Kickboxer. Voilà, c'est un peu tendu. Et donc, Highlander. Mortal Kombat Destruction Finale. Et bah, moi j'aime bien le premier Mortal Kombat. Et j'ai pas du tout honte de le dire, je trouve que c'est une série B plutôt bien troussée, qui a compris le principe de Mortal Kombat contrairement à Street Fighter, c'est-à-dire qu'il y a des combats. Et il y a des beaux petits combats, il y a du finishing, il y a des effets spéciaux, il y a des bastons plutôt cool, notamment celle de Johnny Cage et de Scorpion, c'était plutôt bien troussé, voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ça se tenait visuellement, il y avait, même s'il y avait quelques trucs un peu zarbi comme Goro, mais qui passait quand même. Et bah techniquement, on peut dire ce qu'on veut de Paul Anderson, mais même s'il fait quand même souvent de la merde, techniquement, ça ressemble quand même relativement à quelque chose, sauf son Resident Evil chapitre final qui est une catastrophe industrielle qui m'a défoncé les yeux. Et qui c'est du vomi, c'est un vomi vraiment perpétuel sur 1h30, voire même plus, c'est complètement dégueulasse, il aurait pu être dans la séquelle ultra merdique, mais j'ai préféré me concentrer sur ce rassemblement de cosplayers, qui est Mortal Kombat Destruction Finale. Donc c'est comme si on avait dans une espèce de cave éclairée à la bougie, bah, plein de cosplayers qui font des petits combats comme ça avec des costumes en plastique. Voilà. C'est... Et je peux rejoindre d'ailleurs avec les effets spéciaux du Cobaye 2, parce qu'il y a des moments avec il y a des personnages entièrement en image de synthèse avec reptiles et c'est juste pas possible. Il y a des séquences avec Raiden qui se téléporte et on voit des effets de fond vert incrusté aussi sous paint qui sont cataclysmiques aussi. On a des combats mais ultra cut des fois dans des endroits où on voit que c'est un pauvre studio avec des décors dégueux où dès qu'ils tombent sur un mur, tu vois le mur il flotte, il bouge. Tout est en carton-pâte, c'est 100% carton-pâte, c'est pas filmé, c'est visuellement hyper agressif, et ils ont uniquement retenu les musiques un peu Eurodance du premier. Ouais. Donc on a plein d'Eurodance tout le long, des boucles de musique qui se répètent continuellement, et il y a que deux acteurs qui reviennent dans cette suite, il y a Robin Chou qui jouait Liu Kang, et celle qui jouait aussi, Talisa Soto qui joue, je sais pas comment je me rappelle de ces noms-là, moi. Talisa Soto qui fait Kitana. Et donc ils sont amoureux, ils se font des bisous et tout. Et tout le monde a changé et c'est juste ouais, en termes d'effets spéciaux, en termes de maquillage, en termes de. Il y a aussi. Vous savez Shiva, c'est le qui a quatre bras comme Goro. Ouais. Bon on sent que c'est des bras qui ont été rajoutés. On voit des faux bras, mais on sait que c'est pas les bras de la même couleur. Donc tu vois que c'est des bras qui ont été rajoutés par effet d'incrustation. C'est. Oh là là, c'est. Alors attends, je sais pas, Creeper, si tu vas me rattraper, mais je sais plus, je crois qu'il y a une scène où, de baston peut-être dans une caverne avec Raiden. Donc il a les cheveux longs, et quand il ressort, il a les cheveux courts, mais sans aucune raison en fait. En fait, il monte tout en haut d'une montagne, il crie très très fort, et quand il redescend, c'est un homme nouveau, il a les cheveux courts. Voilà, c'est un twist. C'est un twist qui vaut ce qu'il vaut, voilà, c'est comme c'est ça. C'est la technique. Non, mais c'est le cri en fait. Qui fait tomber les cheveux. Et la technique Franck Provost, exactement. C'est une nouvelle coupe de cheveux dans chaque apparition. Et on a aussi le méchant, c'est celui qui jouait le méchant dans Cobra. Bilou, ça te dit quelque chose, celui qui fait le gros balèze tout crado, là. Bah, c'est lui qui fait Shao Kahn. Une sorte d'allemand avec la grosse mâchoire, là. Ouais, avec la grosse mâchoire. Lui qui fait que des rôles comme ça, d'ailleurs. Et bah là il surjoue, il cabotine, il essaye d'être un peu crédible en méchant, mais ça fonctionne absolument pas. Enfin voilà, et moi qui avais vraiment bien aimé Mortal Kombat, quand j'ai découvert Destruction Finale, c'était... Oh là là, ils ont même mis les méchants qui sont en espèce de costume jaune, là, c'est pas Anthrax ou Skyrax ou un truc... Enfin, ils ont essayé de mettre tous les persos, il y a aussi l'Indien qui apparaît un coup, enfin ils ont mis tous les persos de Mortal Kombat. Donc vraiment c'est un rassemblement de cosplayers Mortal Kombat, vraiment fait dans un espèce de sous-sol un peu zarbi dans une vieille cave. C'est pire ou pas que Street Fighter, le film? Oui, oui. Ouais, c'est une échelle de valeur pour ceux qui... Parce que Street Fighter, t'as quand même, on va dire que le pauvre de Souza, il a fait un peu ce qu'il pouvait, mais il y a quand même un petit peu de budget, donc voilà, il y a des trucs qui. Puis au moins, c'est drôle. Ouais, puis au moins, voilà, c'est drôle. Que là, bon, tu peux rigoler sur 2-3 trucs, parce que vraiment, techniquement, ça tient jamais. T'as l'impression qu'ils ont eu 200 balles pour faire le film, alors que le 1 avait quand même plutôt bien marché. Mais ouais, c'est largement pire qu'un Street Fighter parce que t'as aucune production value dedans, quoi. C'est catastrophique en termes d'effets visuels. On sait même pas où c'est passé là, où est passé l'argent. Rends l'argent ! Rends l'argent, salaud ! Quel argent ? Il y en a pas, justement. Et moi, dans mon petit cœur de jeune Creepers fan du premier film qui se mettait les combats en boucle à l'époque, bah, ça m'avait fait un petit peu souffrir quand même. Et ouais, dire qu'il y avait une série aussi qui était complètement nulle de Mortal Kombat. Enfin, bah, Mortal Kombat, Destruction Finale, c'est complètement de la merde. Et j'avais aussi noté quand même Transformers 2 qui est une grosse blague mais qui a coûté quand même 200 millions de patates. Une blague à 200 millions. Ouais, qui est vraiment, vraiment une catastrophe. Alors que le 1, moi je trouve qu'il se tenait bien. Et aussi, je tenais à signaler quand même un film français, Les Rivières Pourpres 2 d'Olivier Dahan. Ça, bravo de l'avoir nommé parce que c'est vrai que je m'en suis voulu de pas y avoir pensé quand j'ai vu ta petite liste. Parce que c'est quand même quelque chose. Ça, non, mention au ninja Yamakasi qui sont en fait, on dirait des Nazgûl. En fait, c'est des Nazgûl du Seigneur des Anneaux qui se prennent pour des ninjas. Donc bravo d'avoir pensé à ça, monsieur Luc. Et il y a aussi une superbe scène avec un Johnny dépressif dans le nord-est de la France. Donc moi je viens de là-bas, je peux vous dire qu'on n'est pas vraiment comme ça. C'est tous des alcoolos, il pleut, c'est, voilà. C'est encore une fois Luc Besson qui découvre la France, c'est quand même assez remarquable. Et on a Benoît Magimel qui remplace Vincent Cassel. Et toujours Jean Reno qui est mono-expressif et qui sait pas jouer et qui est lui par contre toujours et là, il y a des scènes de fusillade merde. Ah, qui s'emmerde à fond les ballons autant que nous. Mais bon sang, qu'est-ce voilà, qu'il s'emmerde autant que nous, enfin voilà, c'est nul, c'est très très nul et il fallait quand même mettre un film français et pas uniquement Mon curé chez les nudistes ou chez les Thaïlandaises, je sais plus qui est-ce qu'avait dit Rico. C'est quand même important de souligner qu'en France aussi, on sait faire des suites de merde. Ah bah les taxis, les banlieues 13, oui, je disais, les Bronzés 3 aussi faire du caca. Les Bronzés 3, mais oui, les Bronzés 3, cocorico. Astérix aux Jeux Olympiques. Pouh, c'est tendu, quoi. Même s'il y a eu aussi Astérix 2, qui est quand même aussi dans le cas d'une bonne suite, alors que le 1 est quand même pas terrible, terrible non plus. Moi, j'avais bien aimé Astérix 2. Mais en France, on sait aussi faire du caca, des belles suites bien, bien pourries. C'est important, faut bien qu'on se rappelle qu'on n'a rien à envier aux Américains. Nous aussi, on peut faire de la merde. On a le cœur des hommes 1, le cœur des hommes 2, le cœur des hommes 3. On avait tous envie de voir le cut des hommes 3, c'est tellement bien. Eh ben écoutez messieurs, je crois qu'on approche tout doucement de la fin de l'émission et j'ai une petite question à vous poser quand même, parce qu'on a parlé des suites qu'on a déjà vues, des bonnes suites, des mauvaises suites, les suites qui sont surprises, mais est-ce qu'il y a des suites quand même dans votre petit cœur que vous aimeriez, que vous aimeriez voir dans un futur plus ou moins proche? Rano, est-ce que tu as une suite que tu aimerais regarder? Alors, quand vous m'avez posé la question, j'ai noté deux films. Alors, donc, le premier, c'est un... Donc, vous savez, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez nostalgique. Hein. J'ai un tout petit cœur, vous le savez. Et... Oh, il est mignon, petit choupinet. Oh. Et et le film que je m'étais noté, c'est un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui s'appelle Le secret de la pyramide, alias Young Sherlock Holmes. Alors, je sais pas si... C'est génial, ce film. Et c'est un film... comment je peux vous expliquer ? En fait, c'est une sorte... Alors, je ne suis pas vraiment fanat de la saga, mais c'est une sorte de prémisse à Harry Potter. On est quand même sur quelque chose de... je ne vais pas dire plus sérieux. Voilà, on reprend les romans de Conan Doyle et on adapte derrière une trame fantastique, en fait. À noter que c'est le premier film, en fait, où on va retrouver un personnage entièrement animé avec des images de synthèse, en fait, et incrusté dans des décors réels. C'est le premier film. Et c'est... Voilà, on est dans une sorte d'Indiana Jones, de film de Sherlock Holmes, hein, effectivement. Donc, on a du mystère, on a du fantastique, on a de l'humour. Il y a une scène complètement délirante qui se passe dans un cimetière avec le jeune Watson qui hallucine et qui voit des gâteaux prendre vie. C'est complètement délirant. Et je pense qu'une suite, ou pourquoi pas une réadaptation, ça serait de bon augure, quoi. Un petit peu ce mélange, justement, entre mystère, magie, ou une suite complètement de ce film, je pense que j'aimerais beaucoup. Et l'autre film dont je voulais parler, pour moi, c'est le film de super-héros qui me tient à cœur, c'est un film que j'adore vraiment, c'est Rocketeer. Voilà. Sous-estimé totalement. Qui est complètement sous-estimé. Le comics est super. Je trouve le film, il y a une ambiance années 30 qui est très bien reconstruite, retranscrite, je voulais dire. Et il y a quelque chose d'épique qui émane de ce film. Le méchant qui est joué par Timothy Dalton est complètement convaincant. Il y a des très bonnes scènes. Et pareil, soit une réadaptation, je sais pas si une réadaptation c'est vraiment nécessaire, mais au moins une film ou quelque chose qui ne trahit pas le film original, j'avoue, je serais pas contre. Il y a un petit peu de reste dans son Captain America, Joe Johnston, je trouve, dans le côté justement un peu époque. C'est ce que j'avais bien aimé, moi, dans le premier Captain America, justement. Le premier, était plus un film d'aventure qu'un film de super-héros, quoi. Et c'est pour ça qu'il est si bien, au final. Bilou, garde la parole, est-ce que tu aurais aimé une suite de quelque chose? Ouais, moi aussi j'avais deux films, alors j'ai mon petit... Je peux pas dire, non, c'est pas Péché Mignon. Péché Mignon, non, il est bien, moi j'aime bien. Péché Mignon, c'est plutôt Battleship. Ah, Battleship. Oh putain. Ah, c'est mon Péché Mignon, Battleship. Et le mec, il se fout de ma gueule avec le mec, il se moque de Jurassic World. Oui, mais je suis conscient. Je suis conscient, voilà, c'est le péché mignon Battleship, il me fait marrer. Moins conscient. Mais bref, je voulais pas parler Battleship, même si il me fait bien marrer, parce qu'on fait des créneaux avec des cuirassés, c'est formidable. C'est plutôt... Ah bah oui, là, tout, là ça va, là ça passe. Bah, évidemment, bien sûr, parce que... On est dedans. Bref, on va pas retourner sur le sujet, voilà, bref. Non, le film que j'aurais bien voulu une suite, parce que j'ai vraiment bien aimé, et pour moi... C'est, je crois, à mon avis, bon, c'est pas s'il y a vraiment une mode de ça, mais c'est le seul film qui a réussi à faire revivre une vieille série, c'est l'Agence Tourisque. J'ai trouvé le film vraiment très sympa. Pour moi, c'est un petit bonbon que j'aime bien revoir régulièrement. Des fois, je le lance, voilà, j'ai une demi-heure à tuer avant de faire un truc, voilà, je suis devant la télé, je vais le lancer. Et au final, souvent, je le regarde en entier parce que j'adore. J'adore ce film. Il y a une alchimie géniale entre tous les personnages. Ah, puis gros casting. Oui, hein, le casting marche super bien. Voilà, il y a une vraie bonne alchimie entre les persos. Murdoch, il est exceptionnel. Enfin, Liam Neeson dans le rôle de Hannibal est génial. Bradley Cooper aussi. L'acteur pour Barracuda sort de nulle part, mais je trouve qu'il fait super bien aussi. Enfin bref, voilà. Je trouve vraiment le truc vraiment bien. Ça joue pas trop à la nostalgie. Ça fait pas trop de petits coups de coude comme ça. Et t'as vu, tu te rappelles de ouais, ça. Ouais, c'est un bon spectacle. Voilà, le van, il s'est pété dès le départ. Enfin bref. Mais voilà, j'aime bien et j'aurais bien aimé qu'il y en ait d'autres derrière parce que ça s'y prêtait. Et je ne sais pas. Enfin, je sais pas si le film a. Il a pas très bien marché. Je pense que c'est juste vraiment limite. Ouais, voilà, c'est moyen. Mais après, quand tu vois voilà qu'il y a des merdes incroyables qui sortent et que tu dis bah ça au final, bon, c'est pas le même budget évidemment. Comme Battleship. Non, là il y a non non. C'est des merdes incroyables. Oui, bah, non, écoute, je parlais des suites précédentes qu'on parlait. Écoute, commence pas à vouloir essayer de te venger par. Non, autant pour moi, t'as commencé par merde incroyable, j'ai voulu terminer ta phrase. Un peu comme un vieux couple, oui, voilà. mais voilà, ouais, je suis un peu déçu voilà, qu'il n'y en ait pas, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je le regarde, je suis content, c'est sympa. Et le deuxième film que j'aurais bien voulu aussi voir plus, parce que c'était pour les personnages, c'était Le Dernier Samaritain. J'avoue, j'aurais bien aimé que ça se continue un peu comme L'Arme Fatale, sans aller trop loin, comme L'Arme Fatale. Mais voilà, je trouvais le couple Willis-Wayans pas mal. Et ouais. C'est vrai que j'aurais bien voulu que ça se prolonge, justement, avoir un film où ils sont dès le début à deux. Voilà, vous savez que moi, les buddy movies, j'ai une faiblesse pour ça. Et c'est vrai que c'est un film voilà, que j'aurais bien voulu avoir encore plus. Quoi. Rhône ? Moi, j'en ai trois. Alors, il y en a le premier, c'est peut-être parce qu'on est en pleine mode des super-héros et que ça commence à me fatiguer. Alors, j'aimerais bien voir le film de super-héros que j'adore par-dessus tout, c'est Incassable. Bah ça va venir. Alors je sais, et ce qui fait que du coup je regrette un peu de l'avoir écrit parce que maintenant j'ai peur. c'est Incassable, je trouve que c'est un film qui. Voilà, qui on parlait de Bruce Willis qui est pas bon, bah là-dedans je le trouve formidable. Oui, c'est le meilleur film de Shyamalan pour moi. Il est exactement. C'est. Le phénomène quand même. J'adore cet aspect humble dans l'approche du super-héros, l'aspect humain, enfin je trouve ça vraiment superbe. J'adore le méchant. Et je suis persuadé qu'on pourrait faire quelque chose de très bien. Alors, je vais croiser vraiment les doigts très, très fort pour qu'on arrive à rester dans cette dimension humaine, dans des affrontements réalistes, dans quelque chose finalement qui garde cette dimension terre à terre qui m'avait tant plu. Donc, je croise les doigts. J'en ai un deuxième, ce serait un Maniac Cop 4. Pardon. Il s'avère qu'on a parlé d'un Maniac Cop. Et ben Maniac Cop. J'aimerais bien avoir un bon vieux B comme les Maniac Cop. Un truc bien vénère. Ouais, un truc bien vénère, c'est ça. Un truc bien vénère, et j'aimerais bien... Enfin, faut le réal qui va bien sûr, mais un truc sans concession, comme Maniac Cop 2, quoi. Bon, je pense que là, c'est plus le cadre pour ce film-là où on aura un remake. Hein. Je pense que peut-être qu'un jour, ça va venir, ils vont refaire... Ouais, mais j'aurais vraiment la trouille d'un remake aseptisé, comme on en fait un petit peu avec Jay Courtney dans le rôle du Maniac Cop. Mais là, on dit ce qu'on aimerait voir, donc voilà, ce serait pas ça. Et puis, le troisième que j'aimerais vraiment voir, ce serait Jurassic Ibiza. Alors... Donc ça raconterait l'histoire de Raptor qui irait faire la fête à Ibiza. Mais ça sort là au cinéma en boîte de nuit avec des casquettes. Tu sais que tu plaisantes, mais là j'ai eu un rendez-vous pour aller avec un fournisseur pour acheter des films et tout, et il m'a proposé Jurassic Planet. Je me dis putain c'est génial quoi. Merci d'être venu juste pour ça, je lui ai dit. Jurassic Planet, c'est juste fabuleux, ça va être formidable. Mais ils te connaissent, ils savent très bien que les films de dinosaures, tu prends tout ce qui passe, même de la merde. C'est Jurassic Planet, c'est juste une idée de génie, quoi. C'est complètement fou. Bah ok, bah écoute, parfait. Donc Maniac Cop 4 et Jurassic Ibiza, on attend que ça. Les raptors qui dansent sur les pistes toute la nuit en prenant des extas, c'est fabuleux. Peut-être qu'ils rencontreront les Marseillais là. Où, Mais écoute, je pense que des gens qui ont écouté l'émission vont produire ce film, c'est tout à fait possible. Ça serait Raptor versus les Marseillais à Mykonos. Ils feront des battles d'orthographe et tout. Là. Voilà, exactement. Et je pense que les Raptors vont gagner. Bon, je vais conclure cette émission avec ma sélection de suites que j'aurais voulu avoir et je ne les ai pas notées parce que vous savez tous que j'aurais voulu avoir une suite de Commando. Oui. Ouais, mais il n'y aura pas eu Bennett. Bon. Tu sais, j'ai très eu envie de l'écrire rien que pour te couper l'herbe. Mais je ne comprends pas. À l'époque où ils faisaient des suites avec des Rambo et tout, et vu la qualité incroyable de Commando, alors soit ils se sont dit effectivement on ne fera jamais mieux. Non. Et je peux comprendre. Je peux comprendre, mais comme Hollywood n'a peur de rien, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une franchise Commando, quoi. Enfin, ça coule de source, mais non. Et à aucun moment, là, on tente des choses. Ainsi que The Marine avait été mis en avant comme étant le nouveau Commando, alors que c'était une espèce de comédie d'action, alors que Commando est un film sérieux. C'est pas du tout une comédie. Donc, il faut respecter Commando. Donc, j'aurais voulu une suite à Commando. D'ailleurs, c'est pas une comédie. Je tiens à... On ne rigole jamais avec... Commando, et je tiens à signaler que j'ai enfin réussi à avoir le vinyle de Commando, et depuis je me sens beaucoup mieux, je suis un homme meilleur, et ça c'est quand même toujours important de le signaler. Et plus sérieusement, moi j'attends toujours la suite de Tintin de Spielberg, que j'adore, que j'ai encore revu récemment et qui m'a encore bluffé. Il faudrait que je le revoie, La mise en scène, c'est même techniquement, c'est juste complètement ouf. Il y a la scène de pirate qui est au milieu du film, qui est absolument incroyable, la scène de poursuite aussi, qui a inspiré beaucoup de jeux vidéo, mine de tout rien. Tout à fait. On le dit pas assez, mais on cite souvent des jeux comme Uncharted avec des scènes d'action de ouf, mais c'est complètement pompé par la mise en scène de Spielberg dans ce Tintin. Il y a beaucoup de jeux qui s'en sont inspirés, donc j'attends vraiment le Tintin qui serait réalisé cette fois par Peter Jackson. Donc ça sera sûrement une approche différente, mais moi j'aime tellement le premier Tintin que j'espère vraiment, en plus là techniquement ça a encore évolué, donc vivement un véritable Tintin 2. Quand on voit le trailer du Spider-Man qui va arriver, qui est baboulifiant, moi qui m'a beaucoup impressionné. Ouais. Le film animé, c'est assez stupéfiant sur ce qui est montré. Là, ça donne très très très envie. Comme tu dis, ça a progressé, et ben on le voit avec ce Spider-Man et adapté à Tintin. Je suis d'accord avec toi, c'est un film qui fait preuve d'une mise en scène folle. Et qui, bizarrement, quand on en parle, c'est un peu le zef absolu. Mais, parce que je comprends pas, parce que vraiment, quand je l'ai vu, j'ai été soufflé par le truc. Ah, mais Spielberg, même si, bon, moi, Spielberg, je suis assez client Tintin et tout, mais je veux dire, même en termes techniques du film. Ah, mais c'est impressionnant. C'est vraiment super impressionnant. C'est fou. Ça permet justement cet aspect irréaliste de faire des choses qu'on ne peut pas vraiment faire en vrai et qui décuple un peu l'immersion dans le film. Et j'ai trouvé ça vraiment fou. Et c'est vrai que, pareil que toi, j'ai l'impression que tout le monde personne n'en a rien à foutre du film. Ah, c'est passé quasiment inaperçu. Et même à sa sortie. Bon, moi, je suis un peu le Spielberg sexuel, mais ouais, je trouve que dès qu'il y a un film de Spielberg qui sort, tout le monde, maintenant, c'est un peu la mode. On s'en fout un peu. Mais là, je trouve que c'est quand même. Autant d'autres films, je peux le comprendre. Hein, que Cheval de guerre, par exemple, n'est pas amassé les fous. C'est vrai que de base, c'est pas vendeur. Mais rien que le film Tintin, tu vois un peu d'extrait, tu dis, mais quand même, c'est un peu dingue. Et moi, je trouve que ce qui est dingue, c'est que. Il n'est pas plus d'estime que ça, quoi. Mais tu vois qu'on peut être d'accord, mon Billy. Ah, j'ai jamais dit le contraire, mais on fait pas des podcasts ensemble depuis des années. Mais j'avoue qu'il y a des trucs. Je me rappelle encore d'un podcast où tu as dit du mal d'un rival. De quoi ? Premier contact, ou je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, le film avec le choc à pic qui vole. Ouais. Mais il y a plein qui me rentrent dedans à cause de ça. Hein, mais... Non, mais tu as ton Battleship, j'ai mon Jurassic World. C'est comme ça. Battleship est largement supérieur à Jurassic World. Oh, cette battle. Voilà, et ben, c'est sur cette bataille de haut niveau que nous allons terminer cette émission. J'ai passé un super moment avec vous, les gars. Pareil, je m'attendais à ce que ça parte dans tous les sens parce qu'on était tous les quatre, mais encore une fois, c'était merveilleux. On s'entend tous tellement bien. Ouais, c'est ça, les professionnels. En fait. Voilà, exactement. C'était une émission qui était riche en films, en tout cas. Est-ce que tu as un petit mot de fin à donner, Rhône? Parce que c'est un peu aussi l'émission qui conclut, on va dire, entre guillemets, un peu la saison, même si on a encore des émissions à vous partager, hein, clairement. Il y aura peut-être des petites surprises pendant l'été, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, un mot de la fin. Alors, ça va être tout bête, mais c'est pour dire merci. Parce que VHS et Canapé, sur cette saison, on a clairement décollé. Vous avez été très nombreux à écouter nos émissions, à continuer de le faire. Vous relayez nos publications, ce qu'on peut faire. Ça a l'air de vous plaire. Nous, on y met tout notre cœur. On essaye vraiment de partager ce qu'on aime, de partager notre passion. Et on voit que ça prend, on voit que ça vous intéresse. Alors, autant vous dire que c'est hyper motivant pour la suite. Et vous pouvez être sûr que, du coup, on va mettre encore les bouchées doubles l'année prochaine. Il est mignon. Oh. C'est plein de tendresse. C'est vrai. Bah ouais, c'est carrément mignon. On était proche du gros câlin. Très très proche du gros câlin. Bilou, tu as quelque chose à rajouter après autant d'émissions? Bah ouais, autant d'émissions, oui et non, parce que j'en ai fait moins que vous, je pense, quand même, au final. C'est vrai que t'es un peu un fainéant. Bah, vous parlez que truc de merde, il faut découper des gens. Là. Oh là là. Et moi, ça, la moitié des films que vous avez cités, c'est des trucs gore et tout. C'est pas possible, ça. Oui, ah, non, muscle, là, des choses spéciales 100% action, mon gars. T'inquiète. On en a fait quand même. Oui, oui, non. C'est, voilà. Non, c'est juste que, oui, voilà. C'est sûr que dans le côté VHS, bis, c'est sûr que l'horreur a une grande part à jouer, mais c'est vrai que c'est pas du tout un genre qui me branche. Hein. Vous voyez, moi, je vais faire mon. Voilà, je vais faire chier Creepers pour bien finir. Jason, j'en ai jamais vu, et Vendredi 13, j'ai jamais vu, Halloween, j'ai jamais vu, enfin, il y a plein de trucs que j'ai jamais vu, je suis sûr que ça le fait vachement chier, je suis bien content. Ah, je sens qu'il dit. Mais sinon, ouais, pour conclure, ouais, je suis content aussi, je suis content des nombreux retours, de temps en temps, vous partagez là, les bonnes notes qu'ont les bons avis qu'ont les podcasts sur les différentes applis, donc n'hésitez pas aussi à laisser des petits messages, des petites étoiles, des petits bazars, etc. C'est vrai que c'est chiant, l'autre fois j'ai encore essayé de le trouver sur iTunes, c'est très chiant à trouver, faut aller faire une recherche, on peut pas le voir dans la liste qu'on suit, mais voilà, ça nous fait plaisir. Il y a des trucs, des retours très sympas, c'est vrai que je vais pas me dire que ça me motive parce que j'ai pas besoin de ça pour être motivé, mais parce que la preuve, on passe des bons moments, ensemble, voilà, on l'a fait pour ça au départ, hein, c'était pour passer des bons moments, pour les trucs qu'on aimait bien, pour raconter des histoires qu'on aimait bien, pour partager des choses qu'on aimait bien. Après, c'est vrai que c'est un gros bonus d'être écouté. Si on faisait ça pour 4 pèlerins, ça ferait chier, même si on vous aime, les 4 pèlerins. Après, moi je m'en fous, c'est pas moi qui monte, donc c'est aussi le boulot et moi. Attends, c'est peut-être les parents de Rami. mais toujours est-il, voilà, ça fait plaisir de voir tout ça. Ça fait plaisir de voir qu'en un tweet, il y a 300 réponses derrière. Enfin, peut-être pas 300, mais un paquet de réponses. Voilà, on sent qu'on parle aux gens. Donc voilà, on est content. Je suis content. Tout le monde est content. C'est formidable. Écoutez ce que je te dise, moi. Non, mais c'est bien. Écoute, là aussi, on était proche du gros câlin et des larmes. C'est chouette. Rano, en toute virilité. Tu vas dire, toi aussi. Mais bien sûr, du câlin viril. C'est une priorité. Ouais, bah, moi, je suis un petit peu le dernier de la bande. Et puis, bah, je suis très, très heureux de vous avoir rejoint. Et vous voyez qu'on s'amuse bien, on rigole bien dans nos émissions. C'est un petit peu l'exemple de cette émission d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout ce que vous avez dit avant, c'est vrai. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prépare les émissions, on discute tous ensemble sur un serveur dédié. Et puis, dès qu'on a les notes sur iTunes qui augmentent, ou lorsqu'on reçoit un bon commentaire en fait sur iTunes ou sur une autre plateforme, ben on se l'échange pour se dire, ah, regarde le commentaire qu'on a reçu, et puis ben voilà, ça nous motive encore plus. On fait des remakes de la scène de Predator là avec Schwarzy et machin, on est là toujours bordé les muscles comme ça, mais nous on n'est pas des Predator, enfin des Predator, des Velociraptors, donc c'est bon, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Et puis on a toujours des bonnes idées, on a pas mal de bonnes idées pour des prochaines émissions. En plus, on a la chaîne YouTube où on fait de temps en temps des petites critiques, que ça soit au niveau de films sur Netflix ou sur des jeux vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire. Oui, j'ai l'impression que tout ce qu'on touche fonctionne. Donc je pense qu'on va un peu faire d'autres choses, des calendriers, des mugs. Il faut encore qu'on se déshabille, c'est ça? Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que veulent les gens, il faut qu'ils nous le disent en... Pourquoi t'as dit encore? Je sais pas, vous parliez... Je suis pas encore à poil, là, mais... Bah, je pense que Creeper s'est déjà déchiré son t-shirt, on dit que j'ai pas vu ni Jason dans l'espace, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai chaud, moi. Je peux dire que c'est bon, je peux faire le calendrier. Aucun problème. Le calendrier VHS et canapé. Non, mais c'est cool, effectivement. Voilà, on vous remercie. On va pas non plus passer de la pommade pendant 300 ans. Mais voilà, on s'est encore une fois bien amusé. N'hésitez pas à partager l'émission, à mettre des bonnes notes, des étoiles partout. Ça nous permet encore une fois d'avoir un maximum de visibilité. Rano en a parlé, la chaîne YouTube, hein, où on fait des petites critiques. Encore une fois, toutes les émissions, les c'est alloué. Merci aux invités qui ont participé. Mmh. Oui. Donc, je pense qu'entre temps, on a déjà eu TMDJC, on a eu Luc de Rétro vers le futur. Il y a eu aussi Rico du podcast Nanarland. Donc, on rappelle que si vous voulez participer, un petit MP, vous nous dites le film que, sur lequel vous voulez parler, et puis on vous accueille chaleureusement dans le vidéoclub de C'est alloué près de chez vous. On s'amuse bien, on prend entre 10 et 20 minutes pour parler d'un film, c'est toujours très très cool. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines émissions, c'est promis très très bientôt. Et quelques surprises, des petites apparitions par-ci par-là. On tient à remercier aussi tous nos habitués qui régulièrement nous balancent des messages sur Twitter, c'est vraiment très très cool. Et ben on se dit à bientôt, on vous embrasse, à vous les studios, ciao. Salut. Bye bye. Ciao.